Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh putain, bah oui. Eh ben c'est Noël. C'est la belle nuit. Ah ouais, vous êtes là. Vous croyez que c'est pas Noël? Bah c'est Noël en fait. Bonjour. Et Père Noël est avec nous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast, un Floodcast qui sort le 20 décembre effectivement. Donc c'est les fêtes de la nativité. Peut-être vous nous écoutez dans votre voiture qui vous mène à votre famille, dans votre TGV. Votre Ouigo, peut-être. Quand soudain, un tonneau. Aïe, c'est dramatique. Nous sommes aujourd'hui avec Douli, applaudissements. Bonsoir. Douli, qu'as-tu prévu de faire pour Noël? Mais absolument rien. Ça fait 20 ans que j'ai pas fêté Noël. C'est aussi ça, mais j'adorais cette émission. Le pire, c'est que je joue le 24 et je me vois avec mon petit sac à dos comme ça, c'est genre toute seule. T'as un sac à dos sur scène? À te laisser soleil. Non, c'est parti. Et tu vois à travers les vitres, tu sais, genre les gens qui vont. Avec les coupes de champagne en ombre chinoise. Il y a quelqu'un qui jette un seau par sa fenêtre et tu te le prends. Ça arrive, il y a 3 pelouses dans ta salle. Mais nous sommes également avec Baptiste Le Caplain. Oh. Oh bonjour. Oh bonsoir. Baptiste Le Caplain, qu'as-tu prévu le soir de Noël? Tu es avec tes enfants peut-être? Ouais, je serai en Alsace. Oh. Le 24 et le 25, mais après je reviens le 26 que je jouerai au Café de la Danse. Oh. Mais je fais un aller-retour express et j'ai déjà mes billets de train. Oh, oh là là. Quel danseur. J'ai prévu. Hein. Quel danseur. Là. C'est ce que je me dis souvent, c'est les prix de la SNCF sont très forts au moment des fêtes de Noël. Ouais. Et il y a un peu un truc de vous croyez que voir ma famille ça vaut 100 balles. Vous êtes des ouf, jamais de la vie je mets autant. Oh, ça va finir dans ton spectacle ça, Baptiste. Attention. Non, je filtre quand même. Nous sommes également avec Jérôme Niel. Oh, je peux pas le virer. Bonsoir. Applaudissements, bordel. Bonsoir. Bravo. Jérôme Niel. T'as pas applaudi, putain. Jérôme Niel, qu'as-tu prévu le soir de Noël? Eh bien, chez les darons. Dans le 78. Bien sûr, 7-8. Exactement. La maison. Et avec un nouvel être, puisque je suis tonton. Oh, oh applaudissements. Depuis 3 semaines, à peu près. Première fois? Première fois. Oh, ouais. Première joli, fois, tonton. Bien joué. Ouais. C'est le petit frère qui a baisé comme un porc. Oh, ouais. On l'embrasse. Exactement. On pense tous à lui, il a trop bravo réussi. Bravo, champion. Ouais. Et nous sommes avec Adrien Méniel. Ah ouais, bien sûr. Troisième dose. Alors oui, Adrien, on peut le dire, qui a pris sa petite troisième dose. Alors, hier dose. C'est de son rappel, cadeau de Noël. Dose de rappel, mais c'est ma deuxième hein, ah parce oui, que moi, comme j'ai eu le Covid, j'avais qu'une seule dose. Ah donc c'est ok, c'est ma deuxième. C'est la dose. Et qu'as-tu prévu pour le soir de Noël? Bah écoute, petit comité. D'habitude, je vais chez ma sœur dans le sud, mais là, pas possible. Donc on va chez mon frère. Voilà, avec mes neveux et nièces. Petit truc sympa. Écoutez, et toi, Florent, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas du tout. Bah du coup moi. Bah oui. En vrai, ah bah, je sais pas. Oui, ouais. Moi, il y a à cause y a un de la chute. Oh là là, secret. On va le dire. Oh, secret. Ne le dites pas trop. Dis-le une bonne fois pour tout. Mais oh, ça va, les gens ont compris. Un gosse. Comment? Okay, voilà. Donc pour ce Floodcast, alors vous inquiétez pas, on va faire le truc de d'habitude, il y aura du sperme, il y aura de la merde, mais oui. Avant toute chose, oui merci beaucoup, que je ne sois pas Noël, venu pour finalement. Rien. C'est la magie de Noël. J'ai prévu des petites questions aussi autour de la fête de Noël. Oh. Des petites trivia pour les repas, pour les. Voilà, pour sortir, pour étaler votre science un petit peu auprès des gens. Je suis très calé. Si par exemple je vous dis Peter Schwartz, aussi appelé Pierre Lenoir, est-ce que vous savez de qui ça s'agit? Bien sûr. C'est le père Fouettard. Oh là là, quelle culture! Quelle culture! Totalement au hasard de la déduction pure. J'allais te dire que tu nous en dire plus, donc non. Bah en fait, juste je me suis dit, si le mec a un nom qui est traduit, c'est que c'est un personnage mythique, parce que tu traduis pas le nom de quelqu'un, je veux dire. Si les Espagnols font ça, ils traduisent les noms. Ah ouais? Ah ouais? Non mais Jack Black, tu dis pas Jacques Noir. William, il l'appelle Guillermo. Non, Jacques. Ah ouais? Il t'appelle le prince William de Guillermo. Du coup, tu sais pas de qui on parle du tout, quoi. Il parle pas de Guillermo Guiz, juste peut-être, tout simplement. Ah ouais. Ah, je savais Burger pas Guiz. Ça. Hein? Burger Guiz. Burger Guiz. Salut mec, ça va bien? Salut. Tranquille. Mais voilà, je me dis, c'est le nom du. C'est le nom du père Fouettard. Alors, d'accord. Si vous connaissez la légende du père Fouettard, parce que nous, on a le truc du mec qui tape les enfants. Oui. à la manière de... À main nue. J'allais dire à la manière de mon père, parce qu'il était peut-être trop me livré. Oui, là, tu te livres pas trop l'émission. C'est très malaisant, le karma. Rattrapé. Un matin d'automne, à l'approche de l'hiver, trois enfants partirent glaner dans des champs lorrains, en Lorraine donc, et se perdirent en chemin, attirés par la lumière d'une maison. Ils s'approchèrent et frappèrent à la porte. Le propriétaire des lieux n'était autre que le boucher Pierre Lenoir, donc, qui est vraiment un nom de boucher d'ailleurs, aussi appelé donc Peter Schwartz. Et il accepta de les laisser entrer, mais les tua, puis les coupa en petits morceaux. D'accord. Une très belle légende de Noël. Pour les mettre dans un saloir géant et en faire du petit salé. Mais c'est Barbac, c'est le film de Fabrice Eboué. Saint-Nicolas, sur son âne, frappa à son tour à la porte. Et l'homme ne pouvant pas rejeter un évêque, il l'invita pour le repas du soir. Voilà. Et sauf que là, Saint-Nicolas, il demanda quoi ? À manger. Mais quoi donc ? Du petit salé. Du petit salé, malheureusement. Spécifiquement, il a demandé ça. Je pense que c'est faux. Très mal écrit, cette histoire. Cette anecdote est fausse. Qui fait ça ? Oh, vous auriez du petit salé, désolé. De l'eau ? De l'eau, non ? Non, du petit salé. Toujours, je demande ça quand je vais chez quelqu'un. Croyant être pris au piège, le boucher avoua son crime. Saint-Nicolas posa alors ses trois doigts sur le saloir, pardon, et ressuscita les enfants. Wow. Pour punir le boucher, Saint-Nicolas l'enchaîna à son âne. C'est à ce moment de l'histoire qu'il devint le père Fouettard, un personnage au mauvais caractère et violent qui réprimande les enfants passage. Tu as mauvais caractère. Il est sous-polé, il tue des gosses, il les découpe en morceaux, il est imbuvable. Mais à 100 ans près, c'était peut-être à Xavier Dupont de Ligonnès, et ça devient une légende en fait, tu vois. Pour moi, c'est clairement un pédophile qui. Ils ont dit c'est une légende. Du petit salé. Il enfile des gosses, ouais. Exactement. C'est là ce qu'on voulait dire. C'est ce qu'on voulait. Il les a pas enculés. Tu veux pas qu'on cancelle le père Fouettard, c'est non, ça? Non, je pense pas. Il faut les garder, ces gars-là. Mais attends, mais je pensais que c'était un truc alsacien. Non, c'est pas des conneries. Lorraine. Ouais, mais c'est pas pareil, l'Alsace. Oh, ouais, oh, les gars, oh, c'est comme Nantes et la Bretagne, vous allez faire chier quoi. Je commande un Bolt. Oh, il est sponsor par sa propre marque. Ça existe? Génial. Donc, c'est le père Fouettard qui était donc l'exact opposé de Saint-Nicolas. Qui dans certains pays est devenu Saint Nicolas, puis Santa Claus, pour enfin devenir Saint Nicolas Aliagas. Mais c'était Nicolas Aliagas même. Ouais, qui se bat extrêmement bien. Alors, cool, les enfants, vous allez bien? Saint Nicolas. Il est là, il bosse. Je vais faire une photo de vous en noir et blanc. Il casse tes couilles. Celui qui fout la merde, je le défonce. Oui, gros bagarreur, Nicolas. Il paraît qu'il est extrêmement fort à la baston. Très fort à la baston. Très bon but. Pour 2022, c'est d'essayer d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vu Nico se battre. Ouais, j'ai deux anecdotes de baston de lui. C'est vrai qu'il est chaud. Est-ce que vous, vos parents, ils utilisaient la menace du père Fouettard ou est-ce que c'était déjà un peu vintage quand même? Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y avait un truc quand même de si vous êtes pas sage, le père Noël passera pas? Non, moi je les ai grillés très rapidement. J'habitais dans un 30 mètres carrés, j'ai grillé ma mère en train de boire le lait. Ah, j'ai dit c'est bon. Elle cachait les cadeaux sur la table. Non, non. Il n'y a pas de place. Bah, c'était con. Elle s'est changée devant toi, c'était son erreur. Non, il n'y avait aucun. Elle avait ses fringues du jour juste avec une fausse barbe. Très très tôt. Ah ouais, t'avais quel âge? Je sais pas, je vais avoir 3-4 ans. Ah ouais, très jeune. Je suis Eminem. Baptiste, toi? Non, mon père il mettait des coups de torchon très rapidement. C'était elle, le père Fouettard. C'est pour ça que tu défendais tout à l'heure. Non, ma mère elle nous mettait des gifles avec ma soeur. Et puis nous, elle osait pas taper, donc on faisait ça fait pas mal. T'entendais mon père qui montait, on faisait non. On essayait de se planquer dans la pièce alors qu'on savait qu'on allait se faire taper. Il nous tapait avec le. On puait le pec citron à la fin. Il nous frappait avec le torchon de la cuisine. Non, mais il y a eu un peu les menaces de Noël, les conneries. Mais des menaces physiques du coup de lui-même. Mais non, mais c'est la basse Normandie, ils ont pas le temps. Je vais te planter. Clairement. C'est ça la menace. Il y a pas de père Fouettard, c'est moi, je vais te planter. Et à quel âge j'ai su qu'il y avait pas le Père Noël? Je crois que c'est 7 ans. Je me souviens que je l'ai dit à mon meilleur ami, mais mon meilleur ami il croyait encore à 7-8 ans qu'il avait le Père Noël. J'ai dit mais t'es con quoi. Et il me disait bah non mais ça existe. J'ai dit mais non pas du tout. Et j'ai vraiment brisé le rêve de mon meilleur ami en direct. Et t'avais une petite satisfaction à ça? Non, je m'en suis voulu après parce que j'ai dit merde, ça crée ça en fait. Parce que j'ai vraiment vu la tête du gars dire mais ça existe vraiment pas. Dit, ah non, espèce d'abruti. Il a pas le temps. Et tu sais, je commençais à faire. T'imagines bien toutes les maisons qu'il faut faire en une nuit, c'est pas possible. Alors, j'avais cette voix un peu comme ça. Je parlais comme un attaché de presse. Mais enfin, t'es complètement con, Julien. Et ta fille, ta plus grande, elle a quel âge? Elle a 7. Elle, donc, ouais, elle est sur les borders là. Ouais, c'est le dernier là. Ah ouais. On l'appelle, on lui annonce. C'est le dernier avant que vous lui annonciez ou avant qu'elle le. Moi je vais pas lui. On veut pas lui annoncer. Une copine va le dire. Généralement, c'est à l'école, tu sais. Ouais. Tu files 20 balles à la maîtresse, elle fait, tu vois, elle lui dit, elle lui dit. Non, mais elle a une grande copine là, qui est un peu, qui parle un peu mal. Eh ben, je pense qu'elle va lui dire. Qu'à 23 ans. Elle lui a juste parlé par message, mais. Non, mais je pense qu'elle va le savoir après. Je pense qu'en janvier, elle le sait, c'est mort. Ah ouais, direct. Ouais, ouais. C'est le ce que je te conseille, c'est d'être très nul. Enfin, tu vois, moi, ce qui m'a permis de savoir que le père n'existait pas, c'est qu'un jour mon oncle a voulu le faire alors qu'il le faisait jamais. Ah oui. Et d'un coup tu fais bah non, c'est tonton là, c'est évident, c'est genre c'est souvent la vie, ça marche pas du tout. Il est rentré, il a fait salut les merdes. Ah, tonton, ah, ça marche c'est pas du tout. C'est souvent sur les pompes que tu te fais gauler. Est-ce qu'ils pensent pas à changer les chaussures, les pères Noël? Non, mais c'est vrai, c'est souvent les pompes. Au parc Astérix aussi, il a des requins. Quand j'étais allé au parc Astérix, bah il y avait un Romain qui avait des Adidas. Et j'ai fait, oh bah ça ne marche pas du tout. Enfin, ça et c'est là où t'as compris que c'est des mecs déguisés. Ouais, des mecs déguisés, parce que moi je croyais qu'il y avait des vrais Romains. C'était il y a 50 mais non, ans. Mais, hein. Mais t'es complètement con. Et c'est pareil. Donc toi, tu croyais que les Romains, comme ils avaient perdu les batailles, leur sanction c'était d'être enfermés dans le parc et de divertir les gens. Ça vous, vous avez voulu la Gaule, bande d'enculés. Et bah vous avez divertir les gens maintenant. Vous et les dauphins, vous êtes enfermés. Enfermés au parc Astérix. Et comment, toi, comment t'as su Jérôme, toi? Moi j'ai pas de souvenir, mais je pense que ça devait être aussi en primaire. En primaire, c'est quoi? C'est primaire? Ouais, je pense que c'est 6-7 ans, non? Ouais, c'est un truc comme ça. Je pense en primaire où j'ai dû peut-être faire genre que j'étais au courant du coup. Parce que j'avais. Ah oui, je pense que j'ai fait. Tu voulais pas perdre la face devant les potes. Je pense que j'ai fait, ouais, carrément. Comme quand tu fais croire que t'as vu le film de la veille. Et ensuite, je suis allé aux toilettes, j'ai fait putain. En chialant. Un truc comme ça, je suis sûr que j'ai fait genre que j'étais au courant. Bah, Baptiste, il a pourri son pote alors que 3 jours avant, il y croyait encore. Hein, donc, t'as bien fait de faire semblant du coup. T'as été humilié par un gars comme Baptiste. Mais non, j'ai regardé ce con, il y croit, il chiale en plus maintenant. Là, c'est mon pote Julien Abadi. Et il avait un accent, il était de Périgueux. Il dit, mais c'est vrai, il n'existe pas, le Père Noël. Je dis, mais non, il n'existe pas. Mais non, ça mais faut grandir à un moment donné. Non, mais c'est comme ça que c'est. Le pauvre Abadi. C'était Jean-Michel Abadi, par contre. Adrien, t'as su comment, toi? Bah alors, c'est marrant, je crois que c'est dans le peut-être le deuxième ou troisième podcast où il y a cette question. Mais que t'as appris ça? Ouais. Tout le monde en parlait, j'étais genre putain, ça va arriver à moi, je vais lui dire c'est maintenant. Non, non, franchement, j'en sais rien, mais je pense que c'est les parents au bout d'un moment qu'on fait bon, allez. Tu vois bien que la vie n'est pas du tout féerique. Y a pas de Père Noël, y a rien, voilà. On a plus de thunes. Ça aide pas mal. À votre avis, qui est Clément Clark Moore? C'est quelqu'un qui a eu un impact assez important sur Noël. À votre avis, lequel? L'inventeur du papier cadeau. Non, mais ça aurait été sublime. Est-ce que c'est le Coca-Cola? Alors non, pas Coca-Cola. Clément Clark Moore. Est-ce qu'il a... Jérôme, je t'invite à lever un tout petit peu ton micro. Est-ce qu'il a je sais pas, inventer un truc qui est devenu maintenant un impondérable de Noël. On est là-dessus. Les décorations de Noël, pas les décorations. Pépinier. Pas pépinier. Le sapin. Il est, c'est pas le mec. Le ou. Non. Le ou. Le ou. Le c'est l'inventeur de la guirlande. Il a inventé le ou. Espèce de bouffon. Le ou. Tu vois, tu l'as dit plus que moi, ça veut dire que ça doit te faire plaisir de le dire. Le ou. Personne va s'acheter du ou. On dirait une poche. J'ai oublié le ou. Espèce de bouffon. C'est tellement vintage. Oh, il y a pas de ou. On dirait une punchline ratée de Christian Clavier. Le ou et le ou. Ouais, ah mais tellement. Oh la vache. Est-ce qu'il a inventé la guirlande électrique? Pas du tout. Bon, attends. Pas du tout, mais rien à les voir. Les chaussettes. Les chaussettes au-dessus de la cheminée. Ouais. Alors sache que c'est un peu. Il y a une part. C'est une partie de la bonne réponse. Mais en fait, il n'a pas inventé que ça. C'est tellement qu'un riz, ça. Personne fait ça. Le lait. Non, pas le lait. Il n'a pas inventé le lait. Tu mets pas les cadeaux normalement. Normalement, le truc, c'est de mettre les cadeaux dans la chaussette. Non, mais ça, c'est que t'es vraiment, t'as pas de thunes. C'est surtout les voilà, un Playmobil sans la boîte. Ouais, voilà. Merci, c'est gentil. Non, Clément Clark Moore, tu dis que c'est un truc de ricain. En l'occurrence, c'est un Américain. Oui, donc on n'est pas loin de la chaussette. Bah, en fait, la chaussette, il a inventé plusieurs choses. Ok, donc. Dont mettre une chaussette sur la cheminée. Donc, il a inventé une sorte de tradition, de coutume. Exactement. Bah, non, la bûche. Et pas qu'une. C'est bien plus vieux. Pas ça, qu'une, mais... pas qu'une rabanne. Et de... Salut. Oh, salut. Enchanté. Bah, le 24 et le 25 décembre, alors c'est lui qui a dit c'est le 24 et le 25 décembre. Non, ça c'est la naissance de Jésus. Oui, bon. Non, mais d'accord. Mais bon, les gens, alors, excuse-moi, mais le où ouais. entre le ouh. Et c'est lui qui a inventé Noël, gars. C'est peut-être lui qui a dit, au fait, vous savez que Jésus est né ce jour-là, peut-être qu'on pourrait faire un truc. Ça marche. C'est les catholiques. Tu vois. Non mais peut-être que c'est vrai ça. Ouais, c'est con, on fait rien pour lui. Le mec est quand même mort pour nos péchés, on fait rien pour lui. Je peux faire une digression? Je t'en supplie. Parce que en fait, la fête de Noël, c'est les catholiques qui en gros ont volé les fêtes païennes. C'est-à-dire qu'à la base, les fêtes païennes, il y avait en fait, eux, ils mettaient une vraie bûche en bois, ouais. Parce que eux, ils vénéraient la nature et tout. T'as supprimé en fait, une de mes autres questions, mais c'est ah, pas grave. Ah pardon. En même temps, t'avais la réponse. C'est pas grave. Non mais et du coup, les cathos, vu que eux, ils voulaient un peu cannibaliser toutes les autres croyances et qu'il y ait plus que eux, d'accord. Ils ont dit bah non, mais c'est en fait, c'est la naissance de. En fait, on n'est même pas du tout sûr que ce soit la naissance de Jésus. C'est juste que c'était la date de la fête païenne. C'est ils ont dit bah non, mais c'est la naissance de Jésus ce jour-là. Et ils ont dit bah nous, il y a une bûche aussi, mais c'est un gâteau machin. Enfin, ils ont repris. Ah ouais, c'était pour court-circuiter. Ouais, le sapin, tout. Ils ont dit non, mais c'est nous en fait, c'est nous. Et du coup. Ça a marché parce que on n'entend plus tout parler. Les Catalans, ils ont gardé la bûche. Ils appellent ça le cagatillo. Non mais en bois. Le cagatillo. En fait, le tillo, c'est une bûche. C'est comme si c'était le Père Noël. Un peu, c'est une bûche comme ça. Et les enfants frappent dessus comme une piñata, tu sais. D'accord. Et le tillo, c'est genre l'oncle. Mais oui. Et cagatillo, c'est l'oncle qui chie. Ah, j'en ai. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'étais prof de français là-bas. Et j'avais demandé au gamin de me faire une rédaction, tu sais, en français. Et à un moment donné, le gamin dit et là, on a chié l'oncle. Et je dis là, il doit y avoir un problème de syntaxe. De famille. Ça va appeler les services sociaux peut-être. Parce qu'on ne chie pas son oncle. Donc en fait la bûche était oui donc une merde de l'oncle, c'est ça? Non, l'oncle c'est la bûche. Ah, okay. Et voilà, et il a un petit bonnet de Noël et tout, c'est la bûche, ils ont gardé la bûche les Catalans. Quel rapport avec une bûche du coup? C'est un oncle ou c'est de la merde? C'est de la merde de l'oncle. Mais non, la bûche c'est l'oncle, elle dit. Oui, et les cadeaux c'est le caca. Tu vois, il chie en fait. Des cadeaux. C'est une piñata. Mais ça ressemble à une bûche ou pas du tout? Ouais, c'est une bûche. Ah, c'est une bûche. Ouais. Ah, d'accord. C'est très compliqué. Ouais, ils ont poussé le truc. Et c'est vrai que Jésus n'est pas né le 25. Enfin, on sait pas si Jésus est né le 25 décembre. En revanche, je peux vous donner quelques vedettes qui sont nées le 25 décembre que vous pouvez célébrer à la place de Jésus, vu qu'on n'est pas sûr. La Fouine. Est née le 25 décembre. Ingrid Betancourt, Jean-Marc Généreux et Désirless. C'est quand même les boules, hein, parce que t'as jamais eu de cadeau, quoi. Bah ouais, c'est toujours un peu ce truc-là. La Fouine a une barbe, donc on va garder. La Fouine de Noël. Potentiellement, on peut partir sur la Fouine qui livre des cadeaux. Bah alors, mais du coup, on a toujours pas donné la bonne réponse. C'est toujours pas qui est Clément Clavement. On va faire comme ton père Noël, on va pousser ta mère Noël. Il a les chaussettes, il a. C'est lié à la bouffe? Non, non. Les décorations? Non, il a proposé tout à l'heure les décorations. Ce n'est pas lié aux décorations. Est-ce que c'est lié aux décorations? Parce qu'il y a les chaussettes, c'est quand même de la déco. Alors dans ce cas-là, oui. Parce qu'en gros, il a inventé un truc beaucoup plus gros. C'est assez évident. Le traîneau. Je pense que je vais accorder la bonne réponse à Douli parce que tu as donné deux parties de la réponse. Les rennes, les lutins. Quasiment tout ce qui est lié au Père Noël vient de ce mec. Okay. Mais je crois qu'il est coca. Eh bien, en fait, pas du tout. Il est le créateur du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'idée à quoi? Mais ça se trouve, il bossait chez Coca, non? Non, c'est en 1822, ce pasteur new-yorkais écrivait un poème mettant en scène un Père Noël entièrement vêtu de rouge, venant du pôle Nord, assis dans un traîneau tiré par des rennes, avec un sac de jouets toujours plein. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Toute l'histoire, c'est un pro. Qu'est-ce que vous avez? Assis dans un traîneau tiré par des rennes, avec un sac de jouets toujours plein et des bas accrochés au-dessus de la cheminée dans l'attente des 10 cadeaux. Et Rudolf, c'est lui qui l'a inventé? Non, lui, celui c'était Tornade, machin, etc. Ça, c'était non, lui. Mais alors, donc, c'est complètement tout lui, en fait. C'est lui, le gros du truc. C'est pourquoi ce mec-là. Mais Coca-Cola, du coup. Mais attends, je crois vert, on va y venir parce après. Que je crois qu'il était vert avant le Père Noël et que Coca, il en est rouge. Mais apparemment, il paraît rouge aussi. Bah ouais, là, il y a. Non, regardez bien, parce que c'est des conneries. C'est la question d'après. Puisque en fait, c'est juste qu'ils l'ont utilisé dans une pub, je crois. Exactement. En fait, Clément Clark Moore, c'est bien lui qui a inventé tout le truc du Père Noël et pas Coca-Cola, d'accord. Comme le veut la légende urbaine. Mais Coca, ils l'ont propulsé. Coca, il a popularisé la couleur rouge partout dans le monde. Puisque, oui, en gros, ça. Clément machin, avant, c'est un New-Yorkais. Avant, il y avait rien de rouge dans le monde. Ça n'existait pas. Ils ont dit, regarde, on a une couleur là. C'est le les rouge. Les clowns avaient un éveil. L'amour, c'était kaki avant. L'amour, c'était kaki. Le nouveau livre de Douli. Et les règles, elles étaient jaunes. Oh, yes! Comme le pipi! Hey, t'as mes bibis ou t'as tes règles? Bah, je sais pas. Oh, c'est plus pratique. Oh. C'est plus pratique, c'est une couleur. Salut, elles étaient bien bleues à la télé. Oh, dans la pub. Punchline. Donc, Coca a popularisé la couleur rouge, mais ne l'a pas inventée. Et à votre avis, pourquoi Noël a toujours été associé à la couleur rouge? C'est une question que je vous... C'est une question que je te pose, Jérôme, en fait. Est-ce que c'est quelque chose de dark? C'est un truc un peu glauque. C'est pas dark, c'est pas mais le sang. C'est le sang. C'est le sang. Ah, mais le sang de la veine. Pas le sang de la veine. Le sang de qui coule dans tes veines. Alors, le sang qui pas dans les tiennes. Parce qu'ils faisaient des, ils échangeaient leur sang pour Noël comme un pacte. Comme des ados amoureux. Comme des ados amoureux. Des satanistes, c'était au-dessus sataniste. D'un pont. Ouais. C'est le non. sang de Jésus. Très bonne. Ah oui. Qui roule sur la concurrence que vous êtes. Bah que. Le sang du Christ qui coule de la croix directement. C'est-à-dire que c'est directement lié à la crucifixion. C'est une bonne. C'est la couleur rouge de Noël. Vient non pas donc de Coca mais du sang du Christ. Génial. Et super idée, c'est... entre le père Fouetta, le sang du Christ. Et le caca de l'oncle. On est sur une magie assez folle. C'est poétique. Eh, hey, venez, on va voir les vitrines, ça va me rappeler mon souvenir. T'imagines justement les vitrines des Galeries Lafayette avec de la merde, de l'eau. Un oncle qui chie. Jésus crucifié. Un oncle à la chiasse. Le dégueulis du grand-père aussi, qui est une très belle tradition suédoise. La bûche de Noël, Adrien nous l'a dit. C'est alors plus précisément, est-ce que tu sais pourquoi ils mettaient une bûche? Bah, c'était pas parce qu'ils vénéraient. C'était des comment? Le dieu bûche? Non, mais ils vénéraient la nature. C'était des païens. Donc Patrick ils... Buchité d'ailleurs. C'est ça. Ouais, ouais. Pinocchio. Non, il me semblait que c'était ça. Mais non, c'est vrai qu'il y a une raison particulière. Il y a une raison particulière. Bah, je vais vous donner directement. Ouais. C'était par rapport au solstice d'hiver. Parce qu'en fait, c'est la nuit la plus longue de l'hiver. Donc la tradition voulait qu'on mette une énorme bûche. C'est ça. Eh oui, pour une énorme bûche. Pour chauffer plus longtemps. Mais elle devait avoir une notion de sacré. Et c'est pour ça qu'on renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. Et c'est de maintenant que c'est devenu de la bouffe. Ah, au fil du temps. Okay. Tout simplement. Ça dégueulasse la bûche en général quand même. C'est très bourratif. Putain. Ouais, il y a quoi vous dans les. Alors oui, toi tu fais pas trop Noël, tu disais Douli. Non, non pas du tout. Non, ouais, pour... son oncle chie, c'est tout. Juste il y a son oncle qui passe, il coule en bronze, il repart. Pose une pêche. Et joyeux Noël! La soirée de l'oncle Kishi. Attention le titre qui se dessine. Non mais est-ce que du coup vous avez des repas de Noël un peu... Je suis en train d'imaginer tous les chants de Noël. Mais à la place de Noël ils disent la nuit de l'oncle Kishi. C'est la douce nuit de l'oncle Kishi. Est-ce que vous avez un peu le repas typique de Noël? Moi, la bûche, par exemple, on en a jamais trop eu, quoi. Ça faisait pas partie du délire. Mais c'est vrai que c'est pas bon, quoi. C'est très bourratif. Ouais, il y avait toujours un truc pomme dauphine poulet tout le temps. Je sais pas si vous. Moi aussi souvent. Oui, chapon. Ouais, voilà. Chapon, ouais, un truc comme ça. Exactement. Nous, on faisait des fruits déguisés. C'est-à-dire tu prends la pub Oasis. Non, une date. Tu prends une date et de la pâte d'amande et tu fais et des noix et tu fais un hibou, une chouette, tu fais des petits trucs. Ouais. J'adore faire ça quand on est créatif chez les meilleurs. Ah ouais, putain. Mais vous avez jamais fait ça? Jamais. On fait ça quand j'étais gosse, ouais. Et j'adorais. J'adorais la pâte d'amande en plus. Oh là là. Mais j'aimais pas les dates. Quel kiffeur. Toi Baptiste? Oh, non, moi je me souviens juste c'est qu'on mangeait dans le salon et ça c'était cool parce que toute l'année on mangeait dans la cuisine, genre on mangeait dans le salon, on était trop contents. Et au bout de deux allers-retours, ma mère a gueulé, putain c'est chiant avec les marches, qu'est-ce que c'est relou. Et là mon père nous frappait avec le torchon. Voilà, validé. Mais non, c'est juste, je me souviens qu'on mangeait dans le salon et je trouvais ça cool. Il y avait droit à la télé ou pas? Non, je me souviens d'un Noël chambé. Putain, mais vraiment, tu vois, mes parents ils vont penser que. Ouais, bah surtout que c'est des fervents auditeurs de l'émission. Ouais, grave. Non, je me souviens, un soir on avait joué à un jeu de société. Ça n'est jamais arrivé dans toute ma vie que mon père, ma mère, ma soeur et moi on joue à un jeu de société à 4. C'est la seule fois qu'on avait joué à ça, c'était à Qui veut gagner des millions. Je me souviens. C'était un très bon Noël. Mais qui faisait Jean-Pierre Foucault? Je sais pas. C'est Jackie. Bon, le canapé, vu que c'est de la même couleur. Non, mais c'est ça. Non, mais on bouffait. Non, mais il y avait le traiteur du village. On avait des trucs. Les œufs. Ah, si, le truc dégueulasse. Tu sais, les œufs de l'Inde dégueulasse. Ma mère, il bouffait ça tout le temps là. Autant le caviar, autant ça non. C'est pour pourquoi c'est rouge, pas... pourquoi c'est rouge et noir? Le sang du Christ. C'est le sang du Christ. Non, putain, Jeanne Masse, je voulais dire. C'est Jeanne Masse qui les a fait. Il y avait ça en entrée, un peu de foie gras, et puis après ça bouffait un poulet, je pense. Ouais. Bah, la campagne, c'est très poulet. Dépioté à même le salon, déplumé devant nos yeux. Et moi, j'avais la bûche individualisée parce que j'aimais bien la bûche. Mais la bûche. T'avais ta mini bûche à toi. J'avais ma mini bûche à moi. Non, mais j'étais heureux. Oh le bourgeois. Et bourgeois. Et bourgeois. Torchon, le souvenir cool, c'est qu'on mangeait dans le salon, je me souviens. Et alors, le sapin de Noël, et après on aura fini avec Noël, à votre avis, d'où ça vient? Ah bah ouais. Ça c'est des Canadiens, ça. Et les gars bien cons avec des bonnets là. Et bim, les Canadiens, réveillés pour l'hiver. C'est pas encore le truc des rites païens et tout, ça a rien à voir avec ça? Non, c'est assez lié à la religion catholique chrétienne. Je pense que la seule et unique. J'en profite de l'émission, la seule et unique religion. Bah ouais, j'ai jamais dit en 8 ans, j'ai jamais dit. Non, on est en France, merde. C'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Attends. Le sapin de Noël, d'où ça vient, c'est ça la question. D'où vient le sapin de Noël, c'est assez... C'est pas mal quand tu le sais. Quand c'est pour guider quand tu le sais, les c'est rois mages. C'est pas mal, c'est vraiment genre c'est pas mal. C'est pas mal à ressortir, tu dis ah pas con. Est-ce que c'est pour guider les rois mages, une connerie en Galilée par exemple. Non mais tu sais, comme tu mets une étoile au sommet, c'est peut-être l'étoile du berger parce qu'ils ont. Le bâton de berger. Suivez l'étoile du berger, comme dit la chanson. Bien sûr, mais je sais pas pour l'étoile, c'est plus large que ça que j'ai comme réponse. Mais peut-être que tu pas, as raison. J'en sais rien. Non mais je dis n'importe quoi. On parle du sapin déco et tout quoi. C'est lié à la déco. À la déco, ouais. Avant ils mettaient pas des bougies d'ailleurs dessus. La si. Réponse ne le dit pas. Si, si, si. Ils mettaient des bougies sur un sapin. Ouais, ouais, très très bonne idée. Il y a eu beaucoup de morts, ça a duré deux ans, et puis après on a arrêté. C'est tellement qu'on invite, ouais. On invente l'électricité. C'est ça, et après ils ont inventé les pompiers. Juste après, ils l'ont inventé. Pensez chrétien catholique, pensez les légendes autour des. C'est encore la croix de Jésus qui est faite en sapin. Non. Les 12 branches de l'arbre. Non. Les fameuses 12 branches de l'arbre. Ces fameuses 12 branches du sapin. Pourquoi c'est catholique, c'est sapin parce que. C'est la résurrection parce que le sapin il revit en hiver. Non, il y a pas que Jésus dans la religion catholique. Il y a aussi Dieu. Il y a qui? Il y a qui? Il y a Jean. Il y a le Jean, pape. Judas. Il y avait Pascal. Il y a Lambert Wilson. Il y a Jean Ferrat. Il y avait Marie Madeleine. Didier Drogba. Didier Drogba aussi également. Didier Drogba, tout a senti ça. Espèce d'enfumé. Non, pas Marie Madeleine. Non, mais parce que vous êtes autour de Jésus. Ah. Autour de Jésus. Écartez-vous de Jésus. Marie, Joseph. Non, écartez-vous de Jésus. Écartez-vous Judas de la famille. Bon, laissez-le respirer, laissez-le respirer. Il fait un malaise, vous voyez bien. Écartez-vous de Jésus. Écartez-vous de Jésus, enfin. Il descend de la croix. Écartez-vous de Jésus, il n'y a pas qu'Amel Gibson qui filme. Saint-Pierre. Non, mais oui, on pourrait être sur les saints ou les apôtres et tout. Partez de la Bible. Dans la Bible, il y a plein d'histoires sympas. Ouais. Ouais. Il y en a d'autres un peu glauques où tu dois tuer ton fils, mon Dieu, mais. Non, mais voilà. Oui. Cherchez les par là. Moïse. Cherchez les autres Avengers de la Bible. Oui, c'est ça. C'est qui l'autre là? Judas. Noé. C'est qui l'autre? Noé, il est stylé quand même. C'est pas Abel et Cain, par un exemple. Un mec qui est dans tous les bouquins, il devait voir Laurent Dutch. Adam. David Fuenkinos. Adam. Alors. Eve. Adam et Eve. Alors oui, mais alors. Bah l'arbre. La pomme. L'arbre. Ouais. Au début, c'est une pomme qui s'est transformée en sapin. Ah, d'où les pommes d'amour. Bah les boules de Noël, c'est pour faire des pommes. Ouais. Exactement. Ah, à l'origine. Voilà. Oh, il est tout content. Ça veut dire quoi les boules de Noël, c'est pour faire des pommes. Et tout le monde a fait c'est ça exactement. C'est ça. Les boules de Noël, c'est pour faire des pommes. Alors on enchaîne. J'ai rien compris. Je vais vous. Mais on t'a pas filé la dose de cam avant d'arriver. Je vais vous raconter. Je vais vous expliquer. De Noël, c'est pour faire des pommes. Jusqu'en 1850. Pour symboliser les pommes. Je veux bien que tu développes. Ça dérange pas. Pour symboliser les pommes. Gros bébé. Les boules de Noël, c'est pour faire des pommes. C'est une bonne réponse. Bien joué, Adrien. On lui laisse tout passer, quoi. Clairement, on est un enfant très malade. Jusqu'en 1850. Je suis malade. J'ai été vacciné hier. Jusqu'en 1850, on décorait un sapin avec des pommes rouges afin de rendre hommage à l'histoire d'Adam et Ève. Le péché original. On a gardé la pomme d'amour. Alors, je sais pas si c'est lié la pomme d'amour, mais cependant, en 1858, le nord des Vosges et la Moselle furent frappés par une grande vague de sécheresse, empêchant les habitants de récolter. Plus de pommes. Une autre phrase de Xavier. Y a plus de pommes. Y a plus de pommes. Vous avez du ouh parce qu'il y a plus de pommes. Y a plus de pommes. Et donc, une grande vague de sécheresse, donc il y avait plus de pommes et pour mettre sur les sapins de Noël. En solution de repli, un verrier eut l'idée de créer des boules de Noël afin de remplacer Jean-Michel. Jean-Michel Verrier. Jean-Michel Verrier. Pierre Vert. Ah, ça c'est bien, j'avoue. C'est pas bon. Afin de remplacer les pommes. Okay. Sans le savoir, il venait de créer une des décorations de Noël les plus connues et utilisées. Magnifique. Au bah oui, c'est le genre de dire c'est beau, et on peut les réutiliser d'une tout année à l'autre. Exactement. Et les pommes, on se les bouffe, mon pote. Crac, crac, les pommes d'ailleurs. Oui, c'est Chirac. Chirac, on est d'accord que la question c'était bien pourquoi le sapin. Et que là, on a juste eu les pommes dans le sapin qui étaient remplacées par des boules. Mais pourquoi le sapin, les boules? Pourquoi les boules? Vous dire pourquoi les boules? Je m'en rends compte. T'es vraiment un con. Hein, oui, mais c'est le début. Parce qu'il fallait un arbre et puis c'est le seul arbre qui peut survivre un peu l'hiver. Pourquoi les boules étaient oui, c'est voilà. Voilà, c'est l'hiver. Oui, parce que. Non, mais c'était plus chic de pourquoi les boules? Pourquoi le sapin? Pourquoi les boules? C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un pommier directement. Oui, voilà. C'était. Oui, mais un pommier dans le salon, c'est vrai que c'est pas c'est super. C'est ça. Ça prend, ça prend une place. Une place folle. Vous avez toujours les vrais sapins, vous? Moi, à Noël. Moi, j'ai pas de sapin. Car, pas de sapin. Moi, Jackie, dans sa douceur légendaire. Non, non, ça fout les épines partout. Donc, on avait le faux en plastique, on dépliait. Bien sûr. Ah, non, moi, et j'ai jamais l'odeur. Eu de vrai ouais, sapin. Ah, putain, t'as ouais, trop l'odeur du sapin. Ah ouais. Ah ouais. C'est espèce magnifique. De baiser de sapin. Si, non, quand tu rentres chez toi, là, que ça sent un peu oui. La sapinouille. Oh, je vais m'acheter un sapin. Non, mais toi, t'as été cocaïnomane, drogué, héroïnomane, et tu me dis, ah, l'odeur du sapin, c'est génial. Pourquoi tu t'es pas drogué au sapin? D'où cette phrase, ça sent le sapin. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça perd des épines de fou, quoi. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Oh. Bah, oh. Moi, le mien, il doit avoir les sacs à sapin, alors. Les sacs à sapin. Arrête. Pensez aux sacs à sapin. On quitte Noël. Et encore, pas tellement, parce qu'on parle encore un peu de jouets. Vous le savez, beaucoup de gens conseillent d'investir dans le bitcoin ou dans l'or. Oh, et pourtant, des études russes ont annoncé qu'il était possible d'investir dans quelque chose d'encore plus lucratif. À votre l'urine. Avis, quoi? Alors non. On a quitté Noël. Non, car il s'agit de jouets. Donc pas de l'urine. Attends, mais un truc récent là, c'est ça? Les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon. Attends, les vieilles consoles là. Attends, refais. En gros, c'est des études russes expliquent qu'il vaut mieux investir dans un certain type de jouets qu'il faut deviner plutôt que le bitcoin et l'or qui vont être plus en gros les prix vont augmenter selon les estimations de cette étude. Les prix vont augmenter de 600% en quelques années. C'est pas forcément un nouveau jouet, quoi. On peut le connaître si on est complètement à la ramasse. Tout à fait. Ce sont des figurines? Pas des figurines. Mais ça va être. Les billes? Pas les billes. C'est faire une matière qui va disparaître parce qu'après il n'y en aura plus. Non, c'est vraiment juste l'objet. C'est toujours fabriqué. Toujours fabriqué. Playmobil? Non. C'est toujours fabriqué? Toujours fabriqué. Des petites voitures? Pas des petites voitures. J'ai pensé, ouais. Des petites voitures. Donc ça, c'est toujours en vente en ce moment? C'est toujours en vente en ce moment. Des puzzles. Des puzzles. Pas du truc. 100% de valeur. Pas du tout. C'est pas du ou. C'était pas du ou. C'est pas du ou. Un truc qui va. Et ça va disparaître mais ou pas? C'est beau le ou. Pas spécialement. Bon, bah, c'est pas District Z. Alors qu'il l'a fait deux fois, il s'est battu contre les zombies. Ouais. On est pas du tout sur des jeux vidéo, on est sur un truc physique, quoi. Tout à fait. Ok. Tout à truc fait. Physique. C'est pas une poupée? Non. C'est pas un. Ouais, donc pas de figurines. C'est pas des Barbie. Des voitures télécommandées? Pas des voitures. Oh, ça j'adorais ça. J'adorais en avoir. Une par Noël, moi. Monsieur Patate. Ah ouais? Non, pas Monsieur Patate. Une par Noël? Parce que je la pétais en cours d'année et du coup j'en demandais une. C'est un jeu de société. Et t'attendais Noël pour en avoir une autre? Bah ouais. Peut-être je faisais Noël anniversaire, peut-être. Ah donc t'en pétais deux par an? Peut-être pas. Est-ce qu'il y en avait dans genre quand on était petits, nous, quoi? Les vieux. oui, ce jeu, oui, ça existait les déjà. Pogs. Okay. Pas les Pogs. C'est gros. Les pins. Ça peut, mais pas forcément. Oui, un petit indice là. Ah, c'est gros. Ça peut être ça gros, peut, mais pas forcément. Une tub. Allez, bonne fin de soirée. Il y a mon Bolt qui est en bas, je m'en vais. Là-dessus. Je m'en vais. Oh là là, ça peut être gros, mais pas forcément. Ça va prendre 600%. Mais ça m'énerve, j'ai envie d'en acheter du coup là. Oui, bien sûr. Un dinosaure. Non. Putain, si t'avais une bonne réponse là-dessus, j'aurais mis une droite dans le bras. Je comprends. Est-ce que c'est un jouet qui est plutôt décoratif ou c'est vraiment un jouet avec lequel on joue? Eh bien, les deux, mon pauvre. Oh bah je sais. Est-ce qu'on peut aller en extérieur avec? Tu peux. Des baguettes d'Harry Potter. Non. T'as regardé ce qu'il y avait autour de toi? Non, j'ai regardé ce qu'il y avait. Est-ce que c'est quelque chose une sorte de franchise ou lié à. Ça peut. Les deux, oui, bon, allez. Ouais, c'est bon, vas-y, le mec t'as pas bossé les questions. Le pire, c'est que je vais vous dire la bonne réponse et vous faire ah bah oui. Une balle avait raison à chaque fois. Une balle rebondissante. Bah putain, je t'en achète un stock en sortant, on arrête l'émission, j'y vais maintenant. Je vais jouer au club. Ça peut être décoratif. Qui offre des balles rebondissantes à Noël? Tiens, oh génial! Ça rebondit plus haut que les balles de tennis. Putain, mais quel cadeau de merde. Oh là là. C'est pas les Lego? Les Lego? Non, mais les Lego, c'est passé intéressant. Ah, ouais, parce que quand elle a dit Playmobil, ah ouais, t'as dit non. Donc je me suis dit, ouais. Oh, il aurait dit, Ok. Pas donc les Lego. C'est des Lego. C'est des Lego. C'est des Lego. Bah, excusez-moi, ça peut être petit et gros. C'est vrai, c'est ça vrai. Ça peut être de franchise ou pas. Ça peut être décoratif. Et on peut jouer avec. C'est vrai que les Playmobil ont tué le. Ont tué le Lego. J'ai pas dit, pas du tout. J'ai tué le Lego aussi. Non, mais il y a eu plus de films Lego que Playmobil. C'est important de tuer le Lego. Ouais. Non, mais attends. Genre, il y a des Russes. Donc qui disent que ils ça sont va. Ivres déjà, c'est sûr. Sûr. Ils ont dit, c'est 600%, je te jure, gars. Investir dans non, mais des Lego, il y en a un milliard. Ça... Ceci dit, t'as des magasins là, pas très loin de chez toi, une galerie marchande, t'as une galerie entière de Lego. Ouais. Et vraiment, ils commencent à faire des trucs un peu fat. T'as vu là. Les masques Lego? Il y avait les masques Lego? Ouais, il y avait les masques. Les masques Playmobil, ça, je crois. Non, ça, c'était Playmobil, je crois. Pas ah, Lego. C'était Playmobil. C'était mais c'est surtout Lego. Les Lego, c'est déjà très cher. Mais c'est, en gros, c'est, base, c'est quand même très cher, les Lego. Nos chers amis russes se basent justement là-dessus. La valeur de certaines pièces de collection, devenues de plus en plus rares, augmente jusqu'à 11% par an. D'accord. Donc la hausse de la valorisation des jouets Lego s'explique essentiellement par la rareté de certains modèles. De nombreux jouets sont en effet produits en quantité limitée. En bas, tu souffles. C'est moi qui souffle. Mais c'est Baptiste. Quand tu vas revendre, tu vas acheter un Lego parce que je les connais les transactions. Je les connais les cons qui viennent acheter des trucs chez toi. Bah toi t'as bossé dans la crypto-monnaie. Toi, non mais ils vont t'acheter. Non j'ai mon beau-frère qui est là-dedans et je comprends rien à chaque fois. Et ils vont. Tu vas avoir un Lego genre. Imaginons le truc que tout le monde a acheté là. La réplique du Central Perk de Friends. Ouais. Tu vas le vendre. Il y a un mec qui va arriver, on peut compter les pièces. Il va les compter une par une chez toi et faire 1, 2, normalement le chandelier on l'a en deux fois, ouais. Donc là il en manque un, donc je réduis le prix. Ça va être un enfer. Mais est-ce que la solution... C'est-à-dire qu'il faut acheter des Lego neufs et ne jamais y c'est toucher ça, en ouais, fait. C'est ça qu'ils disent, ouais, les mecs. C'est peut-être ça, faut jamais les monter en fait. Peut-être les laisser dans leur boîte. Dans la boîte c'est encore voilà, plus cher. Comme les Pokémon que les gars qui ont acheté les paquets, qui les ont jamais ouverts et qui les revendent. Mais on sera mort. On sera dead. Personne n'a d'enfant autour de cette table, mais quand vous construisez un Lego à votre enfant, que ça vous prend 3 jours et que au bout de 7 minutes gros nul, t'es pas bien fut-fut. Le gros nul au bout de 7 minutes le ou il y a un truc qui se casse et fait tu peux le remettre, c'est insupportable à monter Lego. Et une fois qu'un Lego est monté, mais faut limite plus y toucher quoi. De toute façon les Lego, faut pas faire les trucs déjà faits là, faut inventer des trucs, putain, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, putain, c'est ça qui est marrant. J'ai un planning, moi j'ai des trucs à faire dans la journée. Tu laisses tes gosses jouer. Ah non mais toi tu vas acheter le bloc de trucs blancs de deux, puis après tu veux construire un truc. Tu fabriques des trucs avec des roues, des voitures. Mais maintenant Lego ils font plus ça. Maintenant ils mettent des figurines entières de tu peux créer Gotham City en Lego. Moi je me souviens quand j'étais petit, c'était mon grand frère qui montait les Lego et dès qu'il avait fini, moi je jouais, tu vois, avec mes Lego. Ouais. Parce que j'étais débile. Ouais, je ne voulais que jouer. Mais en vrai le Lego c'est dans la famille, quand tu fais une réunion de famille où tu te fais un peu chier, généralement le tonton ou le cousin qui se fait vraiment chier dit bah laisse, je vais te les monter les Lego. Et lui généralement plus tard il revient de Noël après, il dit je me suis radicalisé. J'avais un truc à dire mais je voulais pas vous le dire, il y a de Noël j'ai fait des Lego. Là il y a plus de Lego, j'en ai. Merci Victor. On aurait dû prendre des Playmobil. Mais c'est pas vraiment le refuge du gars qui se fait chier et qui va te monter le Lego. Après, tu viens, Florent, tu m'as décrit plus ou moins. Ouais, fan de Lego. Donc. Non et puis surtout moi c'est vraiment, on a déjà fait des repas de Noël ou des trucs comme ça où moi je m'ennuie, donc effectivement je vais monter des Lego avec les gosses ou des trucs comme ça, bien sûr. Mais il y a vraiment des beaux Lego, hein. Les vaisseaux de Star Wars et tout, c'est magnifique. Il y a des jolis. Moi j'ai des Lego en vrac chez moi. Et des fois, je m'en sers juste, je sais pas, j'ai besoin d'un truc pour tenir une tablette ou un truc, et tu peux te fabriquer des trucs pratiques. C'est trop bien, quoi. Eh oui, mais bien sûr. Pendant un moment, mon support de tablette là pour streamer, parce que j'ai une tablette où je lance des trucs, c'était un truc en Lego et calais ma tablette dedans. Mais genre, tu fais n'importe quoi, demande n'importe quoi, un stérilet en Lego, tu le fais. Je peux. Il peut. Il peut. Je dis pas que ça va être le plus confortable, mais je peux. Et pas le plus efficace, je pense. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Bah non, mais c'est vrai. Faut acheter des Lego alors, ok. Vous avez un souvenir, vous, d'un Noël chambé ou d'un cadeau de Noël que vous avez eu, peut-être petit, ou d'un truc comme ça, ou qui vous a marqué à life ? Les Lego, visiblement, pour Adrien. Non, moi je sais, je me souviens, mais je crois. Bon, je vais pas dire ça à là pour le coup, c'était il y a 8 ans. Oui. Mais je sais que à un Noël, il y avait un Noël où. Parce que moi, parents divorcés, donc des fois le 24 j'étais avec mon père, des fois le 24 j'étais. Là. Gros nul. C'est pas nul. T'as deux maisons. Du coup. Et il y avait un Noël où j'étais avec mon père, mais j'étais tout seul avec mon père. Enfin, il n'y avait pas mon frère et tout ça. Et en plus, on allait le faire chez mes grands-parents dans le sud. Et moi, je voulais la PS1 à l'époque, parce qu'elle venait de sortir. Et on fait les cadeaux et tout. Et mon père, il me file une boîte. Il me dit, allez, tiens. Et donc, c'est une grosse boîte et tout. Je fais, oh putain, c'est la PS1 et tout. Je l'ouvre et dedans, il y a ma vieille Super NES. Donc un prank, tu vois. Ouais. Il me fait, et donc il regarde ma gueule, il fait moi, genre il s'était fait chier à aller débrancher ma Super NES sans que je m'en rende compte et de la foutre dans une boîte. Attends, et j'espère dire, que ça s'arrête pas là. Et donc moi je suis ultra énervé. Je fais putain c'est nul. Genre je suis vraiment, je le pourris. Et après il fait allez c'est bon, et il me file, et il avait effectivement, il avait la PS1 aussi, mais il avait prévu une blague avant, ce con. Avec quel jeu la PS1? X Games là, tu sais le truc où tu peux faire de la luge et du roller et tout. Putain, je me suis buté. Génial. À ce jeu, je me faisais chier beaucoup chez mes grands-parents, mais dans la petite télé de la cuisine là, sur la petite truc à roulette en dessous, là j'avais la PS1 et je jouais toute la journée sur la chaise de la cuisine. Et ça, bon cadeau quoi. Et en rentrant, on était rentré en voiture et sur le chemin, avant même qu'on soit rentré à la maison, il m'avait acheté Ridge Racer. Ah bien. Et là, ouais, stylé, bien joué. Magnifique. Ça rattrape son alcoolisme. À mes yeux, ça, c'est bon. Allez, tout est oublié. Tu peux boire. Ah, glou, glou, glou, glou, glou, glou, j'ai déjà commencé. Glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Ce podcast est un hommage à Christian. Jérôme ? Et eh ben moi, ça, c'est, je vais rebondir sur ce qu'a dit Adrien, parce que moi, c'était la balle, Super Nintendo. Oh, yeah. Avec Super Mario World, c'était l'espèce de pack, bien. Tu vois. Ah, yes. Et avec mes refs, on était comme des fous et on a joué pareil toute la nuit. Bah, oui. Tellement toute la nuit qu'au bout de deux jours, comme il y avait mes grands-parents à l'époque, ma grand-mère connaissait elle-même la chanson de Super Mario World. Et elle la chantait quand elle faisait ses mots croisés, tu vois. Elle était. Et genre, on était tout le temps. Trop bien. Et c'était ouf. Et c'était tellement, genre, sacré. Bon, et en même temps, les darons, en fait, ils nous laissaient pas le choix. Qu'on devait à chaque fois sortir la console du carton et la re-rentrer après jouer. Ah ouais, on la laissait pas traîner dans le salon. Wow. Mais il y avait là, un truc, on la remontait là-haut. Mais ça devait l'abîmer. Et donc, elle était en Lego en plus, il fallait la monter vraiment pièce par pièce. dès qu'on l'ouvrait, c'était fou. C'était, c'est un unboxing à chaque fois que t'as envie de jouer. Et notre daron nous avait acheté un jeu supplémentaire. Où il avait vu des chevaliers, il se disait que c'était pas mal, et en fait c'était un énorme beat'em all où on devait tuer plein de gens qui s'appelait Légende. Sublime. Et on pouvait jouer à deux, tu sais, c'est sur l'écran en même temps, donc on était fous. Ah ouais. Et j'y ai rejoué des années plus tard, et là je l'ai sur ma mini Super NES. Ah, stylé. Donc voilà, c'était ce cadeau, c'était les consoles de jeux, c'était vraiment les vrais beaux cadeaux de Noël. Ouais. Quoi. C'est là d'un coup quand t'as une console de jeu, vraiment tes parents ils sont pas foutus de ta gueule. Ouais, quoi. C'était fou. Ouais. Moi pareil, quand il y a eu la PS2, c'était la PS2 du coup, et pareil, ça m'avait. J'ai des photos de petit fils d'up où j'ai une espèce de fierté. Mais tu sais, je pose comme devant un diplôme. Je suis comme ça. Oui, mais je tiens à 4 épaules et je suis avec la PlayStation, genre. Avec un petit costard trop grand. Enfoiré. Oh, avec la main cassée comme une Miss France, comme ça. Et je tiens vraiment la PS2, genre. Eh oui, je la possède. Baptiste, toi Moi, j'en ai deux. J'ai deux souvenirs. Il y a évidemment un jeu vidéo. Le premier gros cadeau, et ça m'a fait l'effet quand tu l'avais racheté toi, espèce de gros tarba, c'est la Batmobile de Batman. Ah oui. Et je me souviens que j'ouvre la boîte, je vois la Batmobile, je sors l'avion derrière et je me Oh là là, putain. Ah non, non, mais, mon j'ai frère, tellement joué à ce truc. Je me souviens même, je l'ai amené à l'école. Même pas sorti de mon cartable, j'étais trop fier. J'ai dit putain, elle est dans mon sac. Oh, j'ai ma Batmobile. La Batmobile, mais oh là là, je l'ai gardée, mais un temps, mais infini celle-là. Et l'autre souvenir de jeu que j'ai vraiment défoncé, c'est GTA 3. Et j'avais joué à GTA 2, tu sais, où tu filmais. Ouais, sûr. J'adorais GTA. Et GTA 3, j'avais des potes qui avaient dit ce qui paraît le 3, il est ouf. Tu sais, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Donc t'avais que des ondis, quoi. Que des ondis, apparemment, c'est génial. Et le jeu démarre, et bouh, et t'es derrière. C'est-à-dire que t'es dans la ville, et t'as. Et je me souviens de faire. Mais attends, mais je peux aller n'importe où. Et je vais à gauche, je vais à droite, je roule en voile. Et je me souviens, c'est PS2, on est d'accord. C'est la PS2, ouais. Et je me souviens que je regarde par la fenêtre. Il était 5h du matin. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un saut dans le temps de 21h30 à 5h du matin. J'avais joué tout le long. J'étais. Le GTA 3, il m'avait retourné le cerveau. Incroyable. Et un cadeau de merde. Cadeau de merde, enfin, j'ai pas compris. J'ouvre le premier cadeau, j'ai un chargeur de piles. C'était qui? C'est ma mère. Je regarde ma mère, je fais. Tu te fous de ma gueule là. J'avais 10 ans. Je fais, c'est quoi ça? Elle fait, mais non, mais c'est parce que ça va avec d'autres trucs. Notamment un t-shirt quoi. et en fait ma daronne avait Alcaline. Et en fait j'avais effectivement une voiture télécommandée, des conneries, des trucs qui rechargeaient, mais j'avais ouvert sur un chargeur de piles. Oui. Mais en vrai c'est stylé en vrai. Parce en vrai, que c'est un peu stylé. Avoir des piles rechargeables, du coup t'es autonome mon pote. Oui. Bah, pas dire tu peux m'acheter des piles et tout. Tu les recharges toi-même et t'es tranquille. Mais ça se déchargeait très vite quand même. C'est le début. C'est le début du chargeur de piles. Toi Doudou, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Moi, ils avaient. Ah, mais on était un peu les Kenny, hein. Tu sais, on n'avait pas d'oseille. On n'avait vraiment pas d'oseille. Genre, pas d'oseille, c'est quoi? Mais pas d'oseille, c'est que j'avais pas de chambre, moi, tu sais. Non, j'avais pas de chambre. C'est pour ça que je me suis barrée à 14 ans, c'est parce que j'avais pas de chambre. Bien sûr. Et du coup, en fait, vraiment, c'était très mignon parce que ils compensaient le fait qu'on ait vraiment pas d'oseille du tout, jamais, qu'on soit habillé chez Emmaüs et tout, machin. Pour faire vraiment Noël, c'était avec plein de cadeaux sous le sapin. Oh, trop mignon. Oh, c'est mignon. C'était pas des trucs très chers et tout, mais il y avait la sensation de profusion. Ouais. Tu vois, alors qu'on n'avait jamais rien, tu vois. Donc ça, vraiment, c'était un chouette moment. Et t'avais ouvert un bon. Mais c'était. T'avais ouvert des bons cadeaux. C'était des trucs mignons. Après, c'était pas non plus. Moi, j'avais jamais. Un porte-clés, un zippo, un papillon, un couteau, un couteau papillon, une pile, une paille en acier. Non, non, mais c'était pas des trucs très chers, tu vois, chérie. Mais c'était des trucs que t'aimes bien, des fringues pas mal, des trucs que tu vois vraiment. On était habillés chez l'armée du salut et tout, donc c'était des trucs où t'avais un pull en laine, t'étais que t'as toujours sur toi d'ailleurs aujourd'hui. Mais quand ma mère a divorcé de mon père, elle est partie, elle avait pas masse de thunes non plus, et elle était exactement dans le même truc, dans la profusion quoi. Ouais, il y avait un truc de tu vas chez Noz et pour 10 balles. Bah t'as deux DVD, un truc, un machin. C'est chouette de voir tous ces cadeaux. Et d'un coup, tout ça passe, c'est c'est beau. Et en fait, quand c'était t'es gamin, c'est aussi le plaisir d'ouvrir des cadeaux. Et je trouvais ça encore plus chouette que mes potes qui avaient genre deux cadeaux, tu vois, genre une chaîne IFI et un truc. Et je trouve ça limite nul. Tu vois, je suis contente avec toutes mes petites merdes que eux avec leurs deux gros trucs. Ouais, complètement, je crois qu'on a. Mais le regard des enfants quand ils voient tous les cadeaux, franchement, j'ai des belles vidéos dans mon iPhone. C'est très beau. Tu vois les autres, mais tu vois pas, les cadeaux, pas de ces gosses, malheureusement. Non, mais quand tu vois. Sortez de là, monsieur, les vidéos sortent. Les vidéos sortent par ça. Oh putain, ça se termine par. Merde. Oui, j'aime bien, ça me fait des étoiles dans les yeux. Mais j'adore Noël. Casse-toi. Je suis connu. Dis à Arthur que c'est une merde. J'ai fait District Z, enfin. J'ai l'habitude de me faire courir après. J'ai un très bon cardio, j'ai fait District Z. Normalement, c'est pour une asso. Non, mais le regard des enfants quand il y a plein de cadeaux, c'est assez magique à voir. C'est assez fou. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut en profiter pour parler de l'asso que tu parraines peut-être aussi? Un cadeau pour la vie. Un cadeau pour la vie, vu que c'est Noël. Parce que là, on va arriver en pleine période pas de Noël. Beaucoup, et... hein, c'est un cadeau pour la vie. Hein. Ouais, pour la vie. C'est là où l'asso est pas ouf. Là, vous pouvez faire des dons à l'asso, de même donner des vieux jouets ou des vieux jeux de société, ou acheter des jouets. Il faut les donner à ce monsieur. Enfin, faut les donner. On fait ce qu'on veut. ce monsieur qui s'appelle Bruno Hakoun, et donc il récolte énormément de jouets, de fonds, de pour les enfants qui restent malheureusement très longtemps dans les hôpitaux. Ouais, et donc chouette. ils font déjà des Noëls et tout. Il y a des trucs assez des belles opérations qui sont faites par cet asso. C'est une asso à taille humaine. Oh, bah oui, non, mais c'est vrai, apparemment, donc il travaille très très bien. Barefoot Wine va s'associer avec une grande marque américaine pour sortir une bouteille de vin. Je sais que t'adores l'alcool, Jérôme. Ouais. Qui a tout pour être dégueulasse. À votre avis, avec quelle marque s'associe-t-elle? Une marque de vin qui s'associe avec un truc dégueulasse. Durex. Alors pas avec un truc dégueulasse, mais là, voilà. C'est pas Red Bull, mais voilà. Ou l'association, tu te dis. C'est quand même un truc alimentaire. Ouais, et la marque est plutôt cool. Mon chéri. Non. Kit Kat. Non. Hollywood. C'est une autre marque de boisson. Du vin au Kit Kat. Non, c'est pas une autre marque de boisson. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas une boisson. C'est alimentaire. De la bouffe. C'est alimentaire. La bouffe des Doritos. Haribo. Pas Haribo. Mais vous êtes pas si loin avec des Kit Kat, des trucs. On est sur du Kinder. Schtroumpf. Mars Kinder, pas Mars, pas Schtroumpf. Qui est d'ailleurs une BD, pas du tout. Hein. C'est à base de chocolat, c'est chocolat. Il y a du chocolat. Attends, c'est du chocolat et du vin. Ouais. Mars. M&M's. Oh. Twix. Non, mais vous êtes pas loin. Galak. Non. Oh, attends, After Eight. Bien. Pas After Eight. Qui est déjà dégueulasse. Ah, l'After Eight est dégueulasse. Pas nul. Le genre se force parce que c'est raffiné. Non, mais alors attends, Côte d'Or, Lindt, non. C'est du chocolat comme ça. Ouais, mais là vous êtes dans du chocolat. Du pur chocolat. En chocolat, quoi. C'est-à-dire que. Non, pas d'un. Moi j'ai. J'avais demandé du dain. Le dain. T'as des dains. Le dain. T'as pas des dains. Quand j'ouvre le paquet de célébration, il reste plus que des dains. Oh non, les dains. Tu regardes avec des dents. Non, ce qui reste. Le Malteser, c'est celui qui reste ce soir. Le gros chocolat. Non, Malteser, c'est vachement bon. Non, dans la boîte de célébration, il est trop gros celui-là. Ah, ouais, dans la boîte de célébration, t'as le Kinder. C'est fourré à quelque chose. Il étouffe chrétien un peu. Ouais, il étouffe chrétien. C'est pas Kinder. C'est pas Kinder. Attends, mais célébration, il y a Dain, Bounty, Twix, Mars, Snickers, Milky Way. Et t'as le rouge, le Maltesers, là, machin. Il est dégueulasse celui-là. Franchement, Malteser. Celui-là, il fait raquette. Malteser. Les Maltesers, c'est les petites billes. C'est les petites billes. Comme les Kit Kat Balls, les Maltesers. Ah non, mais c'est pas ça alors. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est EO. Kinder Pinoy. Non, c'est pas ça. Galaxy. Le Galaxy. Il y a un truc qui s'appelle Galaxy. Ah non, t'as raison, il y a un Malteser. Mais bien sûr. Tu vois, c'est un Malteser, mais qui est pas croquant. C'est ça qui est complètement con. C'est un rectangle en chocolat qui est nul. Celui-là, il est dégueulasse. C'est pas Lyon. Pas Lyon. Mais c'est une barre chocolatée. Non, ce sont des biscuits. Ah, et petit écolier. Chocobène. Non. Un pépito. Un truc carré. Un peu carré. Congo. Oreo. Oreo. Ah, bah, oh, oh, vous l'avez partagé, magnifique. Oh, allez vous faire enculer. Il s'agit. Alors, je bois pas de vin, mais du vin à l'Oreo. Oh, alors après, attention, la bouteille de vin rouge, c'est du vin rouge, hein. Combien est à de ça 12 dollars. Donc ça va, c'est une petite. Ça va, c'est ok. Pas très cher. Un cubi, mais c'est combien, les grands amateurs de vin aiment bien manger du cubi, chocolat noir avec. Ah oui, bah, ouais. Ça dépend lesquels. Ouais, ouais. Mais après, si c'est un gâteau vraiment en bouillie dedans, peut-être pas. C'est juste un gars qui a craché. Ça ressemble à ça, vous voyez. C'est vraiment le Oreo Thin Red. Déjà, leur logo, c'est un putain de pied, quoi. C'est vrai. Mais parce que si, c'est. Oui, d'accord, mais t'as pas envie de le savoir. C'est comme les logos des boucheries, c'est pas un putain d'animal éventré quoi. C'est un animal vivant, j'en salue. Non mais un cochon qui sourit. J'étais à scooter derrière justement un camion, c'était genre Paris Viande ou je sais pas quoi. Et vraiment le visuel, c'était vraiment des animaux dans les prés comme ça, genre trop mignon. Tu fais ben c'est pas ça qu'il y a dedans. Là, c'est eux mais genre dépecés quoi. Bah, c'est comme dans les pubs là pour les poulets et tout, tu vois, tu sais, ils font la fête et tout, ils dansent. Ils dansent, ils sont comme ça. Alors comment ça se passe? Et en fait, direction l'abattoir, gars. C'est pas du tout heureux là. C'est comme les mascottes quoi. De genre les mascottes, ouais. De trucs qui font du poulet, ouais. Prix et tout. C'est un poulet qui est trop content. Oh, j'ai une banane de rocker. T'es surtout, t'as un couteau dans la gorge. J'ai une banane de rocker. Non mais donc voilà, saveur Oreo. Comprenez qu'il y a du chocolat dans le vin. Il arrive que des vins aient des notes de chocolat, mais pas sûr que celui d'Oreo se marie très bien avec du vin rouge. Oh, Bert Footwine indique que son nouveau vin aura des saveurs du chocolat, de biscuits et de crème qui viendront s'ajouter aux touches de chêne, de mûre et de cerise noire. C'est dégueulasse. Ah, j'imagine qu'ils n'ont pas juste foutu des Oreo dedans. Ce qui serait c'est parfait, mais... Bon, il y a un petit dépôt, hein, parce qu'on a quand même mis 12 Oreos dans la bouteille. Et un peu de rognure d'ongles. Voilà, mais rien. Non, mais de... c'est typiquement le truc, tu te dis, ah, j'ai quand même envie, par curiosité, de voir ce que. Et après, tout le monde achète. Voilà. Eh bon, dis donc. Non, mais c'est moi ou tu viens d'abattre le capitalisme? Je suis Ruffin. Je suis Ruffin. Non, t'es Tom et Jol. Lui aussi, ouais. Pas de se fait pareil. Vas-y, ferme ta gueule. C'était Tom et Jol? Non, pas du tout. Pas du tout, je l'avais pas. Non, c'est un pote de Tito. C'est un ami de Tito. Ouais, ferme-la. Ouais, un peu mieux, un peu mieux, mais encore plus loin. On l'aura jamais, si on commence à l'imiter comme ça, il viendra jamais. Mais ouais, on part des fétistes. Le top 10 des recherches Google a été partagé cette année. Okay, ah, ça j'aime. Le top 10 des recherches Google de l'année ont été partagé par le géant américain. Et alors, je vous donne dans le classement monde, il y a quelques mots-clés comme Euro 2021, comme Squid Games ou encore Squid BMX. Squid Games avec un S, les gens se trompaient. C'est vrai, bien sûr, depuis le début. Mais je vous demande la première recherche Google du top 10 français. Cool. Sachant que en France, ce qui est assez rigolo, c'est que ce ne sont pas des mots-clés mais des questions entières. Ah oui. On est vraiment une nation de vieux. C'est vrai. Alors, on écrit la question. Toi, t'as écrit la question entière sur Google. Maintenant, je me suis un peu calmé, mais avant, j'étais très genre, ça faisait joli. Je me suis calmé. Avant, j'étais hors de contrôle. Avant, je commençais par. Je répondais, en plus, après les réponses, je répondais. Je rebondissais sur la réponse. Je commençais par. Bonjour Google, pas de te déranger. Ça va? Je voulais savoir. Ça va? Moi, ça va. Donc là, c'est des questions. Est-ce qu'on peut laver les masques? Non. Mais on est-ce sur que c'est un truc... rapport Covid. Ouais, rapport Covid, okay. De fou. Est-ce tu regardes la réponse. Est-ce que... Non, je remets est-ce mon futal qui me. Comment est-ce qu'on peut sucer sans choper le Covid? Non. Ouais, Doudou, ouais, c'est vrai, ça s'est arrivé en 4. Est-ce qu'on peut sucer avec un masque? Est-ce que c'est un rapport sur comment on l'attrape? Non. Est-ce que c'est. Non, quels sont les symptômes du Covid? Non. Comment faire un faux pass sanitaire? Non, mais tu t'approches. Bon, en vrai, c'est quoi? Parce qu'il y en a d'autres, je te le file celui-là. C'était juste comment obtenir le pass sanitaire, ah, tout oui. Simplement. Ah, vrai, donc. Alors, le deuxième, vous pouvez pas le trouver, donc je vous le donne tout de suite. Pourquoi? Ah bah alors. Pourquoi? Ouais, qui a dit ça là? Eh oh, Baptiste, non! Ça va pas, non. C'est la France, c'est la France. Hein. C'est la France. Il a parce qu'il dit on peut pas le trouver. Ouais. Parce que nous, on serait vraiment pas le genre de personne à sortir ça. Voilà, merci beaucoup. Merci de tu joues un perso? Ouais, bien sûr, je joue un perso. Demande-moi mon nom, je vais te dire que je suis un perso. C'est quoi ton nom? Benoît. Bon bah ça va. C'était pas lui vraiment. La deuxième, je vous la donne. Mais ça me révolte. Bah alors, tu vois, j'ai hâte que tu me dises. Franchement, j'aurais pu le trouver. La deuxième est pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées? J'aurais pas sérieux pu trouver. C'est impossible. Mais c'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, mais quoi? Je ne comprends pas pourquoi la deuxième question, c'est pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Parce que confinement, parce que gars, très bizarre. Confinement, les gens sont restés chez eux, ils ont coupé du bois. Non, mais... Je pense que non. Ça a cassé ça les couilles. Ça devait être un défi du Zeevent ou je sais pas ouais, quoi. Ça doit là, être une ouais, connerie de gens. Ouais. Mais du coup, là, ça voudrait dire que les gens, ils vont utiliser une hache pour couper le bois. Ils ont fait, mais ça marche très bien. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées? J'aimerais bien savoir parce qu'une hache, c'est. Le troisième, le troisième, mais c'est vraiment ça. Le deuxième, c'est ça. Oui, oh, oui, vraiment. Non, mais c'est dingue. Ouais, ça sent le forum qui a dit venez, on spam. Ouais. Est-ce que vous pouvez en trouver d'autres, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais qui sont dans le top 10. Toujours lié au Covid. Il y a du Covid. Il y a pas que du est-ce Covid. Est-ce qu'il y a de la star? Il y a de la star. Du people. Il y a du people. Il y a du people qui a marqué l'année. Il y a du people qui a marqué l'année. Ouais. Il y a du Claude de Corentin. Il y a du Claude. Des gens morts du Covid. Alors vous avez un peu tous les deux raison. Alors pas du Covid, mais il y avait de quoi est mort Jean-Paul Belmondo. Bah tout le monde pensait qu'il c'était le Covid, j'imagine. Tout le monde pensait que c'était une cascade sur un métro. Non, pas du tout. On sait d'ailleurs. De quoi il est mort? Ouais. De Total VS, je crois. Cool, je il ouais. avait fait deux AVC, je crois. Ah oui, un même, truc ouais. comme ça. Ouais. Donc, du coup. Mort le mec. Ah, c'est, gaffe, c'est mon nom, c'est Benoît. Mais vous saviez que je t'appelais pas du tout. Hein. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Non, rien, Benoît. Ah, okay. C'est oh, Belmondo qui meurt. Pardon. Et ça, sur scène, il vous le fait. Hein. Il joue 4 persos comme ça. Il faire, il n'y a pas de problème. Là, je prends mes places. Alors, attends, une autre question à la con qui a été googlée. Alors, sur encore le COVID, des célébrités, encore ou pas? Il y en a une un peu, mais bon, une célébrité qu'on n'aime pas beaucoup dans ce podcast. Zemmour. Ah, Macron. Ah ouais, ouais, Macron. Macron. Juste Macron. La question, c'est quand parle Macron? Ah, oui, on se demandait, on se posait oui. la question. Un peu tous les jours, je pense. Ouais. Un peu tous les jours, j'imagine. Mais avec les, oui, avec les discours. Oui. Les nouvelles réformes. Bien sûr. Il y en a une qui est un peu marrante aussi, c'est comment supprimer un compte Instagram qui pue un peu du cul, qui fait genre... Ouais. Non, mais comment ça, c'est gros flemmard, quoi. Ça, c'est... ouais. Oh là. Tu peux biper ça. Ouais, ouais, je vais pas... Un petit bip. Sur le Covid, chérie. Covid, alors Covid, je vais vous en donner quelques-uns quand même. Cas contact, que faire? Ok. Qu'est-ce que le pass sanitaire? Donc là, on est un peu ouais, dans la même. Bon, là, voilà. C'est pratico-pratique. Couvre-feu, pardon, jusqu'à quand? Ouais. Confinement ça, à partir vieux, de quand? Ouais. Non, mais tu c'est sais que les clubs échangistes étaient restés ouverts, toi? Non, genre, bah ouais. Sérieux? Je, non, ça. Je te jure, et c'est un truc de ouf parce que les clubs échangistes sont restés ouverts. J'ai même appelé les chandelles pour vérifier. En fait, c'était pour un pote. Non, mais je les ai touchés avec un masque parce que ils ont en fermé un en novembre donc de l'année dernière. Ouais. Pour non-respect des gestes barrières. Bah oui, oui. C'est pas des conneries. À moins que t'échanges des cartes Pokémon, oui. Non, mais à quel moment, déjà, qui a appelé pour dénoncer? Ouais. C'est un truc de ouf. Et quelle est la limite du geste barrière entre les échangistes? Bah, qui y va en se disant, j'espère qu'ils vont respecter les gestes barrières, parce que sinon je vais faire un scandale. Quoi? Moins d'un mètre, là. Moins d'un mètre. Vous avez retiré votre masque pour me tuer, là. Jean-Michel n'avait pas passé ce top où j'ai l'air drôle que lui. Mais peut-être qu'en club échangiste, il disait, bon, là, exceptionnellement, à cause de la pandémie, chacun baisse son partenaire et on peut mater, ouais. quoi. Peut-être ouais. que c'était un peu genre. Ouais, ça, mais quand ça. Même. Oui, au moins, peut-être juste présenter un test non, négatif. Mais je pense quoi. Que du coup, il doit y avoir pas mal de politiciens qui traînent dans les clubs échangistes parce que pourquoi eux, ils ont eu une dérogation mais pour oui. rester ouverts. Non, mais ouais, c'est possible. Hein. Mais non, mais sans déconner. C'est vrai. C'est un gros point d'interrogation. C'est pas con ça, Dodo. La petite théorie du complot qui nous fait plaisir. Mais qui est plausible. Qui peut nous faire un petit buzz. Et ça, ça me fait plaisir. Des chercheurs chinois ont découvert une nouvelle façon de créer du plastique pour combattre la pollution. À votre avis, quelle substance en serait la base? La pomme. C'est toujours non, cette fameuse non, pomme. Ni moi, la que le tissu. Le ou. Le ou. Non, c'est pas le ou. Il n'y a pas eu de. C'est végétal? Il n'y a pas eu de truc cracra encore là. Le Kerry de la bite là. Ah, yeah, yeah. Non mais j'avais envie de faire un truc vraiment crade. Alors c'est la réponse la plus proche qu'on a eue depuis le début. Le sperme. Plancton. Alors on est un trou. Eh, jetez pas votre Kerry de la bite les gars. Si vous voulez des sacs, si vous voulez des sacs pour partir du supermarché. Je vois bien l'intro du film Marvel là, avec le scientifique, avec ce qui rit de la bite. Là, qui... J'ai créé une nouvelle matière, professeur. Regardez. La kryptonite. Grâce la à ça, nous allons pouvoir. Nous allons pouvoir faire des cabas. Mais avec quoi, c'est pas important, c'est pas rien, c'est pas grave. Posez pas la question. Non, mais nous, on est circoncis, on en a pas de qui rit de la bite. Et bah, vous en aurez pas. Oh, bah, ça y est, c'est reparti. Oh, c'est le troisième rang, je mets des sacs plastiques. Voilà, comme ça, j'ai fait bite et antisémitisme. qui est le nom de ton drôle de spectacle. Oui, d'ailleurs, bien sûr, antisémitisme. Donc, on n'est pas assez loin. Le sperme, non ? On est autour du sperme. On est autour du sperme. On est autour du sperme. Masculin. Oui, oui, c'est possible. La pisse. Enfin, masculin, mais pas de l'homme. Ah, d'un animal, masculin, de la baleine. Ah. Alors, non, mais t'es pas assez éloigné. Et baleine, sperme de dauphin. Phoque. Pas du sperme de dauphin. Phoque. Pas de sperme de phoque. Sperme de bouc. Pas du sperme de bouc. Attends, non, c'est du sperme. C'est du sperme. On est bien sur du sperme. Attends, non, oui, non, non, non. On est sur un animal marin. Un animal marin, on est sur la un. La méduse. Requin. Du sperme de méduse. Bon, ça doit être bien. Le poulpe. Pas du sperme de poulpe. Le requin. Pas du sperme de requin. C'est un mammifère. Poisson, un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Poisson, sperme de thon. L'espadon. Ce n'est pas l'espadon. Sperme de thon. Crabe. Sperme de crabe. On dirait le pire menu de resto, tu sais. Sperme de thon, sperme de. Alors, sperme de, je peux vous proposer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste du sperme de crabe, mais du sperme de. Sperme de lotte, hein, je peux vous faire ça. Au Japon, il y a le shirako. C'est un sushi recouvert de sperme de morue. Ah ouais, j'aime bien. Dans les chirakos de rêve. Manger du sperme. Il y a un mec qui branle des morues du coup. Sur du chien. Mangez mon sperme. Sur du chirachi. Chirachirako. Ah ouais, mais putain. Tout le temps mangé ça. Ah non, non, non, j'avais lu ça pour écrire une chronique. Alors, en fin du jour, c'est sperme de chiasse sur son lit de merde. C'est la merde de l'oncle. Frange de Noël. Là c'est Noël, c'est la merde de l'ombre qui sort du trou de balle directement, hein, c'est frais. Ça sort du trou de balle de ce matin. Ça fume encore. Ah là ça, ah, là ça fait casse. Voilà. Ah, ah, le début, la bûche de Noël, toutes tes conneries. Le sperme du trou de balle, le sperme de Chirac. Et si vous écoutez ce podcast sur une enceinte, mettez le son à fond du sperme, du sperme et du caca. Le sperme de sperme et du caca. Le sperme de l'autre, le sperme de Pascal. Non mais sur la route de Noël, là ça va être un régal. Attends, on est toujours avec Poiscaille. Donc, la raie. Alors, pas du sperme de raie. Sperme de raie Charles, c'était. On va revenir un peu. Donc, on disait. Non, pas du sperme de raie. Recentrons un petit peu le débat. Je sens qu'on est en train de s'éloigner de la mer. Il y a une espèce de poisson qui va avoir des orgasmes non-stop pour faire du nouveau plastique. C'est un poisson qui est plutôt un gros baiseur. Alors, je ne connais pas assez les poissons. Est-ce qu'on est sur du gros poisson ? Non, c'est plutôt un petit poisson. Sardine. Non, alors, pas si petit. Non, c'est pas très petit. Saumon. Ah ouais, faut en parler de ça. Sperme de saumon, c'est très bonne réponse. Là, on vient vraiment à un repas de Noël. Putain, et les pauvres saumons, c'est vraiment la hesse. Ouais, ouais, ouais, mais putain, vraiment. Les gars, quoi. Attends, viens là, toi. Je te branle, allez, claque. Attendez, Jacques, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, vous allez me tuer pour me manger? Non, non, on va te branler avant, puis te tuer après. Non, c'est... non, alors c'est vraiment l'ascension émotionnelle du saumon. Il l'attrape, il fait non, qu'est-ce qui se passe? Il le branle, il fait oh, génial, génial. Et mais attendez, vraiment à pire. Et rentrer, il lui retire les entrailles. Oh non. J'ai perdu ma journée. Vraiment, je pensais que j'étais privilégié. Sacré mardi quand même. Sacré mardi pour un saumon. La légende disait vrai. Ça fait un peu pièce de théâtre, pièce de boulevard. Sacré mardi pour un saumon. Avec Isabelle Mergo. Il se fait attraper. C'est horrible. Il se fait attraper. Il se fait branler. Il jouit, jouit, jouit la balle à la bite. Oh, merci, merci. Qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? Est-ce qu'on aimerait pas tous partir ainsi, hein, plutôt que rester plutôt que rester dans des maisons de retraite, tu vois. Mais attends, mais comment ils éjaculent les saumons, oui. Un saumon éjaculé. En fait, ils doivent prélever le sperme à même les glandes. Oui, je pense. J'en sais rien. Non, je crois pas qu'il y ait des branleurs. Je pense de pas que. Oui, non, je pense pas. Attends, petit gobelet. Vous allez dans la salle, vous avez des magazines. Il y a la salle sur la télé. Saumon qui tourne avec sa nageoire là. Oh, putain, une lotte. Oh, mais y'a pas de 4G, moi, je suis dégoûté, y'a pas de 4G. Donc en gros, c'est un nouveau type de plastique fabriqué à partir d'ADN de saumon et d'huile végétale qui pourrait être décliné avec des algues. Non, mais si, il y aura ADN, du sperme. Y aura du sperme. Le lion et du sperme. Qui pourrait être décliné avec des algues ou des déchets végétaux et permettre d'aboutir à la version la plus durable jamais inventée du plastique. Le plastique ADN produit 97% d'émissions de carbone en moins que le plastique polystyrène. Chaque année, environ 300 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde, dont une grande partie sont des produits à usage unique, ayant une courte durée de vie. mais qui reste dans les décharges et les habitats naturels. Donc le sperme de saumon serait la solution. La solution. Ouais, on va encore buter des animaux, putain. Bah ouais. On s'en sort jamais. Mais là, du coup, il y aura plus la scène, tu sais, où tu as un mec qui va arriver, un tueur, il va arriver derrière un gars, il va lui mettre un sac plastique sur la gueule, il fait oh mon dieu, oh, ça sent le sperme, oh, ça sent le sperme de Boiscaï. Mais je suis à Marine Land, qu'est-ce qui se passe? Bah non, oui, exactement, du sperme de saumon qui va. De quoi? Non, j'ai entendu une saute de, mais je. Non, tout va bien, tout va bien. Ouais, comme si ça fait. Ouais. C'est pas très sympa pour les saumons, quoi. Non, c'est pas très sympa. Alors, je vous montre un petit peu l'image. Après, j'espère qu'ils prennent les saumons. Qui est très sympa, c'est vraiment. Ça ah, bah, se, il le branle, là. Ça se branle à la main. Bah, tu vois, il y a des branleurs de Baptiste. Saumons. Ça se branle à la main. Mais oui, regarde, voilà, oh il branle même le. Mais peut-être non, qu'après, il le relâche. On aussi, sait pas. C'est pas. Pardon, mais c'est impossible. C'est pas rentable. Oui, ça perd 3 gouttes. Le profil. Regardez, les profiteroles. Allez, on y va. C'est pas rentable. Pourquoi c'est pas rentable de branler des saumons? Mais putain, t'imagines le temps d'avoir assez de matière. Mais oui, c'est le temps que j'apprends. Il suffit que ce soit un saumon de 40 ans qui a eu une grosse journée. Attends, doucement sur les mecs de 40 ans. Déjà, il y en a qui se ferment très bien. Sans problème. Plus qu'un saumon, je peux te dire. Non, mais en plus, il suffit que la personne ne lui plaise pas tellement. Saumon, oui, voilà, c'est pas... ça. Faut que, bah, non, mais désolé, j'y arrive pas. D'habitude, vraiment, non, nickel. Si, hein. Si tu m'embrasses pas, si tu me mets pas en confiance, moi, j'y arriverai pas. On se connaît pas. Il faut qu'il y ait un ours pas loin, faut que je sente la menace. Étrangle-moi, peut-être. Mets une griffe d'ours, étrangle-moi avec une griffe d'ours. Mais tes frères des ours avec David Douillet qui fait le doublage. Moi, j'aime le danger, c'est ça qui me fait bander. Personne à l'arrêt. Frères des ours. Avec David Douillet. Ça marche. C'était David Douillet. Je crois que c'est David Douillet qui faisait. Je sais que Canelier faisait les rennes, mais je sais pas. Ah, que devient David Douillet? Mais il était ministre à un moment, non? Il était pas avec Sarkozy? Oui, si. Non, il était au piège jaune avec Bernadette. Oui, c'est ça. Ouais, ça on sait. Mais il me semblait qu'il était dans un gouvernement Sarkozy, moi je crois. Ministre. Ah, c'est vrai qu'il était ministre des sports. Il a fait un truc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait quelque chose comme ça. Il est bien de droite, ça c'est sûr. Une polémique a eu lieu en Arabie Saoudite lors du festival annuel du chameau du roi Abdulaziz. À votre avis, que s'est-il passé? Le chameau du roi a fait un truc. Alors ça concerne les chameaux. En gros, c'est plein de chameaux. C'est un concours avec plein de chameaux. C'est un dromadaire, hélas. Ils sont trompés. Attends, tu peux répéter la fin, chérie, s'il te plaît. En gros, il y a une polémique en Arabie Saoudite lors du festival annuel du chameau du roi Abdulaziz. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé cette polémique, sachant que c'est un concours avec plein. Comme un concours de beauté de chameaux. Peut-être il a voulu ken une nana. Non. Le chameau, hein. Les chameaux. Les chameaux ont fait une quenelle. Comme les chiens. Le chameau fait une quenelle. Quoi? Ça va pas, non? C'était il y a 15 ans, les gars. Ah merde. Il n'y en a pas un qui est mort, non? Non. Des histoires de caca? Pas des histoires de caca, non, là c'est vraiment. Attends, c'est lié au chameau. C'est lié au chameau. Il y a un chameau qui a fait une imitation un peu limite. Un peu limite, qui a fait l'accent. Alors il y a un chameau qui a gagné, mais en fait on s'est rendu compte que c'était un dromadaire qui s'était cogné. Mais il l'a dit, il a fait la blague. Ah, t'as fait la blague du dromadaire qui s'est cogné? Non, quand même pas, non. Non. J'ai dit c'était un dromadaire, mais j'ai pas dit c'était un chameau. De toute façon, je te fais un montage sur la gueule. Attends, il y a un concours de beauté de chameau et il y a eu déjà une polémique. Est-ce que c'est des gens qui se sont plaints sur les réseaux? Je googlise la réponse directement. C'était un chameau roux. Non, pas un chameau roux. Un chameau albinos. Ce n'est pas non plus Bertrand Chameau roux. C'est le festival. Festival du Bertrand Chameau roux. Ouais. Non, mais est-ce que c'est des gens qui se sont plaints d'un truc et du coup ça a enflé la polémique? Et attention. Non. Est-ce que c'est le chameau qui a vraiment fait quelque chose de mal? Non, on a fait quelque chose au chameau. Quelqu'un l'a frappé? Non. On lui a mis du rouge à lèvres. T'es pas si loin. On lui a mis des bagues. Non. Un string. Non. Une couronne. Non. Un truc qu'on fait aux femmes? Non, pas un truc. Alors, ils ont donné le droit de vote. Un truc qu'on fait au roi normalement et qu'on a fait au chameau? Non. Dites-vous vraiment, c'est un concours de beauté de chameau. Hein. C'est-à-dire que c'est pour du mascara. Ils lui ont mis une perruque. Des fossiles? Est-ce qu'ils lui ont mis. Attends. Des fausses. Des stéroïdes? Ils l'ont dopé? Alors. Il y a un peu de ça, c'est une partie de la bonne réponse, mais les faux seins sont aussi une partie de la bonne réponse. Alors ils ont changé le sexe. C'était un chameau trans. Alors non, c'était pas. Non, un non binaire. Elle lui a injecté du botox. Ouais, c'est ça. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Dans la bouche. Certains chameaux ont reçu des injections de botox pour participer à un concours de beauté. Alors c'est pas les seuls problèmes qu'il y a eu lors de ce concours. Tout un concours de botox du coup. Oh joli. Faut savoir que le festival, c'est un festival complètement énorme près de Riyad en Arabie. Complètement énorme. On peut y croiser plus de 30 000 éleveurs venus du Golfe, mais aussi des États-Unis, de Russie, de France, même cette année. Il y a des dégustations de lait de chamelle, des démonstrations, des courses, avec à la clé des prix d'un montant total de 58 millions d'euros. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, je comprends qu'il y a... C'est comme le milieu des pur sang. Okay, c'est vraiment un truc énorme. Ouais, c'est ouf. En Arabie Saoudite, les chameaux sont à la fois une tradition bédouine, un symbole culturel et un vrai business. Et donc ce concours de beauté cette année a été une catastrophe car des candidats ont encore essayé de tricher. L'agence de presse saoudienne rapporte que cette année. Non mais que cette année. Encore me fait beaucoup rire. C'est pas vrai, mais les gars, qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de botox. Il est botoxé à fond, regarde ses lèvres. On s'était mis d'accord, merde. Je te jure, c'est naturel. Non, non, arrête. 27 concurrents ont été disqualifiés pour avoir artificiellement étiré certaines parties de leur corps. C'est ridicule. Tu lui as mis du vernis à ongles. Non, je te jure, il est comme ça. Arrête. C'est-à-dire que l'on a utilisé des élastiques puissants pour changer leur morphologie. C'est horrible. Donc ça fait partie des 27, hein, parce qu'il y en a 16 autres qui ont été virés pour avoir reçu des injections de botox, du produit de remplissage pour redessiner l'ovale de leur mâchoire, et pour les lèvres plus charnues, certains ont préféré la technique du collagène. D'autres encore ont reçu des hormones, donc c'est ce que tu disais, pour stimuler leur croissance musculaire. Sauf que les organisateurs prennent ça très au sérieux, parce que depuis un premier scandale en 2018, certains animaux à l'époque avaient été même passés sous le bistouri pour réduire leurs oreilles. Aujourd'hui, c'est vigilance maximum. Les concurrents ont d'abord défilé devant des vétérinaires et des salariés du ministère de l'Agriculture qui ont scruté leur apparence et leur mouvement. Et ensuite, c'est très très gros. Ensuite, leur tête, leur cou et leur torse ont été scannés avec des appareils à rayon X et à ultrasons en 3D. C'est James Bond le délire. Et les tricheurs ont vite été démasqués. Je me demande si la vérification n'est pas plus horrible que finalement de se faire un peu botoxer la gueule. Et alors tu vas passer dans ce Mais faut savoir qu'un beau chameau vaut au minimum 200 000 euros. Et un très très beau chameau jusqu'à 1 million, nous dit l'article. Moi j'aime les chameaux naturels. Très heureux ce chameau. Moi j'aime les chameaux naturels, tu vois. Mais toi t'es très chameau. Moi je trouve les chameaux plus beaux sans maquillage. Tu vois. Pour moi c'est la beauté intérieure du chameau. Un chameau un peu sympa, c'est beaucoup plus cool. Une compétition de e-sport très particulière a eu lieu la semaine dernière, le FMWC. A votre avis, c'est une compétition de quoi? Sur les chiottes, tout simplement. Non, ils jouent pas sur les chiottes. Sur les chiottes, parce qu'il y a WC. Oui, c'est ça. FMWC. De l'e-sport, donc c'est du sport de jeux vidéo. Est-ce que trouver les initiales peut nous aider? Bah, les initiales sont la bonne réponse, mais c'est. Football Manager, ça va pas vous aider. World Cup. Non, ça va pas vous aider. Okay. Ah non, mais les initiales donnent vraiment la bonne réponse. Bah oui, mais en vrai, ça va pas. Je pense pas que ça va spécialement vous aider. Pensez plutôt à un truc insolite pour. Ils jouent avec une guitare de Guitar Hero et ils font des. Non. Ils ont fait les Sims en e-sport. Non, mais ça doit exister, je pense, par contre. Ah bon? Bah, je sais pas comment, j'sais mais. Pas. Après, c'est pas, pour les gens genre un an, tu fais non. Genre un an. Non. Tu vois. Le but, c'est d'avoir une moins belle vie. Quelle famille a mieux gagné? Si t'as une moins belle vie que tes personnages, t'as gagné. C'est qui a fait ça? C'est une compétition internationale. Donc il y a des concurrents, je peux vous le dire. Il y a des concurrents d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord. Vraiment, ça vient de partout. C'est online. Online. Les qualifs ont commencé le 13 novembre. Les qualifs. Et non, mais écartez-vous peut-être du côté jeu vidéo. C'est plus la façon. Est-ce que c'est la façon de jouer? Non, mais c'est en ligne. Un truc de tracteur de. Non. Donc farming simulator. Ouais. Un truc de cupcake. Non. Non mais attends. Un truc de chez online. Je vais dire que de la merde sur cette question. Un truc de tuyau. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu, mais c'est sur Lordos. Non mais attends, est-ce que tout le monde joue à au c'est même ça, logiciel quoi? Oui. C'est pas. Non. Ils jouent au même truc en même temps. Mais c'est pas un jeu, tu dis. C'est pas un jeu. Mais c'est pas un jeu. C'est du e-sport, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est du e-sport. C'est ah, pas un c'est jeu. Monter des ordi? Non. Ah, c'est un truc comme ça? Non. C'est pas genre monter. Ah, d'accord. C'est un logiciel. C'est vraiment un logiciel qui est sur, en vrai, beaucoup d'ordinateurs. Word. Ah, oh, non, c'est taper le plus longtemps possible un texte sur Word. Word, il est pas loin. Attends, WC. Compétition. Word Count, c'est Notepad. FMWC. Notepad? Non. Ah, vous êtes presque. Ils ont pas utilisé la calculatrice pendant très très longtemps. Tu t'approches du calcul. Du calcul. Excel! C'est ça, c'est un concours de tableau Excel. Mais non. Alors, peut-être un des jeux les plus amusants du monde. Ah, mais si, mais non, mais ça peut être. C'est-à-dire, ils disent, il faut que vous remplissiez telle colonne avec telle donnée, et eux, ils font une formule et bam. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Chaque manche consiste en des études de cas qui sont fournies aux concurrents au moment de l'événement. Selon les règles de la FMWC, chaque étude de cas consiste en un problème de 1 à 5 pages avec une liste de questions que les candidats doivent résoudre pour progresser dans le jeu. Chaque participant doit répondre pleinement aux questions ainsi que produire et soumettre des modèles financiers dans un tableur. C'est chiant, ça y est. Gros geekos. Vous, non, y a des c'est trucs... pas genre faut écrire Elbez à l'envers le plus vite possible. Y a un truc vous qui vous passionne et qui sur le papier c'est pas un truc fou. Moi par exemple, je suis passionné des combats de robots. Oui, c'est fou. Voilà, d'ailleurs, il faut qu'on. Nous, on avait essayé que W9 nous engage à la place de Issa Doumbia et Cartman. Ah, pour entre les trucs de robots. Ouais. Vous auriez été très bon là. Ouais, on aimerait bien. Je passe un coup de téléphone. Mais appelle Nicolas Taverneau, s'il te plaît, pour nous. Dealer, ouais. Mais c'est sur Netflix maintenant en plus. Ah ouais? Les combats de robots, c'est sur Netflix maintenant. C'est plus de. Bah, si c'est Netflix, on a moins de contacts. Mais à l'époque, c'était W9. On a un contact à Netflix. C'est vrai qu'on a un contact. Et Adrien, par exemple, c'est les sauces piquantes aussi. T'as une grande passion de sauces piquantes. Les sauces de manière générale. Ils m'ont fait un cadeau d'ailleurs, saucespiquantes.fr. Ah bah, raconte-nous. En fait, je reçois une notif par mail qui me dit votre colis envoyé par saucespiquantes.fr est en chemin. Et je fais mais j'ai rien commandé. Et en fait, ils m'ont fait un cadeau pour me remercier de leur avoir fait de la pub. Magnifique. Ils m'ont envoyé 5 sauces. 5 sauces hein. Ouais. Et c'est un peu rapia quand même. Non, c'est une très belle sauce. Non, mais c'est cher les sauces. Hein. Ah ouais? Ah, ça peut. C'est ça quoi peut, le budget de la sauce? Un budget sauce moyen. On est sur quel tranche? Non, mais ça peut être 10 balles une sauce quand même. Donc, 10 balles une sauce? Mais c'est pas une sauce que tu utilises pour un plat. Non, c'est une bonne bouteille quand même. Oui, voilà. Oui, non, mais. Ah oui, non. C'est pas les sauces de la pizza que quand t'achètes. Ils sont cachés. Non, mais. 5 sauces. Régale-toi. Non, nantis. Régale-toi et j'ai aucune sauce que je connais et tout, donc je suis ravi quoi. Et t'as goûté déjà? Pas encore, mais. Ça se trouve, c'est pour te tuer. Peut-être. Elles sont empoisonnées. Peut-être. Une passion, peut-être pas sur le papier, moi, pas la pas plus là, comme ça. Sur une passion comme ça? Ouais, un truc. Non, mais un truc où tu te dis sur le papier, c'est pas le. Genre, t'es pas passionné de foot quoi. Enfin, toi, si, parce que toi, c'est les Girondins de Bordeaux. Ils vont me rendre cher. Mais moi, quand je trouve un truc que j'aime vraiment bien, je prends pendant genre 6 mois, par exemple, de la bouffe. 6 mois, je mange que ça, et après, je peux plus jamais le voir. Ah, genre, ouais, c'était quoi? J'ai ce truc, quoi. T'as eu quoi comme bah là ça j'ai eu là dernièrement là j'ai eu j'ai failli me faire... non mais j'ai failli me faire interdire comme dans les casinos comme... dans les géants casinos malheureusement par contre. Non mais tu sais moi je suis allergique au beurre et tout et du coup j'adorais les croissants, les pains au chocolat et tout ça et ça fait 15 ans que je peux plus en bouffer et donc à 100, mais 20 mètres de chez moi il y a une pâtisserie vegan qui a ouvert. Ah et, c'est London Monkeys. Ouais. Putain. Délicieux. Ah la vache. Vous pouvez m'envoyer des cadeaux. Non, mais là, et du coup, je l'ai écumé. Je pense qu'ils pensent que j'ai une famille nombreuse et tout. Hein. Mais c'est très bon, cela dit. Non. Ah c'était ouais n'importe quoi. Je faisais aller, n'importe putain quoi. Un goûter de ouf. J'en ai 4 chaussons aux pommes, 4 pains au chocolat. Et c'est vraiment. C'est vraiment ça bon. Va. La nana avait été honnête quand je lui avais demandé. Non, franchement, c'est pas ouf. Non, c'est les chaussons aux pommes, je te jure, les chaussons aux pommes, c'est quasiment. Après, ça fait tellement de temps que j'ai pas mangé un vrai chausson aux pommes que je sais plus vraiment. Mais ça fait le taf. Ah, je suis curieux, j'allais voir. Le croissant et le pain au chocolat de visu, c'est pas ouf. Donc je lui avais dit, qu'est-ce que ça dit? Elle avait été honnête, elle m'avait dit, bon, alors, c'est vrai que c'est comme un pain au chocolat de la veille, mais d'aujourd'hui. Non, mais parce que en vrai, il n'y a pas de, après, y a pas de lait dans les pains au chocolat et les croissants. C'est juste que c'est doré à l'œuf. C'est pour ça que c'est pas vegan. Ouais. Ah. Mais en vrai, dans la, c'est du, comme le pain, quoi. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Il y a du beurre, chérie, il y a du beurre. Le pain au chocolat et les croissants, c'est plein de beurre. Oui, mais le pain au chocolat aussi, c'est plein de beurre. Si on dit croissant au beurre, c'est parce qu'il y a aussi des croissants où il n'y a pas de beurre. Oui, il y a les ordinaires. Et en vrai, Franchement, vous embrouillez pas. Non, mais parce qu'elles sont super bonnes, leurs miennes. Non, c'est vrai que des fois, bonnes. Peut-être qu'ils te refilent des trucs. Qui... Non, mais franchement, à mon avis, bon. C'était vraiment c'est très de la veille. Bon. À mon avis. Mais là, je sais que c'est juste doré. C'est juste doré dessus, en fait. C'est ça, c'est le beurre, ils le mettent dessus. Non, c'est l'œuf. Non, mais l'œuf est mis dessus. Bah là, non, là, il y en a pas du coup. C'est vegan. Mais les gens normaux. Oui, voilà. D'accord, mais normalement, d'accord, je savais pas que c'était l'œuf qui était mis dessus. D'accord, voilà, c'est ça. Mais très très bon, la Monkeys. Et du coup, j'essaye de plus. Et t'en as bouffé non-stop. Non, mais c'était n'importe. Là, j'ai fait 4 mois de n'importe quoi. Enfin, c'était du sale. Temps, vraiment. Ouais. Mais toi, t'as un côté quand même un peu parfois. Pareil, tu bloques Baptiste. Sur un truc, Baptiste, sur des trucs et tu. Mais c'est en fonction des lieux où je suis. Là, je sais qu'il y a un milkshake banane pas loin. Tu sais lequel j'aime bien. C'est le Guys, le milkshake banane du Five Guys. Le temps peut s'arrêter pour moi. Pour un milkshake banane, le temps peut s'arrêter. Ah, j'aime pas les milkshakes. Moi, ah ouais, c'est trop de sucre. Ah, moi, j'aime bien. Moi, je m'achète des fraises surgelées et je me coupe des petits morceaux de banane surgelées. Je me fais des milkshakes. Oh. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais. Dis donc, t'es une ordure. Je suis une belle ordure. Mais moi aussi, je suis un peu. Quand je suis dans un truc, je suis un peu obsessionnel. Ouais, et justement, quand t'as parlé de chargeur, c'est pour ça que j'ai dit, bah attends, c'est super. Parce que j'ai eu une période où j'étais obsédé par les piles rechargeables. Je ne faisais que chercher des trucs. Mais ma copine me disait, mais arrête avec ça et tout. Et vraiment, tout le temps, je cherchais les meilleures piles rechargeables, les chargeurs et tout. Du coup, j'ai trouvé maintenant, donc c'est bon. Tout va bien, t'es guéri. Voilà, ouais, les Eneloop. Voilà, les piles Eneloop. À Singapour, pardon, un homme a cru mourir en étant attaqué, à votre avis, par quoi? Des singes. Alors non. Un animal. Des animaux ou un animal? Des animaux, mais d'un seul type. Des oiseaux. Un tigre. Pas des oiseaux. Un tigre. Pas un tigre. Des un poissons. Léon. Je peux vous dire, même, il a été attaqué par. Attendez, je vais abeille. Dire... non, pas par une abeille. Attendez, des tigres homophobes ? Non, pas du tout. Il y en a vachement. De plus en plus. Depuis l'arrivée de Zemmour, il y en a de plus en plus. C'est un petit animal. Un rat. C'est pas. Alors, c'est ce. C'est un peu un rat, mais un c'est rongeur. Plus... Un rat, non, mais est-ce qu'il a eu le temps de te mal en taille ou pas ? Comme... Quoi, c'est un peu un rat ? Non. Il n'a pas eu le temps de te mal en taille. Non, d'accord. Non, mais ça peut faire penser à un rat. Chauve-souris. Voilà, non, pas chauve-souris, mais castor, on s'approche Belette. Un peu plus. Marmotte. Non. Un lémurien. Fouine de Noël. Un Singapour. Il a dit Singapour. À Singapour, pas un furet. Des lapins ? Un chat. Pas des lapins, non. Un rongeur ? Bah, je sais pas trop, je suis nul en animaux. Un sanglier, du un coup. Sanglier. Une musaraigne. Je suis nul en animaux, mais je crois que c'est un rongeur. Ouais. Musaraigne. Pas une musaraigne. Non. Gerbille. Pensez à un gerbille. Non, pas une gerbille. Pensez à quoi ? Pense à tes parents qui te regardent. Oh là là, mon dieu, papa, des fourmis. Des fourmis. Non, non, on était plus dans le. T'es près du rongeur. On était près du rongeur, ça ronge pas les fourmis. Un aigle royal. Capybara. Alors, moins qu'un aigle royal, un aigle un porc épic. Wow, non. Pas si mal. Pensez à un truc qui va un peu dans la flotte aussi. Ah, une loutre. Un castor. Une loutre. Bonne réponse, Adouline. Une loutre. Putain, on a dit tout sauf très, la très loutre. Très vénère. Vous avez dit bravo. Tout sauf la loutre. C'est un peu vénère la loutre. Hein, c'est très vénère la loutre. Un Britannique se promenait dans un parc et a été pris pour cible par environ 20 loutres. Oh là là là là là là. Il a été. Oh la sale journée. Il a été mordu 26 fois oh, en 10 putain, secondes. Ça doit être extrêmement flippant en fait. Alors. Quand même, ouais. Ouais, il y a une photo. 26 fois. De toute façon, n'importe quel animal x 20, je pense que c'est flippant. Ouais. En vrai, même des gerbilles, tu fais oula. Oui, oui. Ouais, t'es pas tranquille quoi. Non, 20 dauphins, c'est une scène dans Titanic. C'est pas vraiment flippant. Non, 26. Regardez, je vous montre un peu quand même le truc. C'est vraiment un peu crado. Quand ah même. Merde. Il s'est vraiment ça fait s'est bouffer. Infecté ça. Ouais, ouais, bah oui, oui. Après, il a couru. Ça s'est infecté ça. On dirait le pharmacien de garde quand la main. Oh là, ça s'est infecté là. Vous allez venir me voir avant. Mais, mais vous répondez pas. Et oh, vous dites que je suis drogué, c'est ça. Ah bah, je suis drogué. On a jamais parlé de ça. Pourquoi vous parlez de la drogue? Ouais, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire. J'avais ça sur le cœur. Et à votre avis, d'ailleurs, pourquoi ces loutres ont attaqué? Il s'est approché d'un nid. Il était pas loin d'un nid. Il a pissé. Il a chié dans la rivière. Il avait une odeur. Il avait une odeur. Des saumons chiants. Hey, c'est notre bouffe ça. Oh. Vous êtes en train de branler notre nourriture. Non, non. En fait, c'est pas par rapport à un truc qu'il a fait lui, mais à votre avis, pourquoi les loutres sont un peu agressives en ce moment à Singapour? Covid. C'est le Covid. Alors, c'est lié au Covid un peu. Oui, parce qu'il y a moins de personnes, ah, donc elles ont moins de bouffe. Il y a moins de bouffe. Alors non, mais t'as une bonne partie de. Il y a moins de gens, donc elles ont pris un peu l'espace. Genre, oui. Elles ont pris la confiance. Elles sont un peu plus comme les rats à Paris, quoi. Il y a un peu de ça. Oh, qui a dit ça? Ça va pas ou quoi? Non, voilà. Je... Non mais attends, c'est vrai, mais les loots, tu vas pas les voir? S'il n'y a pas de... Bah, elles non, ont, mais elles se ont sont plus, pris plus de quoi. Place comme il y avait ouais, y a, attends, quand on a touché attends, nos mères. Il y a une différence entre prendre un petit peu plus d'espace. Je veux dire, au camping, par exemple. S'il y a plein de Hollandais, S'il y a plein de Hollandais au camping et que t'arrives, ils vont pas t'attaquer. Elles ont peut-être une capacité de réflexion un peu moins élevée que les humains, quoi. La mimolette. Gratos, j'avais rien. Non, mais attends, mais c'est fou que les loutres, elles attaquent. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Le dialogue, moi c'est du haut dire. Mimolette. Non mais attends, il y a eu l'autre aux eaux de Vincennes et vraiment les gens du zoo de Vincennes te disent vraiment approchez pas du mur parce que c'est vraiment agressif. Donc une seule qui voit beaucoup de monde, 20 qui voit personne. Bah c'est ça, c'est exactement horrible. Ça. Attends, c'est... Le mec dit sans l'intervention de mon ami, je pense que je serais mort alors qu'il est. Ouais. Mais son ami il a été mordu aussi alors. Il parle le loutre. L'histoire ne le dit pas. C'est Aquaman. C'est Omar Sy dans Jurassic World, il a. Non, celui qui l'a aidé, c'est le... Wow. Attention, grosse blague de geek. Celui qui l'a aidé, c'est le scénariste d'un flic à la maternelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'outre dans un flic à la maternelle. Ah ouais, vous savez pas ça. C'était il y a 20 ans. 20. L'enfant, il a eu l'outre. Ah, faut aller à Vidéo Futur, les mecs. Ouais, les gars. C'est le futur. J'ai un bon nom, les gars. Vidéo Futur. Parce que le futur, c'est le DVD. T'es sûr ? Ouais, ouais, le futur, c'est le DVD. Ah ouais, t'inquiète. Aie confiance. C'est fini, gars. Ah merde. Ils ont moins bien réussi leur virage que Netflix. Hein. Il y avait toujours, il y avait toujours la même odeur dans les vidéos futures. Un peu une odeur, on sait pas. Et avec le petit rideau qui mène au rayon cul. Oui, ouais, on c'est tous là fait, bien l'odeur là. D'ailleurs, sûrement. On l'a tous fait ce petit rideau. Une américaine de 60 ans a été élue professeure de l'année en Floride. 4 jours après, elle a été arrêtée par la police. Détournement de mineur. Alors, pas pour détournement de mineur, mais à votre avis, pour quelle raison? Elle a dit PPDA il est cool. Non. De la drogue, un truc de drogue. Pas un truc de conduite drogue. Conduite en état de quelque chose. Éloigne-toi plus du micro. Ouais. Conduite. Mais casse-toi aussi, sors de la porte. Rentre chez toi. Alors c'est pas conduite en état d'ivresse. Elle a commis un délit. Oui. Un vrai délit. Qui a rapport un avec new délit même. Non, oui, qui a rapport avec des gosses. Aïe. Ah. Pas de. Non, c'est pas. Elle est sortie avec un. Non. Elle organisait des combats de gosses. Pas mal. Non. Malheureusement, c'est moins bien. Elle c'est, insultait. C'est chez vous que j'ai entendu ça. C'est dans une crèche aux États-Unis. C'est nous les grosses têtes. De toute façon, c'est là c'est où nous, les grosses têtes. Elle les invitait chez elle. Non. Elle non, harcelait non. des gosses en ligne. Elle les insultait. Alors, sous un faux compte. Alors c'est parti de là. Non, en fait, mais, ah, mais attends, mais le quel âge les gosses? Non, non, mais le... le vrai plus truc... sont jeunes, plus ça me fait rire. 6 ans, eh, pauvre merde, avec la salopette, tu t'es stylé, t'as l'air con, c'est celle de ton grand frère, sale merde. Ça me fait penser à une petite anecdote, Adrien, que t'as raconté sur internet, mais que t'as pas raconté dans ce podcast. Tu es quand tu travaillais. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en parler? Je regardais tranquillement le match PSG, c'est ça, hein, PSG OM. Ouais, c'est ça. Hein, je regardais PSG OM tranquillement. Là, on est en 2021. Voilà, je regardais, c'était là, il y a pas longtemps. Je regardais. Il y croit pas, Baptiste, bah, il est sur le cul. Non, mais je joue à MPG, moi, mon pote. Eh je connais le foot, je me bute à FIFA en ce moment. Ok, il joue à MPG, ok. Et je me bute, c'est une expression de foot, hein. C'est quand tu mets le ballon. Non, mais dans si la je joue à MPG, il suit le foot, c'est normal, parce qu'il suit les joueurs qui sont bons. En vrai, je me base uniquement sur les stats et j'y connais rien, mais je gagne, c'est ça le pire. Et je regarde chez mon frère, tu vois, il me dit tu viens voir le match. Bah, bien sûr, tu rigoles. Je regarde PSGOM, je suis en train de bouffer mon burger. Qui, je sais, va me donner la chiasse parce que voilà. Je vais faire un petit plaisir. Non, ça, c'est parce que c'est très important dans l'histoire. Non, ça, pas du tout. Pas du tout. Ah merde. Et je vois les joueurs, et puis machin, et puis je vois Matteo Guendouzi, et puis je dis ah bah c'est lui, Matteo Guendouzi. Je voyais pas quelle tête il avait et tout, puis je regarde, je fais mais putain, c'est Matteo. Et en fait, moi j'étais animateur d'un centre de loisirs quand j'avais la vingtaine. J'ai eu Matteo Guendouzi. Arrête. Quand il avait 6 ans. Génial. Et je l'ai vu, j'ai eu vraiment, je me suis souvenu son nom, le prénom, tout qui s'est assemblé dans ma tête. Et tu l'as son visage et tout, et j'ai fait putain, c'est j'ai été l'animateur de Matteo Guendouzi. Il joue à Marseille. Je l'ai grondé, voilà. J'ai grondé Matteo Guendouzi. Génial, le gars. Et il était sympa. Il était un peu. Guendouzi, viens là. Non, il était un peu turbulent, mais tu sais, un peu chieur gentil, quoi. Parce qu'il oscillait entre un peu relou et puis très mignon. Donc c'est ceux que tu préfères. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour ça que je me rappelle de lui, en vrai. Mais attends, mais c'était où? C'était dans le sud? Non, pas du tout. Mais lui, il vient de Saint-Germain-en-Laye, Matteo Guendouzi. Il a été. Il était au PSG. Après, il est parti à Lorient. C'est ça, il a été formé au PSG. Il est parti à Arsenal et après il est revenu. Ouais. D'accord. Ça va, les formé au PSG par un pote à moi, notamment quand il était chez les petits. Parce que j'avais un pote, j'ai un pote qui est coach, enfin qui était coach au PSG chez les jeunes, les quoi. Petits. Donc il a formé, voilà. Ça a l'air d'être un petit con. C'est mon gosse. Ouais, tout se passe, c'est ton gosse d'ailleurs. C'est mon gosse, maintenant. Ouais. Je vais m'acheter. Alors, en l'occurrence, l'américaine de 60 ans, à la base, elle a juste frappé un gosse. Mais quand même, 4 jours après avoir été élu prof de l'année, donc ça c'est quand même pas mal. Ah ouais. Un gosse s'est moqué d'elle sur les réseaux. C'est alors, le succès qui a. C'est le succès qui lui est monté à la tête. Est-ce qu'on peut avoir le qu'est-ce qui s'est passé de Jérôme Niel, qui est le début d'une bande annonce? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une petite ville de l'Alabama. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 4 jours, seulement 4 jours après. 4 jours après, bah le succès, la grosse tête. Il y a un gosse qui a dit ouais, franchement, c'est pas mérité. Quoi? Alors, c'est rigolo, tu vois. La victime de l'agression a indiqué dans un rapport que lorsqu'elle est arrivée à son premier cours de la journée, vendredi, son professeur lui a mentionné que Caroline Lee souhaitait lui parler. Donc Caroline Lee, c'est l'américaine de 60 ans, ok. Selon le rapport, cité par la chaîne américaine, l'enseignante aurait entraîné l'élève à l'arrière de la classe. Mais quel âge non, quel âge, l'élève. L'élève. Ah, 6 ans, je l'ai pas là. Attends, ah merde, non, mais ça doit être ado, quoi. Ouais, alors attends. Dit, est-ce qu'il paraît, t'as dit que je méritais pas. m'avait niqué mon rythme. Dit, j'ai vu ton tweet, je l'ai vu ton tweet là. Où tu dis, franchement, j'aurais plutôt voté pour monsieur Bengali. Mais alors, vous gâchez tout. Mais c'est non, on gâche tout. On gâche tout, t'as même pas l'âge. Le gros baiser avec ton téléphone. Mais je fais rien. Mec, je le prends toutes les 20 minutes. Tu joues au snack ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, le snack qu'il a entre les deux jambes. Dans le hasard. On l'appelle l'anaconda. Il joue. C'est plus snack que snack à mon avis. Allez bim, DJ Snack. C'est quoi la taille nationale de la tub là, en France là? Ouais, regardons. C'est quoi la moyenne? Je crois que c'est 18, un truc comme ça. Non, ouais, c'est 13, c'est énorme. Je crois que c'est 29. Non, mais ça va pas. 18, c'est beaucoup. Flot de cas, non, c'est 13 et quelques. Ouais, je crois. 13 et quelques? Je regarde en David, parallèle. David Trezeguet, le footballeur. David Trezeguet. C'est trop drôle. La longueur d'un pénis au repos est en moyenne, donc au repos, hein, de 9,16 cm et de 13,24 si on l'étire au repos. Si on l'étire au repos. Et en érection, c'est 13. Sa longueur moyenne est de 13 en érection. Je comprends mais pas oui, trop mais le... qui s'amuse à mesurer quand on l'étire? Personne. Genre quand c'est en érection, c'est ça, mais quand tu tires bien dessus, tu peux gagner quelques centimètres. Ça fait mal. Ils torturent des gars, ils font oh là là, c'est énorme bite ça. Vous partez du nombril, vous partez de sous les couilles, enfin tu vois, il y a plusieurs règles. Base du sexe. Je suis désolé, ils ne disent pas l'âge. C'est pas grave qu'elle a frappé un gosse. Donc c'est ça, donc elle a été. Alors attendez, je reprends du coup. Donc selon le rapport cité par la chaîne américaine, l'enseignante aurait entraîné l'élève à l'arrière de sa classe et lui aurait demandé pourquoi elle l'a menacée. Et quel âge avait l'élève à peu près? L'élève aurait nié avoir menacé Caroline Lee et c'est alors que l'enseignante aurait frappé l'élève avec la paume de sa main. Le rapport relate. Oui, elle plus, dit tu m'as menacé. De... Elle déconne. Ouais. En plus, c'est un truc de coup. De Vandame. Ouais. C'est du pancrasse avec la paume de sa main. C'est Bas Rutten. C'est Bas Rutten. J'adore Bas Rutten. Putain, il est génial. Le truc dans le bar là et tout. Son truc de self-défense. Ouais, ouais, self-défense dans les bars. C'est génial. On en parlera. Ça, c'est incroyable ce truc. J'adore. Là, tu prends le tabasco. Vous pouvez expliquer. Je suis tellement content. Vous pouvez expliquer. En gros, c'est pour les auditeurs. Bas Rutten, c'était un combattant de MMA qui faisait du pancras. C'est pour ça que je pense à lui. Parce que le pancras, t'as pas le droit de frapper le visage point fermé. Donc tu frappes avec la paume de la main. C'était d'ailleurs l'UFC, je crois, au départ, t'avais pas le droit de mettre des. Bref, et Bas Rutten, donc, qui est un néerlandais, très voilà, un peu foufou quoi. Ouais, et il a fait une vidéo de self-défense qui est vraiment lunaire quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'au bout d'un moment, il a juste envie de tabasser des mecs et qui dit bon, imaginez, il y a un mec qui est là, bon, alors là, vous le prenez, et vraiment, il fait la démo sur des mecs. Il fait mimolette en ouais. Et vraiment, et ses astuces, ça va de plus, c'est de plus en plus létal. Quoi, tu ça. Vois le coin du bar là, bon, tu prends son front, et ça va jusqu'à, vous voyez les blocs de bois avec un pic pour mettre les. Et lui, il dit bah, vous prenez ça là dans vos mains, et là, tu poignardes un gars quoi. Et ouais, il fait ding ding ding ding ding. Ah bah c'est très frog. Oui oui, en plus. Et vraiment il est de plus en plus génial. Et tu sens qu'il kiffe de ça, faire. C'est un peu comme Frank Roper, c'est un peu bien sûr, mais en plus exubérant quoi. Il est il est génial, faut regarder ce truc, c'est génial. Donc cette américaine, en gros, Caroline Lee disait à l'enfant mais tu m'as menacé sur internet. L'enfant dit pas du tout. C'est alors donc que Caroline Lee tape avec la paume de la main directement. Ça peut être une gifle sur le gosse. Alors le problème, le baiser mortel du dragon. Il lui a fait rentrer le nez dans le cerveau là. Bam, allez. Steven Seagal. Le problème, c'est que le rapport relate que la professeure aurait injurié la victime et aurait continué de le frapper sur le dessus de la tête alors que son nez saignait. Putain. Oula. La victime ah oui, donc vraiment dans le nez. Alors elle a vrillé total. Elle a vraiment vrillé. Pardon, c'est horrible, mais en même temps très c'est drôle. Extrêmement drôle. La victime a déclaré qu'elle aurait essayé de retenir les deux bras de l'enseignante pour qu'elle arrête de le frapper. Et c'est là que Caroline Lee aurait commencé à donner des coups de pied en bas de sa jambe, a indiqué le média. Vous le voyez pas, oui, mais Adrien, c'est âgé, c'est vraiment tapé le front comme dans une bande dessinée. On rappelle qu'elle a eu le prix de la mais meilleure enseignante de l'année. C'est le melon le plus rapide de l'histoire. Le rapport précise que l'agression aurait été précédée d'une dispute entre l'enseignante et la victime sur le compte Instagram de l'école, donc c'est ce que je racontais. Dans les commentaires sous une publication félicitant Caroline Lee, donc c'est ce que tu disais, ça, putain, pour avoir remporté le titre de prof de l'année, se trouvait un commentaire demandant s'il s'agissait de l'enseignante qui avait prononcé le N-word l'année dernière en classe. Ah, et oui. Ah oui, donc elle avait un petit dans le rapport, passé, quoi. Là, oui, mais on sait pas si c'est vrai. Très bonne c'est punch ça, de l'élève. Ce ouais. Ouais. Très, très bonne punch. Dans le rapport, la professeure a soutenu qu'elle a interprété un des commentaires comme étant une menace de mort. Quoi ? N'importe quoi. Ouais, donc elle a pas Caroline Lee était suspendue, on ne retournera pas à l'école de Floride jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Elle est un peu dans l'excès, Caro. Un petit peu. Elle a dit on la cancel culture là. Tabasse un gosse. Oui, bah. Peut-être que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Peut-être. Le N-word plus tabasser un gosse. Peut-être que c'est pas la cancel culture. Le gosse est âgé. Le gosse est âgé. C'est pas un enfant. C'est pas un ado. Un ado. Non, mais il dit le rapport. Elle m'a bloqué le front. J'ai mis des coups de pied. Un gosse de 6 ans, il dit il m'a mis. On reste un ado, je pense. Et moi, j'ai eu peur et j'ai. T'as une expérience de... Ah, tu le tapes, il dit ça. Mais... Oui, bien sûr. Non. Bah, quand tu vas regarder les cadeaux de Noël chez les gens, là. Mais j'ai rien dit à la personne que je suis là. Vous avez déjà eu, vous, un prof un peu vénère? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Monsieur Morel. Oh là là. c'était François Morel. Il faisait les déchets en me tapant. Instituteur remplaçant le lundi quand j'étais en CM2. Mais vraiment, il nous tapait quoi. Ah ouais. Et je me souviens, mais c'est fou. Enfin, ce gars-là aurait dû. Il y a des adultes qui t'ont pas frappé dans. Non, mais c'était. Il était vraiment fou lui. Je me souviens, j'avais. Il me dit, Baptiste Le Caplain, il est où? Je fais moi je vais me faire taper. Et je fais là. Non, moi je suis Benoît. La dictée, 18 sur 20, bravo. Je fais merci. Et il me donne la dictée, il fait pourquoi vous avez pas eu 20? Là, il y a un S là. Et je me souviens, il dit là vous avez oublié le S. Il me prend le bras comme ça, il me secoue le bras et il me jette contre le bureau. Je fais quoi? Mel Gibson dans l'arme fatale. Et je me souviens, je dis, il nous tape alors que j'ai eu 18. Mais non, ce qu'on a eu 4. Il était alcoolique, il était fou. Il fait, tiens, mets-toi debout sur la chaise, là, je lui mets une corde, coup de pied dans la chaise, allez. Non, il nous tapait, ouais. Il nous tapait, ah, ouais. Star. Mais les élèves se sont plaints un peu ou... Bah, on disait, ouais, quand même, il nous tape. Il disait, ouais, oh, si, il est de l'ancienne école. Non, mais il a fait toute l'année, hein. Comme quoi, on est capable de. C'est horrible. Je me souviens, c'était acté parce qu'il y avait un gars. Je me souviens, on était en CM1, on allait passer en CM2. C'est horrible. Et les gars de CM2 ils disaient, bon, allez, je me souviens, un gars, c'est une des premières vannes un peu vénères que j'ai entendues. Je parlais avec un CM2 et un pote à moi, donc on était en CM1. Le gars de CM2 il fait, bon, bah allez, on va se faire taper la gueule par Morel. Et il partait en classe. Ah, il dit, on va se faire taper. Mais c'est vrai que les profs. Et c'était rentré dans la conscience de tout le monde, genre, on va se faire taper là. Les personnalités des profs, on les questionnait pas quoi. Il y avait un truc, les profs un peu vénères, les profs violents, pareil, nous on avait un prof qui avait plaqué des élèves. Contre la vitre, tu vois, du truc. Non, en SVT, bah, tu sais, c'était un peu les vanneurs, tu vois. Pas traverser la vitre et tout. Souplesse arrière. Allez, coup de la corde à linge. Mais mon prof d'SVT était The Rock. Et en vrai, c'est vrai qu'on questionnait pas le truc, quoi. Ouais. Je disais, Nous, notre prof de CM2, c'était des gros coups de pied au cul, mais bien, bien comme il faut. Surtout très bien visé, là, ceux qui te font remonter. Ça pointe dans le périnée. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Allez. Oh là là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'imagines même pas un truc comme ça. Si maintenant c'est vu. C'est, ça dégage quand même. Des vrais coups de pied. Et on était comme ça, paf. Un pointard, quoi. Un pointard dans le cul. Nous mettait des pointards. Putain, quel enfoiré. Et pareil, c'était acté. Tu fais plat du pied ou quoi? Ouais, un tel il fait ça. Monsieur Machin il fait ça. Ouais. Oui, et t'as toujours fait chier l'année d'après. Putain, je l'ai, j'ai encore Monsieur Machin en philo. Rolo. Très bien. Mais les parents, je sais pas, nos parents faisaient rien. Pourquoi ils faisaient rien, nos parents? Bah, moi j'avais pas envie qu'ils aillent. Après, ton père te faisait pire, du coup. Il avait baptisé un torchon. Y'a que ça que tu comprends. Je me souviens, en CE2, Monsieur Gohain, il avait une chevalière. RG, René Gohain, il avait une chevalière là, et quand il nous tapait, il nous mettait des claques derrière la tête. Il y avait. Bam, on se prenait la chevalière. Ah, des revers en plus. On se prenait la chevalière dans la gueule. Putain. Après, ouais, je me souviens des profs qui étaient un peu vénères. Douli, t'as eu des profs un peu vénères? Ouais, moi j'en ai eu beaucoup de fous. Ils ont terminé en HP et tout, hein, en plein milieu du cycle et tout. C'est quoi cette école? Une prof d'anglais qui avait terminé en HP, une prof de français aussi qui nous faisait lire. Alors ça c'était chouette, hein. Elle était complètement ch'teuf. Elle nous faisait lire en sixième, genre tous les trucs russes, les auteurs russes. Mais sixième, on devait faire des résumés de Michel Strogoff, Gogol, Ivanhoe, enfin que des trucs genre. Un dessert, ça, le Strogoff. Et elle était vraiment ouf, elle avait terminé. Et en CM2 aussi, c'est marrant, les mettre de CM2 apparemment. C'est pas fou. C'est avant le collège, ils te mettent dans le bain. Ouais, elle était vénère les jeudis. Alors on a jamais su ce qui se passait le mercredi soir, mais les jeudis, elle était dangereuse quoi. Enfin, c'était c'était très fou. C'était avec des champions le mercredi, ça devait mal se passer. Elle était pour Bordeaux. J'allais dire Dijon. Blague de foot. J'allais dire Dijon. C'est non mais bon. Oui mais parce que tu sais Dijon non mais il y a les supporters qui ont modifié le Wikipédia de Dijon. Ah oui, c'est vrai. Leur credo est la défaite. Oui, c'est ce qu'on a raconté dans un ancien podcast. C'était tu t'étais là. Ouais, toi Adrien, t'as pas été tapé par des profs? T'as pas la honte. T'as dit, la honte. Je me souviens d'avoir pris un coup de pied au cul par un prof, mais qui était pas mon prof. C'est à dire que je marchais pour aller dans ma classe et le prof il était derrière, il menait sa classe dans la salle de cours. Il estimait que je marchais pas assez vite et il m'a mis un coup de pied au cul et genre j'ai monté d'une marche comme ça quoi. Mario, mais vraiment à côté, bah je sais pas, j'ai des petites jambes la fois quoi. Vraiment, mais lui il était monsieur Mousset qui avait. T'as vu, on se souvient des noms. Ah bah, lui il était vénère. Mais les profs, des fois t'as envie de les retrouver, de chier sur leur tombe. Mais non, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Berthier, qui il y avait beaucoup de violence qui émanait de lui parce que en fait on vraiment c'était horrible, c'était en terminale. Et ah vraiment... non mais terminale ça se fait pas. On foutait vraiment le bordel, il avait aucune autorité, mais il était ultra, il était extrêmement énervé, il vraiment la violence coulait. Attends, c'est, et donc, t'étais en terminale. De quoi? Quand tu t'es pris un coup de pied au cul? Non, c'est un autre prof. Non, j'étais gamin. Non, mais vous foutiez le bordel et le prof était vénère. Et il était vénère et il tapait sur sa table et il avait une tête de fou, vraiment. J'en suis pas fier, sauf certains trucs où c'était un peu marrant, mais non, globalement. Non, c'était cool. Je me souviens un truc plutôt inoffensif, c'est que j'étais bon, je suivais pas là en terminale, c'était fini les cours, ça m'intéressait plus du tout, et je faisais avec ma règle. Même pas pour foutre la merde, c'est juste que je m'emmerdais et je disais à mon voisin, tiens, regarde, tu sais, tu peux faire des notes et tout, si tu fais glisser. Donc, moi, j'étais à fond dans mon truc. Qui faisait plus de guitare. Et je lève la tête et il y a monsieur Berthier qui est devant moi et qui vraiment le Hulk, quoi, vraiment le visage. Il est en train de la fumer et donc il tend la main, donc je lui donne ma règle et il la pose sur le bord de la table. Tape dessus et pour la péter, mais ça marche pas du premier coup. Ah, ça fait la teuf. Et après, bah, il explose ma règle. En fait. Ouais, il a fait, oh putain, génial, je la garde. Non, et après, le deuxième coup, il a juste. C'était un peu violent comme scène, parce qu'il a explosé ma règle comme ça. Mais vraiment comme un fou, il a mis toute sa force. Et après, j'étais genre, ok. Nous, on avait donc, t'as cassé mon matériel. C'était un prof de PS, donc qui était très vénère comme ça, et qui était. Qui avait un truc sur. Alors, c'est horrible, hein, c'est vraiment. Monsieur Martin, je m'en souviens aussi. Ah, moi, j'ai un truc avec un prof. Il comparait tous les élèves à des trisomiques. Mais c'était très bizarre, du coup. On dit sur un autre genre de truc. Non, mais c'est après, des années après, il a écrit le 8ème jour. Ouais, non, mais c'était vraiment un truc où tu te dis, mais mec, change de disque. Qu'est-ce qu'elle. Mais quoi? Vous êtes des trisomiques? Et tu sais, c'est un peu long. Et c'est un peu long comme mot. Ah oui, donc il y a même pas. Bon, les trisomiques, monsieur Timsit. Limite des os. Monsieur Timsit, le. Stéphanie Trizo, t'es là? Ok. Bah, du coup, non. Trizo, pourquoi pas? Trisomique, tu sais, c'est un peu long comme un sujet. C'était trisomique ou quoi? Il disait, ah ouais, vous allez enfiler des perles au CAT comme des trisomiques. Tu sais, il était tout le temps sur des trucs de trisomiques. D'accord, truc, quoi. Et une fois, il a sorti une punchline où pour le coup, tous les élèves étaient genre, bon, ok, vraiment, faut le virer, tu vois. Ouais. Il y avait un gars qui courait pas très vite. Et du coup, en fait, ça qui est marrant, c'est que souvent les profs les plus vénères, c'était au final ceux où il y avait le plus de bordel, quoi. Enfin, je trouve qu'il y avait un peu un truc rebelle des fois où tu disais, va chier, quoi. Et donc, on faisait des tours de stade. Et on le faisait plus, quoi. Il y avait ce truc où dès qu'on passait derrière, des fois il y avait des espèces de trucs. Ouais, t'arrêtais de courir, tu t'arrêtais. T'en avais plein le cul dès que t'étais plus dans ça, machin. Il avait balancé à un élève, il avait dit, bon, je sais plus son nom, machin, avec les dents que t'as. Attends, c'était. Alors, faut que je la sorte bien. Faut que je la sorte bien. Tu devrais courir comme un lapin. Non, attends. Il lui a dit. Imaginons, je sais pas, Kevin. C'est genre, Kevin, avec les dents que t'as, ta mère elle a dû baiser un cheval, tu devrais courir vite. Oh la vache. Horrible. L'enfer. Ah oui, là c'est. Oui. Très très vénère. Et sur le moment, t'es un élève, tu dis, en vrai, punchline quand même, un petit punchline quand même. Ouais. Et tu dis, mais c'est fou que moi t'es l'élève, bah là tu vas voir ta mère, je pense que tu gagnes quoi. Enfin, je pense qu'à un moment tes parents disent, t'as foutu le bordel en cours ou quoi. Oui, mais t'avais fait quoi aussi avant qu'ils disent que j'ai baisé un cheval? Oui, bah voilà. Tu t'es arrêté de courir. Bah voilà. Tu t'es arrêté de courir. Bah là, il a t'as pas rendu ton chasuble. Non, mais attends, tu cherches. Non, mais attends, et vous aviez quel âge? Vous avez été au collège, donc on devait avoir 14 ans. Mais là, franchement, maintenant avec nos réparties qu'on a aujourd'hui, on se réunira à 5-6. On va, mais attends, venez déjà, on le charge, on le plaque au sol. Ah, ce serait il y en a bien qui a envie de chier, on va lui chier dans le nez. Et puis voilà. Mais moi, c'est ce que je me disais des fois. Enfin, du coup, j'ai quitté la ville où j'ai grandi. Mais moi, c'est sûr que si j'ai des enfants et que je suis dans la ville où j'ai grandi et qu'ils ont les mêmes profs que j'ai eu, toutes les rencontres parents-profs, ils prennent pour il y a 20 ans, quoi. C'est obligé. Cela dit, bon, moi c'était beaucoup des vieux quand même. Donc il y a des chances. Non, mais ils font plus ça maintenant les profs parce que tu te renseignes quand même. Tu te renseignes. Avec les réseaux, les profs, les parents ils ont des groupes Facebook et tout, ça communique. Il y a des groupes WhatsApp avec les profs maintenant apparemment. Si, je te jure, on m'a parlé de ça, des groupes WhatsApp avec j'ai le mail de la prof de ma fille. Oui, c'est vrai que ça communique plus quoi. C'est assez ouf. Viens au café de la danse d'ailleurs. J'ai pris mes places. Donc je pense pas qu'elle va mettre une droite à ma fille parce qu'elle a payé. Mais non, mais maintenant tu peux. Mais attends, mais les profs ils se permettaient des phrases des fois. Putain, mais il y en a une. Putain, mais il y en a. Il y avait un couple, c'était monsieur et madame Legrand. Ils étaient tous les deux profs de français. J'arrive en seconde, j'ai madame Legrand. C'est le premier jour, on est en seconde, tout le monde se mate, on est un peu genre là, tu sais, tout le monde se scanne, c'était pas bien quoi. Et j'ai monsieur, là, jeune homme, lisez le texte. Et je lis un texte, mais d'enculé. Mais je lis vraiment un texte, d'enculé. C'est très très long, gars. Je lis tout. Ta ta ta ta ta. Je fais 4 minutes de lecture. je fourche pas un mot. Je m'arrête de lire, je fais, j'ai bien lu sa mère. Et je lève la tête et la meuf la plus bonne de la classe fait, ouais, t'as bien lu. Hein. Et la prof fait, c'est très mal lu. C'est très mal lu, il n'y a aucune intention. Il faut jouer un peu la comédie, il faut mettre un petit peu les intentions, il faut faire vivre les personnages. Et je te jure, elle, le jour où j'ai eu mon premier film, j'ai failli lui envoyer le scénario de New York. On va dire, tiens, espèce de salope, regarde le mec il sait pas lire. Ah, mais il est à New York, ah, il fait des films, je te chie dessus. Mais t'imagines comme. Je suis quelqu'un d'assez rancunier, mais t'imagines comme comment il te vénère le truc. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se souvient des noms quoi. Quelle gratuité de sortir ça. Pourquoi tu sors ça en fait? C'est marrant, ça me rappelle un truc moi où c'était, on devait jouer un truc de Molière, c'était l'Avare. Et je vais jouer le truc, c'était un monologue en plus de. Bah, c'est Harpagon hein, l'Avare, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Grave. Et donc c'est Montagnier les grosses têtes. Non, et c'est le moment où il se rend compte qu'on lui a volé son or. C'est raté. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le bassin d'Harpagon. Ouais, d'accord. Pas mal. J'ai même pas réussi. Moi j'avais l'Avare en bord de terrain. Ouais, au foot. Matteo Guendouzi, si tu nous écoutes. Bien sûr. Non, et donc c'est le moment où quand il se rend compte qu'on lui a volé son argent quoi. T'avais quel âge? Je pense CE2, CM1. Et donc moi en plus enfant timide et tout, donc je joue ça devant la classe et je me dis allez. Et je me donne vraiment genre justement là je mets les intentions, je fais Louis de Funès quoi. Et à un moment donc je joue et vraiment je me dis allez genre joue ton truc quoi. Attends, et je me souviens la prof qui fait oui bon bah, ça va calme-toi quoi. Après je suis en train de, tu sais, je suis en train de faire, oh, je me mets à genoux et tout, tu vois. Non, mais vraiment, je me souviens que la phrase c'était, il m'est impossible de vivre, et je faisais, il m'est impossible de vivre. Enfin, je me mets à genoux, elle fait, oui non, bah c'est bon, exagère pas. Et je fais, donc je m'enlève, je fais. C'est horrible. Ça va vraiment, Pierre Ninet, ça va Pierre Ninet. Ouais, vraiment quoi. Je fais, putain, quelle connasse quoi. C'est horrible. Et je me souviens qu'il y a une élève qui a dit, bah non mais il joue, c'est bien et tout. Elle avait pris ma défense, j'avais dit, stylé. Elle s'appelait Sophie. Elle s'appelait Sophie Marceau. C'était Sophie Marceau en primaire. En primaire, putain, ouais. C'est trop. Ah non, putain, merde. Attends, je sais plus, ouais, on s'en fout. Non, j'avais 25 ans. En tout cas, non, mais j'étais jeune. J'avais 25 ans, c'était au cours Simon. C'était sur un tournage. Non, je me souviens que je m'étais dit, putain, vraiment, elle m'avait coupé les jambes, quoi. Genre, ah, ouais. Putain. Ah non, mais c'est atroce, attends. Tout le monde va arrêter de t'amuser, ça va. Au moins, t'attends que t'es fini et tu dis, bon, écoute, essaye de peut-être. Tu vois, mais. Ouais, baisse le curseur. Là, c'est pendant que je suis en train de faire le truc. Non, ouais. Bah, c'est bon, ouais, oh. T'es le éclair, quoi. Mec, au premier rang, quoi. Eh, calmos, là, c'est bon. Oh, lourd. Horrible. On va revenir un peu au truc de Noël. On va passer dans pas très longtemps aux questions des invités. Mais avant ça, il y a, j'ai demandé à les auditeurs de nous partager des petites histoires de Noël que eux ont vécues dans leur famille. Ouh, ça va être savoureux. On a eu quelques trucs sympas. Il y a des trucs très cool. La trucs Nicolette à nous. Quelqu'un nous a envoyé salut le podcast. Je vais raconter mon aventure de Noël farfelu. C'était l'année dernière en tant que grand frère de la famille, j'ai été désigné pour jouer le Père Noël. Ah. Vous avez joué le Père Noël autour de la table? Non, vous n'avez pas eu à le jouer. Non, je l'ai fait non. Une fois. Ah ouais? Je l'ai fait une fois, mais à l'interphone, et je sonnais, ça faisait boum boum, et il y avait ma tête qui arrivait. Je faisais près de la caméra. Ah. Et c'était pour qui? C'était pour mes enfants. Le Père Noël. Ah, trop bien. Et j'avais mis les lunettes de ma belle-mère. Donc tu vois ma grosse tête. Et j'avais déposé tous les cadeaux à l'entrée. Oh, trop bien. Et c'est pratique parce que t'as pas à mettre de costume et tout. Et toute la vidéo, t'entends. Si, j'avais mis le haut. Oui, oui, pas le costume. Papa, mais papa, mais t'es où? Mais il est là. Mais il est là. Et tu m'entends faire. Je suis aux toilettes. Fais caca. Oui, ça tombe bien. Et, bah oui. Et t'avais kiffé? Ah oh bah oui, mais bon, en vrai mon beau-père voulait pas le faire parce que mon beau-père, je peux pas lui dire, mais Patrick, je fais Patrick, vous avez la corpulence. Ouais, ouais, bien sûr. Grand bruit, j'ai gros bruit. De A à Z, ce serait parfait, Patrick. Vas-y, bon, je vais le refaire. Cette année, il va le refaire. Donc c'était le 24 au soir, le repas se passe, on décide d'ouvrir les cadeaux après l'entrée. Sauf que le problème, c'est que j'ai abusé des escargots. Oh non. Oh, il a dégueulé, j'enfile mon costume. Non, alors c'est un peu moins vénère. Il a dégueulé sur les gosses. J'enfile mon cadeau. J'enfile mon costume de Père Noël. Mon estomac n'avait pas apprécié les escargots que nous avions mangés. Je libère quelques gaz pendant mon interprétation. Oh non. Vraiment, ça pue la merde. Depuis ce Noël, mes cousins âgés de 4 à 6 ans et mon ne frère de 5 ans Père Noël. Disent que le Père Noël est un gros dégueulasse. Il pue la mort. Il pue l'escargot mort. C'est-à-dire qu'on va falloir les convaincre. Tu pètes des escargots morts. La boucle est bouclée parce que je crois que le 2 ou 3ème épisode du Floodcast, c'est le Père Noël pue la pisse. Pue la vassin la pisse. Ouais, c'est vrai. Oh, vache. Les escargots, ça fait ça vraiment. Je sais pas, non, pas forcément. Quelle idée de bouffer des escargots? Ah, si, moi, tous les Noëls, j'ai des escargots. Mais je viens de Bourgogne! Mais arrêtez, ça va! Je viens de Bourgogne! Bourgogne. De Bourgogne. Non, on mange des escargots, non, t'aimes pas les escargots, j'ai bah quoi, le beurre parce que je suce le sang des gens. Je viens de Roumanie. Oui. C'est ça. Il est con celui-là. Bah, j'envahis la Terre. Je suis de Mars. Oh là, j'étais trop loin. Ouais. Trop loin. À 8 ans, j'ai fait une crise d'appendicite le jour de Noël. Oh non. J'ai vomi 14 fois en une journée. Après une journée complète et la moitié de la nuit à geindre, sympa, mes parents ont enfin appelé un médecin, un peu tard. Il a vomi 14 fois, ils ont dit on va peut-être appeler le médecin, ça fait 14 fois qu'il vomit. Il simule. Le médecin... Comme toi, Corinne. Arrête Bernard. Par contre, le médecin est arrivé et a dit là c'est grave, il faut aller aux urgences immédiatement parce que ça se transforme en péritonite. Ah ouais, c'est sûr. Quand je vais mourir. Bah oui, oui. Christophe Revault, l'ancien gardien du Havre, il est mort de ça. Ah, ouais. C'est ça. Ah donc, merde. Quand j'ai émergé en salle de réveil. Tout seul chez toi, tu meurs. Quand j'ai émergé en salle de réveil après l'opération, c'était pour découvrir un mec déguisé en Père Noël à 30 cm de mon visage. J'ai crié. Oh, le Noël. C'est l'enfer, c'est ça l'enfer. J'ai crié de toutes mes forces, puis il m'a donné comme cadeau un kit de mousse à raser, déodorant, parfum de la marque Adidas, oui. Alors que j'ai 8 ans. Voilà. L'appendicite, c'était pas ouf, mais le cadeau était pire. Moi, j'ai fait une appendicite en cours à 6 ans. Ah j'ai ouais dégueulé sur mon cahier de maths, ouais. Et moi j'ai jamais eu l'appendicite et ça me terrifie dès que j'ai mal au ventre, je me dis oh, putain, c'est l'appendicite. J'ai eu ça pendant longtemps. Ah, mais ça, c'est clair. Fois, c'est comment tu sais que t'as l'appendicite? Tu sais, t'as un gros point de côté quand même. Ouais, ouais. Et tu dégueules et t'es pas côté bien. Non, mais et... c'est un point de côté plus on... bas, enfin c'est à l'endroit. Et on te met un doigt dans le cul. Ah, sympa. Ouais, je l'ai eu. Doigt dans le cul, ouais. Ouais. Ah, grand doigt dans le cul. Ouais. Et moi dans la salle de temps. C'est ton nom de slammer, non? Grand doigt dans le cul. Très chelou. C'était pas le tout bif. Anecdote de Noël rapide. Il y a une dizaine d'années, nous avons dû, ma sœur et moi, amener notre chien chez le vétérinaire le 24 décembre. Non, non. Quelques heures avant la réunion avec tout le reste de la famille, le véto l'a euthanasié. Voilà, pendant Noël. Oh, ambiance de ouf au réveillon, tout le monde pleurait dans l'assiette. Et on m'a offert le Blu-ray de Roxy Rookie. Oh. Ça tombait bien mal. Marley et moi. Ça tombait pas mal. Marley et moi. Et Benji. Et Beethoven 1 et 2. Pas le 3. Parce qu'il était en cours de tournage. Bon, je vous passe l'histoire de diarrhée, évidemment. Pourquoi? Bah, j'étais en vacances. Le chien mort, oui, la diarrhée, non. J'étais en vacances. Avec... C'est un slogan. Ouais. Bah, non, mais tu vas pas arrêter sur le chien euthanasié. J'en ai d'autres. Ah, oui. J'étais en vacances avec toute ma famille à Madagascar, dans le village natal de ma maman. Bon, et à Noël, mon frère, âgé de 11 ans à l'époque, a eu la plus grosse diarrhée de sa vie pendant 3 jours, si bien qu'il était obligé de mettre des couches pendant la journée. C'était un calvaire, ça coulait et tout. J'aime bien ça. Ça coulait et tout. Sachant qu'en plus de ça, il faisait plus de 25 degrés. Voilà. Ouais, après, une fois, si t'as vraiment la chiasse au point que ça déborde de ta couche, la température. Mais au point de mettre une c'est couche secondaire. Tout court, oui, voilà. Enfin, c'est secondaire. C'est pour les autres. Oui, oui. Si ça déborde de ton cul, à quel moment tu te dis oh, je vais me lever, je vais essayer d'avoir une vie normale. À quel moment tu te dis je vais mettre une couche? Tu restes ouais, assis sur les chiottes, tu bouges pas. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Ils n'ont pas eu trop le choix. C'est marrant parce que je me disais, ils font maintenant du smecta à la fraise. Oui. Et vraiment, il y a un truc de si t'en es au point de prendre du smecta, ouais, t'en es pas à cette petite coquetterie de genre je préférerais fraise. Vraiment, c'est, non. Si non, c'est parce que la pisse de Clodo, je la prends. Ouais, mais... Arrêtez de faire genre. Non, mais c'est le goût du smecta qui est horrible. Moi, j'ai vraiment l'impression de manger du plâtre. Ah oui, c'est du plâtre. Hein. C'est après, pour les gosses, c'est dégueulasse. Toujours texture, compliqué pour les enfants. C'est toujours dégueulasse. Hein. Même si à la fraise, c'est dégueu. Quoi. Moi, ça me faisait vomir quoi. Quand je prenais du smecta, ouais, je gerbais. Quoi. Quand j'étais moi, petit. Enfin, c'est pas bon, mais ça va. Quoi. Moi, je le prenais mais sous la menace. Tu veux continuer de vomir? Tu veux continuer de te chier dessus? Bon, bah, en bois. D'accord, mais c'est vraiment parce que c'est ça. En termes d'histoire de Noël flingué, celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a une tradition dans ma famille très chelou, l'encoudage de bûches. Alors, qu'est-ce que l'encoudage de bûche? Bah, c'est le tonton, hein. Comme le nom l'indique. Tu fisses ton oncle jusqu'au coude. Comme son nom l'indique. Et là, tu chies vraiment l'oncle. Là, je peux te dire. Bah, alors, c'est lié un peu à un oncle. Comme le nom l'indique, mon oncle fout son ou ses coudes dans la bûche de Noël à chaque Noël. Et comme alors, ça, il fait l'auditeur était très sympa de nous envoyer la photo. Et donc, vraiment, ah oui, d'accord, l'oncle enfonce ses deux coudes dans la bûche de Noël. Alors, Jérôme demande et pourquoi. Oui. C'est vrai que c'est une question légitime. Le gars ne l'a pas expliqué. Ah non. C'est à chaque Noël, il fout ses deux coudes dans la bûche. Putain, l'oncle relou. Très relou. Et moi, sachant que moi, j'ai une anecdote avec Jérôme Niel. Un des premiers cafés que j'ai pris avec lui, il a enfoncé sa main entière dans mon chocolat liégeois. Oui, mais voilà. Alors, oui, mais c'est beaucoup plus. Enfin, oui, mais c'est beaucoup plus classe. Non, mais tu peux être. Ça va beaucoup plus vite. Et tu peux pas, en faisant ça, surprendre. Enfin, ça prend du temps, les deux coudes. Oui, mais là, c'est tradition. Moi, c'est un coup de poing comme ça qui vient soudain. Tu as enfoncé ta main dans mon chocolat viennois et tu m'as fixé dans les yeux. Ouais. Ça, j'ai vraiment coupé. Ma théorie, c'est que l'oncle. Par défi. C'est génial. Ma théorie, c'est que l'oncle l'a fait une fois sans faire exprès. Ah oui, d'accord. Et que du coup, il dit allez, c'est la tradition. Les... Ouais. Et que du coup, c'est devenu l'oncle, il va mettre ses coudes dans la bûche. Parce que, attends. Ah, c'est. Ah, oui. Je pense que ça doit être. Enfin, ouais, moi, c'est ma théorie. J'aime bien cette histoire. Ma famille a toujours été trop à l'aise avec tout le monde, alors que moi, pas du tout. J'avais quelque chose genre 16 ans et mon cousin parlait des seins de sa copine de l'époque avec sa mère, ma tante. D'un coup, elle se tourne vers moi et elle me demande quel type de poitrine je préfère. Ma mère la coupe avec un grand « Non, mais il est puceau, il a jamais vu de sein de sa vie encore !» J'ai dû raconter à ce moment-là ma première fois devant toute ma famille qui était absolument choquée que j'en ai jamais parlé avant. Inutile de préciser le nombre de vannes à la seconde quand la dinde fourrée est arrivée. Yes, c'est ça. C'est ça, on est sur de la famille sympa quoi. Ouais, ouais. Putain, on dirait le début des tuches. C'est ça, c'est terrible. Mon pire Noël reste celui que j'ai fait la première fois que mes parents, mon premier Noël quand mes parents ont divorcé. Ah oui. Donc ça voilà. J'ai dû fêter Noël chez mon père dans un appart vide qui sentait les égouts, littéralement. Je ne me souviens plus après, des cadeaux. C'est Splinter, son père. Wow, c'est ce que j'allais dire. C'était Donatello. Oh là là. Je ne me souviens pas des cadeaux tellement ils étaient pas dingues. J'avais 8 ans et c'est l'année où je n'ai plus cru au Père Noël, mais vu l'état de mon Noël, c'était pas si grave. Oh là là. Oh, la tristesse. Alors il signe avec un truc, à savoir si le Noël prochain va être pire, car c'est le premier où je vais faire. Ou c'est le premier après mon coming out. Oh putain. C'est-à-dire qu'il a fait son coming out auprès de ses parents sur son premier Noël depuis. Aïe, aïe, donc envoie-nous un message, tiens-nous au courant. On souhaite Dis-nous. Ça se passe bien. Bah bien sûr, bien sûr. Les auditeurs ont aussi partagé des questions pour vous tous. Alors, ah d'ailleurs, c'est sympa. Bah ça. Oui, parce qu'ils savaient que vous étiez là. Alors la première question est un peu liée à Noël d'ailleurs, puisque Adrien, un auditeur, demande si tu as des conseils pour passer un Noël normal quand on est le seul vegan de sa famille. Ramène ta bouffe. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Mais tu ramènes ta bouffe, tu vas la ramener. Bah, ouais, ouais. Non, là maintenant non, ça va. Les premières années. Où t'étais pas, où t'es passé ouais, vegan. Les premières années où ma copine et moi on était vegan, c'était disons que les patates. Je disais à ma mère, tu te souviens hein, qu'on est vegan? Elle faisait oui. Et puis en fait fois elle s'en bat les couilles. Non mais elle répondait juste oui, je m'en souviens. Oui, un truc. Et c'était genre je sais. Ça reste le chapon. En gros t'arrivais, elle disait bah il y a de la salade de pommes de terre. Fais, oui, bah, peut-être pas bouffer que ça toute la soirée. Donc du coup les années encore, d'après, on amenait. Toi, parce qu'elle a dit mais non, enfin moi j'ai quelqu'un de vegan aussi dans mon entourage. Il fait non mais t'inquiète, je t'ai fait des œufs. Oui, mais ça ne rentre, ça oui, rentre ah dans oui, vegan, en plus, ça, oui, non, ça ne marche pas. Ils confondent végétarien et vegan. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Et donc, du coup, tu ramènes ta bouffe. Mais là, maintenant, de toute façon, la famille est tellement. Il y a plus beaucoup, tu vois. Disons que les plus vieux ne sont plus là. Et du coup, les gens sont un peu sensibilisés au truc maintenant, c'est puisqu'ils sont plus jeunes. Et du coup, ça se passe bien. Après, et du tofu fourré. Ouais, non, mais en vrai. Non, mais je crois que l'an dernier, on a fait une raclette. Mais comme il y a du. Faux. Il y a du. Faux fromage vegan qui marche très bien en raclette. Et c'est fromage, juste... non. Dis le nom, hein, c'est ouais, fromage. Ouais, il est horrible, mais faut le mais dire. Du coup, on s'était fait. Ils bien. Le font en raclette. Ouais, enfin, c'est pas fait pour la raclette. Mais ça a le goût de raclette, vraiment. Ça, ouais, franchement, c'est pas mal. Enfin, ça a le goût de fromage, quoi. Ouais. Mais la marque, c'est Violife. Alors, un peu malheureux comme. Violife. Malheureusement, ils ont pas fait une enquête à l'international. Mais non, mais qui fait ça? C'est comme le faux gras, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi ils ont appelé ça le faux gras, quoi? Violife, faux gras, parce que c'est censé remplacer le faux gras. Ouais, le mot faux, c'est comme le fromage. Le mot faux est. Oui, c'est vrai que c'est déjà une punchline de normal. Déjà, c'est camembert aussi, ils ont fait camembert. Ouais, mais il est très bon. Ah ouais, il est vraiment très bon. Ouais, la marque. Ne dis jamais du mal de camembert devant Adrien. Tu peux faire camembert. Non, je l'ai pas goûté. Je l'ai pas goûté, chérie. Mais le mot quand même, t'avoueras que c'est pas. Non, mais c'est toujours ringard. C'est toujours un jeu de mots de merde. Mais en même temps, bon, il faut bien dire, faut bien qu'il y ait un point de repère du genre, bah c'est un peu comme le camembert, mais pas vraiment. Non, mais par exemple, Beyond Meat, très bon nom. C'est autre chose que de la viande. Ils te disent c'est au-delà. C'est... Ouais, tu vois, il y a un truc un peu genre ça, c'est le futur, mais on te dit pas c'est du. C'est quoi du Beyond Meat? C'est la viande de meat? C'est une marque. C'est une marque qui c'est fait du c'est incroyable. C'est pas mal. Ouais. Qui fait des faux steaks, des faux steaks hachés quoi. Mais et tu me connais, je suis un viandard. Et pourtant, j'adore le Beyond Meat. Ça remplace. Moi, je mange que des burgers Beyond Meat. Alors, oui, on est d'accord. Il revient. Herta, ils font des steaks à la Beyond Meat vegan qui sont vraiment extrêmement bons aussi. Alors, tu alimentes. Malheureusement, en l'achetant le commerce de la viande, donc il y a un peu oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors oui, c'est le saumon qui se branle. Non, mais voilà, mais bon. Même la bite, ouais. C'est le brolon, c'est le saumon qui se branle, même la bite. Pour les gens qui font du stand-up autour de la table, on entend souvent que le public du Nord est le meilleur de France. Est-ce vrai ou est-ce que vous dites ça dans toutes les régions pour que les gens soient chauds? Les gens pensent qu'on dit vraiment ça. Ce soir vous avez été super. Vous dites ça tout le temps. C'est pas vrai. Hein, vraiment. Enfin, je pense que. Il y a des soirs où tu dis pas ça. Pas ouf. Non, il y a des soirs où tu dis juste merci puis tu t'en vas. Moi, j'ai jamais encore eu l'occasion de jouer dans le Nord parce que ça s'est annulé à chaque fois, notamment à cause du Covid. Hein. Mais vraiment, il paraît que. Mais c'est pas une légende hein, pour le coup. Ils sont assez dingues. Ouais. Oui, moi, je t'ai accompagné. Mais la Belgique, par contre, tu vois, c'est un peu Nord aussi. Ouais. Quoi. Et ils sont vraiment assez foufous, hein, les mecs. Hein. Mais c'est chouette, ouais. Ce qui est faussé à Lille, c'est que moi, c'est mon troisième spectacle, donc les gens me connaissaient un peu. Ce qui est assez fou, c'est quand tu démarres ta première tournée avec ton premier spectacle, que tu arrives à Lille où t'as vraiment peur, tu dis bon, les gens me connaissent pas et tout. Et je me souviens, c'était au Splendide. La salle était incroyablement chaude, quoi. C'était fou. Ah ouais. T'as un accueil, t'as ton premier accueil de vedette. Tu te dis, oh putain, mais en fait, je suis une vedette. Et alors que les gens, je pense que c'est rentré en eux. Ils savent que le public est vraiment chaleureux et pour eux, c'est vraiment une fête. Tu viens, ils sont avec toi direct. Ouais, ouais. Trop bien. Toi, Jérôme, t'as joué dans le Nord? Ouais, effectivement. T'as fait le spotlight. Ouais. Parce que toi, c'était ton premier. C'était le rodage, ouais. C'est ton premier spectacle. T'as combienième de date? Là, à Paris, c'est la 6. Non, mais je parle quand t'étais dans le Nord. J'avais fait Marseille-Nantes avant. Oui, donc 4-5, quoi, ouais. Pas beaucoup plus. Et ils étaient complètement ouf, ouais. Et en plus, j'avais joué deux fois, à 19h, à 21h le samedi. Oula, ça va les cordes vocales à 23h, ouais. C'était le lendemain que c'était compliqué. Ouais. Mais ceux du samedi, ils étaient chauds de ouf. Ouais. Vraiment. Ils se sont levés et tout à la fin, les deux. Et c'était dimanche, genre. Non le dimanche, j'avais, ma voix, elle était plutôt. C'était la voix, juste. Ouais, les un gens. Peu. Non, ouais, c'était moi plutôt. Qui était raté. Oui, parce que tu gueules beaucoup dans ton spectacle. Je gueule beaucoup. Et comme ça s'était bien passé, derrière j'étais allé boire des coups, ouais, et fumer trois paquets de clopes jusqu'à 3h30. Et ensuite le lendemain, l'expérience. T'es un bêta. Ouais, vie d'artiste. Non, ils sont vraiment très chauds. Mais ouais, c'est vrai, je confirme. Et d'ailleurs, les gens demandent, Jérôme, comment est venue cette idée, cette envie de monter sur scène? Je pense que c'était un peu pendant le confinement. Comme il n'y avait pas grand chose à faire, enfin, il n'y avait pas, en tout cas, j'avais pas de vision de ce qui allait se passer à l'avenir. Je me suis dit, pourquoi pas. En fait, en parallèle, j'ai rencontré aussi Maxime Gasteuil, à qui j'ai dit, ouais, j'écris des trucs et tout. Il m'a dit, demande à mon producteur Ben, que je connaissais déjà aussi d'avant. Et du coup, j'écris mieux que là, hein, ouais, quand ouais. même un peu. Je me suis mis à écrire un peu, 10 minutes, ça a commencé, j'ai testé au Fridge Comedy, entre les deux. Les deux couvre-feu, il me semble. Ouais. Et couvre-feu ou confinement. Et du coup, j'ai commencé un premier passage qui a été catastrophique psychologiquement. Ah ouais. Ouais. Pas raté, mais tellement stressé à devoir déblatérer le texte et tout que j'ai ressenti aucun plaisir. Ouais. Et du coup, je suis passé dans la même soirée. Mon metteur en scène, Edouard Pluvieux, m'a dit, si tu veux, tu peux repasser dans une demi-heure. Il m'a dit, je te conseille de le faire. Comme un accident de voiture, faut tout de suite reconduire. C'est sinon, ça. Ouais. Et donc 30 minutes après, j'y suis retourné. Exactement la même sensation de stress, à part qu'il y a 1% à un moment où je me suis dit, il y a eu un rire où vraiment je l'ai vraiment pris. Tu vois, mais j'ai pas fait de bide, mais j'étais tellement stressé. Et tout d'un coup, il y a eu juste un moment, quoi, 10 secondes où j'ai fait. Oh putain, ça peut être quand même cool. C'est dans la zone. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai dit, je vais. Mais sans ce deuxième passage, je pense que j'aurais. Arrêtez. Failli faire. Ah. Non, mais franchement, les vidéos, ça marche. Ouais. C'est bon, c'est cool. Conseil, du coup, de ton metteur en scène, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Vous vous souvenez, Douli, toi, tu te souviens de la première fois que t'es monté sur scène? Putain, merde, je suis avec ma banane. Ah, tu veux, je peux passer à Baptiste et tu peux finir ta banane. Il y a eu deux. Enfin, il y a eu vraiment un truc horrible. Moi, on m'avait programmé au Festival des Tempes, alors que j'ai toujours fait du théâtre et tout, mais après je suis partie 10 ans en Espagne, donc toute seule sur scène, c'était la première fois. Et le mec était tombé sur 2-3 vidéos que je faisais à la con, je faisais des mecs et tout, des personnages de mecs, et il m'avait programmé 45 minutes de spectacle que je savais pas, genre sur le Festival des Tempes. Et donc j'écris ça en un mois, un truc, enfin je veux dire improbable. Et le mec m'avait dit, je vais te mettre dans des super conditions et tout, tu vas voir une scène incroyable et tout. J'avais demandé un paravent pour me changer derrière, enfin c'est n'importe quoi. Et j'arrive déjà 2 jours avant, j'ai un pote, il regarde sur internet, il me dit, je vois pas Festival des Tempes. Et il dit, attends, si, je crois que j'ai trouvé, c'est la foire des Tempes. Et un mot peut changer ta vie. Vraiment. Je suis arrivée vraiment, c'était l'enfer. Il y avait Jean-Louis qui vendait ses tondeuses au micro. Putain. Et tout. Il m'avait mis sur une scène dans un rond-point, dans le rond-point de l'entrée. Oui. Donc en fait, les gens ils passaient, ils regardaient, ils se cassaient. Ils étaient tous Torchman. C'était horrible. J'avais une petite vieille qui s'était assise sur le côté de la scène et qui commentait tout. Et j'ai pu à un moment donné, je disais Pepsi, Orange, Cola, et non, moi je peux plus reprendre un jus d'orange. J'ai dit, tout était comme ça. Je lui avais demandé un micro-casque, il m'avait ramené un cintre tordu avec une bonnette. Enfin, c'est une des rares fois de ma vie où j'ai vraiment eu les larmes aux yeux en sortant de scène. Quoi. Et ça, vraiment, c'était ta d'émotion, première fois quoi. Ouais, ouais, putain. Vraiment. Enfin, toute seule sur scène, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Horrible. Et 45 minutes, et tu dois y retourner le lendemain. Oh là là. Avec, je te dis, Monique qui vend ses pelouses là, enfin tes trucs, ses chauffages et tout, à côté de toi, t'es sur scène et tout. Le petit Nicolas qu'on cherche et tout, qui était devant la scène, c'était n'importe quoi, c'était horrible, horrible. Et comment tu t'es mis, la première fois, tu te dis, bon, en fait, non, ça va, c'est cool. C'était combien de temps après? Ouais, parce qu'un truc comme ça, ça peut te faire dire, ouais, ouais, bon. Et ben la scène d'après, c'était la deuxième première fois, ça c'était cool, c'était aux soirées première fois de Yacine Bellouche. Ah, yes. Et c'est chez lui que j'ai testé toutes mes blagues. Mais c'est lui, en vrai, qui m'a vraiment donné toutes mes premières fois, en fait. Ouais. Et vraiment, le public est tellement généreux et tellement bienveillant. De ouf. Que. J'avais les jambes qui tremblaient et tout, c'était l'enfer. Mais vraiment, c'était incomparable. avec je savais pas que t'avais démarré au plateau première fois de Yacine. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Mmh. Ouais, c'est vraiment la scène ouverte la plus bienveillante de Paris. Toi, Baptiste, ta première fois sur scène? Première fois sur scène, c'est je suis animateur en colo à Vichy. Pas de blague, les gars. Et il y a un animateur qui s'appelle Guillaume qui me dit, mais Bat, t'es très drôle, viens pour la veillée des pré-ados, fais un sketch. J'ai jamais fait de sketch. Là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 17 ans. Putain. Okay. 17 ans, et je dis, mais non, mais il y a un sketch que je connais un peu, c'est le sketch de Sandy de Franck Dubosc. Bien sûr. Il me dit, fais-le ce soir à la veillée. Et donc, à 14 ans, je me souviens, je prends un téléphone fixe du bureau, j'appelle ma sœur. Et j'ai dit, Justine, est-ce que tu peux mettre le téléphone contre l'enceinte de la télé et mettre le sketch de Franck Dubosc? C'est trop mignon. Et donc, elle met l'enceinte colle le téléphone sur l'enceinte de la télé et j'écrivais à la main, génial. Sandy comme Sandy Kilo, et je l'écris à la main et je le joue le soir. C'est horrible parce qu'il y avait des animatrices qui étaient extrêmement jolies et moi j'étais à 6 ans de me dépuceler encore, parce que je me suis dépucelé à 23, donc j'étais très très très loin. Oui, c'est vrai qu'on a dit oh là là, mon dieu. Et je me souviens, c'est un amphithéâtre en extérieur, c'est au sol, et il y a un amphithéâtre en extérieur. 6000 personnes, un truc comme ça. Il y a 50 préados, et je joue, et les animateurs sont dans le bureau vitré, et je fais Sandy comme Sandy Kilo, et les personnes rigolent. Oh. Et de temps en temps, je me retourne et je vois les animateurs faire. Et je fais, les bâtards, ils se foutent de ma gueule. Et tout le sketch, je me dis, les salauds, ils ont fait ça pour me niquer auprès des gonzesses, putain. Et tout, machin. Mais c'est tellement, les gosses étaient tellement pas dedans et tellement premier degré, je dis, ou éventuellement, croquer la pomme. To eat. Et la blague de Dubois, c'est The Golden. Tu sais, il fait cette blague-là. Oui. Et les gosses font Apple. Je vais envoyer un second degré. Je finis le sketch et je sors. Je vous ai des enculés en fait. M'a envoyé au casse-pipe. Et ils m'ont dit, mais non, mais mec, c'était super drôle quoi. Tu l'as trop bien fait. Ils étaient trop jeunes en fait. Et ils m'ont dit, non, mais c'était trop bien, vraiment, refais-le. Et donc, je l'ai refait plein de fois et ça se passait pas bien avec les enfants. Mais la fois où ça a vraiment cartonné, c'est un des animateurs part travailler à Look Voyage à Bodrum. Bodrum en Turquie. Ouais. Et il me dit, le jeudi soir, c'est café-théâtre. Tu viens dans l'équipe d'animation et tu refais et je me souviens, je fais le sketch du blond de Gad Elmaleh. Et là il y a 200 vacanciers, là des adultes, et là mec, c'est un toncard. Putain. Mais un toncard de fou, c'est à dire que je finis la soirée, je sors et il y a une masse de gens qui viennent me voir genre, mais bravo, mais c'est extraordinaire. Et c'est là que tu t'es dépucelé. Mais c'est pas mon sketch. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Je dis, mais c'est pas mon sketch et tout machin. Et mon pote qui était là, Greg, je me souviens, Greg Barto, il change de village, après il va en Tunisie et il me dit, on refait ça mais tu fais tes sketchs à toi. Et je me souviens, j'avais fait 15 minutes de mes sketchs à moi, j'avais eu standing ovation. Trop bien. Putain. Ah, c'était ouf. Je me souviens, je l'ai regardé en boucle cette vidéo parce qu'il avait filmé d'en haut et il y a vraiment un parterre de 400 vacanciers, ils se lèvent genre. Mais ensuite, comment t'es passé des villages de vacances après, du coup, je suis parti dans un autre club Look Voyage travailler et là j'écrivais mes sketchs à moi. Mais j'ai démarré entre, tu vois, j'ai fait ça à 17, la première représentation c'est début 2008, j'ai 23 ans. Donc il y a 6 ans, entre oh putain, ouais. Oh c'est génial, oh, c'est génial. Et la première de mon premier spectacle, c'est 6 ans après. C'est génial. Mais pendant 6 ans, j'avais le démon en moi. Je savais que c'était ça que je voulais et faire. Et t'écrivais de temps en temps, mais tu. Ouais, j'ai des cahiers conquérants blindés. J'ai un coffre entier de cahiers. Mais 6 ans avec des quoi. Ouais, 6 ans, ouais. Putain. Et dans les sketchs de Gad Elmaleh, je mettais des bouts à moi, tu vois. Ah, je me souviens, c'est trop bien comme école. Enfin, cela dit, de pouvoir être à l'aise et tout, de refaire les sketchs d'autres gens. Enfin, il y a que dans les clubs de vacances où tu peux faire ça. C'est, quoi, c'est, c'est trop bien, les cafés théâtres. Mais vraiment, le Club Med et tout machin, c'est formateur à mort. Mais je te jure, on avait des scènes, on avait des salles de 300 personnes le jeudi. Ouais, et moi, les vacanciers, ils parlaient entre eux. Ah, c'est lui l'animateur qui fait bien des sketchs et tout. J'avais un peu ma cote, tu vois. Et donc, je mettais mes vannes dedans. Je me suis dit, la première blague où ça rigole, c'est. Gad il faisait une blague sur le sèche-main électrique qui marche pas et je la faisais et les gens après ils prennent des ils pissent, ils se lavent pas les mains, ils vont prendre des cacahuètes au bar. Et je dis des cacahuètes, on aurait appelé ça des pipiouettes. Oh putain, mais c'est fou. Pipiouettes, je clap. Oui, d'accord. C'est fou parce que dans le podcast, Med, dans le podcast, Marina Rollman nous avait raconté une anecdote où Pascal Légitimus lui avait fait cette blague. C'est pas vrai. Dans la vie comme ça, dans une la soirée. Vie, il avait fait une soirée. Donc comme quoi, c'était un inconnu pour c'était moi. C'était en 2005. Premier clap pipiouette. Putain, pas il mal. Volé, il te l'a volé. Il te l'a volé. Il était là, passe. Non, t'as bossé aussi toi dans des clubs de vacances et tout. Non, c'est... club de vacances pas du tout. Moi c'était centre de loisirs. Est-ce que ça t'a créé un truc aussi de faire rire des gens ou pas du tout? Non, mais je me souviens qu'il y avait un truc des fois quand t'es animateur, tu dois faire des spectacles pour les enfants et mine de rien moi c'était un assez gros centre donc il y a genre 300 gosses, un truc comme ça. Et il y a un côté, je me souviens d'être je devais rentrer on devait faire un spectacle, bon c'était pas du tout préparé en plus, c'était genre bon non on fait ça et puis tu dis des trucs et je me souviens d'être en coulisses entre guillemets et me dire bon là faut pas y aller à moitié sinon parce qu'en plus les gosses c'était 6-12 ans dont Matteo Guendouzi du coup et ceux de 12 ans ils se mettent c'était dans une butte enfin sur une butte dehors ils se mettent en fond et ils se foutent la gueule de tout le monde donc si t'es pas vraiment à fond tu vas te faire défoncer par des enfants et donc faut y être à fond quoi. Ouais, c'est ça. Du coup je me souviens de dire allez j'y vais à fond et tout et je me souviens qu'il y avait eu un truc de genre voilà. Si tu fais un truc où t'es un peu, t'as un public et tout, le fais pas à moitié parce que sinon ça va être de la chiasse et tu. Donc ça a juste eu cette. J'ai juste capté ce truc là, mais c'était il y a longtemps quoi. Mais capté ce truc de genre, faut y aller à fond quoi. C'était quoi la première fois que t'as joué la comédie toi vraiment? Bah c'était. Bah en vrai c'était les gars en t-shirt avec Aurélien Prévost. Ah oui, c'est ça. Et c'était. C'était il y a plus de 15 ans hein, donc je sais pas. Mais après c'est genre j'ai fait ça et après rien pendant 15 ans et après Golden Moustache quoi. Mais c'est ça. Ouais. Mais pareil t'as eu la petite pause quoi. La petite pause petite pause mais moi jamais je me enfin j'en ai déjà parlé mais jamais je me disais c'est possible de faire ça quoi. Je me disais non mais ça c'est pour une sphère qui est pas à ma portée quoi de pouvoir être mais quand marrant. Mais quand chez toi t'as pas d'artistes vraiment qui gagnent leur vie ou qui font ça vraiment ou que tu connais quelqu'un qui te dit moi je le fais. Moi je t'ai dit c'est quand j'avais vu le film Pédale Douce avec mon père, je regardais Pédale Douce avec mon père, il me dit Jacques Gamblin, il est de notre région. Je dis non mais attends mais il y a des gars de notre région qui peuvent être acteurs. Il dit bah oui. Oh la vache, bah là j'ai halluciné, je fais mais attends. Il est de Grandville, il est quand même pas acteur. Il habite à Paris et tout. Genre il prend le métro. non mais genre vraiment j'ai halluciné, je fais ah bon parce que pour moi faut être né à Paris, tu vois, faut être né à Paris et tu fais acteur. Ouais. Nous on est paysans ou un truc comme ça, tu vois. bah non, bien joué. Après j'étais roasté, c'était ça mon premier seul en scène, c'était. C'est vrai qu'Adrien m'a roasté à mon anniversaire. Mais c'était la première fois vraiment tout seul sur scène là. Ouais. Bah il y a eu le Bataclan quand même, on a fait du podcast, mais t'étais pas tout seul. Première fois où je suis genre juste un truc que j'ai écrit et que je dois dire tout seul, c'était. Mais pourquoi tu vas pas faire première fois? C'est vraiment l'écrin le plus sûr du monde. Mais je sais. Mais même Yacine avait mis un de ses potes barman et tout, qui était bon et tout. Et il servait des verres à tout le monde. Moi j'ai fait première fois et j'ai aucune envie de faire du stand-up, mais c'était cool de l'avoir fait. Non, je sais, tout le monde me l'a dit. Non, mais d'ailleurs, Yacine, le tout première fois. Il m'avait appelé en me disant bah tu veux pas le faire, je fais un truc qui s'appelle première fois et ah tout. Oui. Je m'étais évidemment chié dessus, je l'avais pas fait. Mais ça voilà. Non, faut le faire, ils sont super. Non mais ouais. Moi Yacine, il m'avait kidnappé, j'étais venu dans la salle voir Et il me dit ah Baptiste c'est dans la salle, allez vas-y viens. Je prends l'enculé. Et donc j'avais fait les trois premières minutes du troisième que j'avais pas gardé dedans, mais il m'avait eu comme ça. Mais les gens sont vraiment gentils. Non mais je sais, mais c'est t'as pas. Vraiment, gens. Allez vite. T'en as vraiment plus qui viennent avec des fois leurs feuilles et qui le jouent à peine quoi. Qui pèsent vraiment les blagues comme ça. Non mais je sais, mais bon, ouais, c'est tellement un truc personnel. Mais vous pouvez me dire n'importe quel argument, c'est faut que ce soit moi qui. Que tu sentes le truc en toi. C'est ça, que j'arrête de me chier dessus tout simplement. Arrête de chier dessus. Je peux donner un conseil. Arrête de chier dessus. Mais on peut conseiller les soirées première fois d'ailleurs. Les soirées première fois d'Yassine sont géniales. Elles sont incroyables. Ouais. C'est toujours, tu peux toujours découvrir des gens. Ouais. C'est ça qui est chouette. Oui, oui. Non, on vous conseille. C'est à Paris. Il a fait des fois ailleurs. Non, il fait que à Paris. Non, il l'a pas encore fait en province. Il s'était de le faire, je crois, à Lyon une fois, mais il l'a pas fait. Non, mais faut le faire à Paris. C'est trop bien. Non, c'est vraiment cool. Et puis il y a des gens, des fois. Très confirmé qui viennent, qui passent une tête, genre Blanche, elle était passée une fois en surprise. Oui, elle dit, bah faire c'est un là truc. Qu'on s'est rencontrés. C'est là que t'as rencontré Blanche Gardin. Ouais, ouais. Ah, bah génial. Ah oui, c'est fou. Ah oui, ah, c'est oui, oui. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et plein d'autres gens. C'est vraiment hyper bienveillant, quoi. La comédie, c'est quelque chose qui. On te voit de plus en plus dans des fictions. Est-ce que ce serait une suite logique ou est-ce que toi, c'est d'abord la scène? Ah, moi, c'est les deux, hein, chérie. Ouais. J'ai du mal à dissocier. Enfin, tu vois. Oui, les deux sont chouettes, quoi. Ouais. C'est deux sensations différentes. C'est moins stressant, c'est sûr. Quand tu peux dire, ok, on la refait. Ouais, bah oui. Mais non, c'est quand même un kiff, quoi. Et tu pourrais écrire de la fiction? Ah oui, moi j'ai écrit plein de trucs hein, déjà. J'ai pas mal de trucs en stock, mais j'ai pas le temps là. Chérie, ouais. J'ai rétréci les gosses. Mais... ouais, bien sûr, c'est au moins ça. Il y a une fourmi géante qui meurt. Les gosses sont tristes. Ils dorment dans le Lego. Putain, c'est vrai. Ouais. Bien ce film, hein. Non, mais oui, bah, c'est si. Ah ouais, la fourmi. Mais même écrire avec des bons gars que j'aime bien dans le milieu et tout, ça c'est chouette, tu vois. Je pense écrire à plusieurs des fictions comme ça, des trucs. Mais là, on peut te voir dans la série de Blanche. Tu joues dans la série de Blanche. Ouais, on a fait. Je crois que je suis dans deux épisodes, mais encore une fois, j'ai pas la télé et j'ai pas. Nordos, je suis à Groland, j'ai même pas les codes Canal. Je peux pas la choper. Du coup, il faudrait que je. Ouais. Ah, on peut pas t'aider. on n'a pas de code non plus. Ah, nous on n'a pas de code. Bah, t'as pas MyCanal, tu vas me dire toi. Je paye MyCanal. Ah voilà, tu payes. Ah oui, bah j'ai pas de code, c'est ça que je veux dire. J'ai pas de code affilé. Tu peux filer tes identifiants, c'est ça. Oh, mais oui, c'est ça en fait les codes, c'est ça. Ah oui, non, mais moi je croyais que tu disais des codes gratos que Canal aurait pu nous filer parce qu'on bosse pour eux. Oui, je filais pas comme si ça existait. Tu parles de thérapie à Canal. Baptiste, Libre et Assoupi est mon film de chevet. Quel souvenir en gardes-tu? Souvenir merveilleux. Oh. Libre et Assoupi, c'était extraordinaire. C'était vraiment. C'était un film de, on peut le dire, de Benjamin Gage, voilà. Adapté d'un roman qui s'appelait Libre, seul et assoupi. D'accord. Voilà, de pas... Romain, je sais plus comment. Et Benjamin Gage avait adapté le scénario. Ouais, c'est mon deuxième. Romain Monry. Voilà, c'est ouais. Ça. Et c'était mon deuxième rôle et Benjamin Gage m'avait proposé le film quand je jouais au Bataclan. Bon, le film était extraordinaire. Voilà, c'est un film d'auteur, une comédie d'auteur. C'était absolument génial. Bah non, j'ai regardé un souvenir, c'était trop bien quoi. Tourner avec Félix Moiti qui est vraiment le vrai acteur, mais ça va le cap. Il parle vraiment, c'est un petit GG quoi. Moiti, il est génial. Un petit Belmondo. Félix Moiti est vraiment un acteur incroyable. Et puis, non, il y avait Charlotte Lebon qui était absolument. Enfin, qui est toujours ouais, c'est vrai, putain, ouais. Sublimissime. Ouais. Et en plus, mon personnage de ne pas tomber amoureux d'elle, donc c'est quand même un truc fou. Non, je me souviens, c'était tourner avec Denis Podalydès, les deux premiers jours de tournage, je chante avec Denis Podalydès. Et il y avait une scène un peu stressante aussi, avec un animal. Avec l'ours. Ah, oui. Ouais, avec l'ours. Ah, ouais. Bon. J'ai tourné avec un vrai ours, un Carnac. Et en fait, qui avait une carrière magnifique, c'était dans le Jean-Jacques Hano, entre autres. Non, mais alors, ce qui était fou, le dresseur de l'ours, comment il s'appelait, il était super gentil. Il me dit, ouais, ça serait bien que tu rencontres l'ours la veille du tournage. Donc, je vais sur le parking de l'hôtel. Donc, on prend un café. Et il sort de son. Il ouvre sa fourgonnette et il y a un bébé loup qui est là, dans la fourgonnette. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, en fait, je vais faire Robin des Bois 2 avec Russell Crowe. Ouais. Et en fait, il y a une scène où l'ours, il doit se lever et crier sur des loups qui pourchassent Russell Crowe. Et les loups s'en vont. Et c'est une scène qui dure 10 secondes, mais c'est pour que l'ours il s'habitue au loup. Donc je les mets ensemble. Donc il dormait avec un loup. Donc la scène, c'était 2 ans avant le. Parce que le loup mettait vraiment du temps à grandir. Hein. Ça bouffe pas de la soupe ou quoi. C'était vraiment très long. Donc il dit, ça c'est. Mais je sais même pas s'ils l'ont fait Robin des Bois 2. Si, enfin, si, le Robin des Bois avec Russell Crowe. Il y a un Robin des Bois avec Russell Crowe. Ouais, mais il devait en faire un deuxième. Ah oui, d'accord. Donc alors le truc n'a jamais été fait. Non. Et... Ou alors c'est enragé, mais ils ont vraiment changé plein de scènes. Voilà. Non, j'ai un souvenir vraiment que des bons souvenirs de ce film. Malheureusement, il a pas super bien marché, c'est dommage, mais il a un vrai succès d'estime. Je me souviens, il y a une journaliste russe qui m'a envoyé un long message sur Instagram en me disant que le film en Russie, il avait une grosse résonance chez les jeunes. Mais il a un truc générationnel, moi je trouve un peu. C'est un peu ces films de, parce qu'il est sorti en quelle année, 2013. Ouais. Et c'est un peu ce film du début des années 2010, post le premier. Non, attends, 2014 que je venais d'avoir, mars 2014, je venais d'avoir Thelma, je venais d'avoir ma fille. Voilà. Bah, je trouve qu'il a un truc vraiment générationnel de ces années-là. J'ai à la fois des souvenirs géniaux, à la fois un souvenir pas cool. Le souvenir génial, c'est on tournait derrière le BHV à Paris. Il y a un immeuble qui appartient au BHV et ils ont des appartements de 150 mètres carrés entièrement vides. Ça va être dingue. Ouais. Et où qui leur sert de showroom. Et l'équipe déco avait recréé un appartement entier dedans et qui servait de l'appartement du film. Et je me souviens que la veille du tournage, Charlotte, elle a l'idée incroyable. Charlotte Lebon, elle dit hey, venez les gars, on va dormir dans l'appart. Donc on a dormi la veille sur le décor, chacun dans nos chambres, et on s'est envoyé des messages et tout, bon, bonne nuit les gars. Et le matin on s'est réveillé et l'équipe technique est arrivée, on a tourné le film. Donc ce souvenir était assez chouette. Trop cool. Ah, et bien. Le souvenir moins cool, c'est le jour de la sortie. Tu vois que le film va mal se passer. Le jour de la sortie, j'arrive chez Gaumont et t'as les big boss de Gaumont qui sont là. Et j'arrive avec le porte-bébé et ma fille qui est là. Et je dis bonjour à la boss, je fais bonjour. Et elle me fait, vous êtes? Je suis le comédien sur l'affiche. Là. Ah oui, bonjour Jean-Baptiste. Non, la meuf, Jean-Baptiste, tu connais pas ma tête, elle connaît pas mon prénom, elle connaît pas mon nom. Ouais. Et je me souviens, il y avait un boss d'M6 qui était là, il dit viens, on va boire un coup. Je dis mais elle me connaît pas en fait. Non, elle te connaît pas. On est entre de bonnes mains. Mais le film, c'est vraiment un bonbon ce film, il est incroyable. Il est sur MyCanal en ce moment. Voilà. Ouais, Charlotte le bonbon d'ailleurs. Oh là là, il est fort. Non, mais voilà, c'est une comédie d'auteur quoi. Voilà, c'est vraiment un beau film. Avant de se quitter. Oh voilà, non, déjà! Ça fait 2h30, les amis, ça fait longtemps. On se fait une baisse d'adieu. Non, j'avais pensé plutôt vous partagiez des recommandations culturelles, des trucs que vous avez kiffé. Ah, on peut aussi faire une baisse d'adieu, mais commençons déjà par ça. Adrien. Bah écoutez, moi je vais recommander le spectacle de Jérôme Niel. Oh! On est allé mercredi et c'est vraiment. C'est où À l'Européen. À l'Européen de nouveau. Le mercredi à l'Européen à 21h30. Parce que bon, c'est un peu. Il y a un peu des gros mots quoi. Donc on peut pas mettre ça trop tôt. Mais et c'est vraiment, je sais pas, la quintessence de Jérôme quoi. Vraiment, prenez Jérôme, vous le compressez là et vous prenez le jus et c'est ça quoi. Et merci. Mais même c'est encore plus que ça quoi. Il y a vraiment, c'est super. Voilà, c'est un très très bon spectacle. J'ai beaucoup aimé. C'est très drôle. Voilà. C'est vachement bien. Merci. C'est très très drôle. On l'a tous. À part Doudou, moi j'ai vu. Doudou, faut que tu viennes en janvier. J'avais pas le temps, je vais venir en janvier, chérie. Ouais, j'ai chialé de rire. Ouais. Allez voir ça. Merci beaucoup. C'est ma boule et marrant. Et ça prouve qu'on peut créer encore des trucs complètement what the fuck sur scène. On peut être totalement original. Ah mais non, mais je t'ai vu, chérie. Ah oui, t'as vu 10 minutes, c'est vrai. À la bien. Tour Eiffel. Oui, j'ai vu 10 minutes. Ouais. C'est vrai, c'est rien. Ça. Oui, comparé à ce qui est arrivé d'accord, derrière. D'accord, mais c'était drôle. Ah ouais, c'était très drôle. Mais t'imagines, tiens ça tout le spectacle. Ouais. Non, c'est vraiment très très bien. Et c'est le rythme est ouf. Non, c'est. Et puis, ça se vit sur scène. Ah, ça se regarde pas sur la télé. Ça c'est sur scène. Non, c'est vraiment bien. C'est Adrien qui le disait. Je te prends tes mots, mec. Il y a un truc un peu de Dupontel en moderne, mais dans l'énergie et dans ce que ça présente. Non, et je trouve vraiment il y a de ça quoi. Ah ouais. C'est entre Dupontel et Eric André. Voilà, on pourrait dire ça. Je prends. Voilà. Un peu de Boudet également. Une pincée de Boudet. Bah magnifique Jérôme, toi c'est quoi ta recommandation culturelle? Si tu dis un truc d'Adrien, je me casse. Du où? Non, moi je suis tombé sur la semaine dernière. Voilà, tu t'es fait mal? Ouais. Oh, il est fort. Rebondi sur tout, c'est une balle. J'ai regardé The Father avec Anthony Hopkins. Très bonne comédie. Voilà, il a tout dit. Ah mais ouais, j'ai été ça, vraiment cueilli. Et enfin, c'est assez bouleversant, comme on pourrait mettre entre guillemets sur les affiches avec marqué en dessous Télérama. C'est aussi moche. Non, c'était aussi moche. Maintenant, il a eu l'Oscar, Anthony Hopkins. Ah, c'est sur une femme qui s'occupe de son père qui a Alzheimer. Okay. Et le montage est genre ouf. Le monteur, il méritait vraiment un Oscar parce que le truc s'est monté. De manière à ce que tu fasses. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et oui, comme la maladie. Okay. Regarde, t'es génial. Comme ça, tu comprends pas. Ouais. Et tu sais, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et genre la Real, et la Real, elle est genre c'est pas, enfin tu te dis pas une seule seconde que c'est une pièce de théâtre, de temps en temps ça sent, tu vois. Ouais. Tu te dis bon bah voilà, c'est carré, plan contre plan, tu la sens là. Mais là genre la Real, en plus le gars il est trop fort, il en a jamais fait. Son premier film, hein. Voilà. Ouais. Et vraiment, et bien évidemment, enfin j'avais ma main sur la bouche toutes les 12 secondes, quoi. Parce que c'est vraiment horrible, voilà. Tu vois, mais c'est trop c'est bien joué. Ah, c'est un c'est superbe en VOD film. Maintenant, tu peux le trouver, ouais, en VOD. Superbe, ouais. Film, j'étais, ouais, vraiment. The Father. Et le montage, ouais, j'ai vraiment fait. Ah, deux fois à peu près. Ouais. Ah ouais. Ce qui est beaucoup. Ouais. Mais c'est pareil ou d'affilée t'avais. Oh, oh. Non. Non, c'est un peu séparé. Ouais. Il a eu aussi l'Oscar du meilleur scénario original. Ouais. Parce que l'histoire est vraiment ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est très bien écrit. C'est du game. Et le bordel, il a 83 ans, il envoie de ouf. Putain, mais ça, c'est ouf. Non, vraiment, je vous. Ouais. Mais vraiment, derrière, il faut partir sur un Wally ou. Oui, voilà. Faut vraiment se remettre en jambe derrière. Le bêtisier de l'année de TFX. Voilà. Parce que à la fin, quand le générique va arriver, c'est pas. Regardez The Father et après, allez voir le spectacle de Jérôme juste après. Allez, bim. Magnifique. Douli, un truc que tu as apprécié culturellement récemment? Écoute, comme je n'avais rien préparé, eh bien, j'ai découvert un mec qui s'appelle Douzkawa, c'est D-O, je cherchais l'orthographe, mais je crois que c'est D-O-O-Z-Kawa, K-A-W-A, c'est un rappeur, et il a des jolis textes. Douzkawa, c'est un rappeur? Douzkawa, ah, ouais. Mais en fait, j'arrive complètement en retard, parce que le mec, je crois qu'il fait ça depuis 15 ans. D'accord. Mais vraiment, il y a des textes qui m'ont touché, quoi. Et là, l'instru, souvent, il met un peu des trucs gitans et tout. Et moi, la musique tzigane et tous les trucs comme ça, ça me touche beaucoup. Oui, effectivement, ses derniers albums s'appellent Bohemian Rap Story et Nomadsland. Voilà. C'est autour de ça. Ce que j'aime bien dans ces musiques, c'est des gens qui ont. C'est souvent des peuples qui ont souffert, qui souffrent, qui écrivent ça. Et du coup, pour sortir de la souffrance. Et du coup, en fait, tu peux les écouter dans tous les états, parce que du coup, il y a de la joie et de la souffrance dedans. Donc, en fait, tu peux écouter ça quand t'es joyeux et quand t'es triste. Ça fonctionne, quoi. Oui, ça marche. Douzkawa. Douzkawa, donc ouais, de la musique. Ouais. Trop bien. Baptiste? Alors, évidemment que le spectacle de Jérôme est excellentissime. Excellent. Non, mais c'est vrai, parce que je l'ai vu avant vous et je vous l'avais. Enfin, je te l'avais dit. C'est pas un concours. Hein. Mais juste avant. Si, c'est un pas un concours. T'as gagné. T'as gagné cette manche. Non, mais le spectacle qui se joue juste avant, les deux spectacles que j'ai préférés cette année, c'est Jérôme et Aymeric Lompré, que j'ai vu sur scène. J'ai pas encore vu. Que j'ai adoré. Aymeric Lompré, c'est un mec. Qui est très con, qui est très punk, qui écrit pour France Inter et qui a un spectacle mais complètement barré. Il arrive sur scène, il fait un doc sur le porc épic, donc c'est n'importe quoi. Et il fait des blagues vraiment très drôles, très absurdes. Et en fait, ça m'a vachement aussi un peu touché, parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de personnages. Ouais, il est vachement très absurde. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit putain, mais je pensais pas que tu faisais ça. Et moi, ça me parle vachement. Il me dit bah non, mais parce que j'aime bien. Bah, il m'a dit oui, un peu j'aime bien ce que tu fais, donc ça m'a vachement inspiré. Je dis oh, arrête tes conneries. Et en fait, non, mais j'ai vu. Lui, ce qu'il a, il met le curseur sur des vannes trash où moi je vais pas, et moi j'aurais adoré faire ça. Ouais. Et il a, non, mais voilà, c'est un mec qui peut faire des blagues de caca et après passer sur de l'absurde et des. Ouais. Non, mais il fait vraiment des vannes destroy. Moi, j'aime le pipi. Et il a fait un passage à Montreux qui était extraordinaire. Enfin, il a un angle très drôle où il arrive sur scène, il fait une blague vraiment nulle et il dit je dois faire 8 minutes, c'est ça. Et donc tout son passage à Montreux, il fait bah, c'est bon, ça fait 8 minutes là. Et donc il fait le chrono à l'envers et c'est vrai. Enfin, il a un passage à Montreux qui va cartonner. Il a fait ça cette année. Ouais. Et il est vraiment très très très drôle. Et c'est vraiment un gars, c'est un bon gars, c'est un mec qui aime bien la vie. Ouais. Mais ouais, c'est un bon camarade de coulisses. Ouais. Vraiment, tu rigoles. Tu peux partir en tournée avec lui sans problème. Ah, tu rigoles beaucoup. C'est un, bon c'est un fan de raclette. Ouais. c'est vrai. Et son spectacle est vraiment très très très très drôle. Et je trouve qu'il a réussi la performance incroyable, c'est qu'il ramène son public de France Inter qui l'écoute dans ses chroniques et qui vient le voir en spectacle, qui est pas du tout l'univers France Inter. Et il arrive quand même à fédérer la salle. Et c'est vraiment un très très bon spectacle. Ouais. Il joue avant Jérôme Niel. À l'européen. Ouais. Vous pouvez vous faire un double programme, quoi. Ah ouais, ça, franchement, les deux se marient très bien. Hein. Les deux se marient très bien. Parce que c'est pas exactement la même chose, en même temps, les deux peuvent vous faire marrer. Mais il y a vraiment des très bons spectacles à l'européen. Le line-up est vraiment de qualité. Hein. Moi, je vous conseille un film qui est sorti mercredi qui s'appelle West Side Story. De Steven Spielberg. Oh, tu l'as vu hier? Je l'ai vu hier et j'ai trouvé ça vachement bien. Oui. C'est hyper vieux, il est fort. Non, il est fort. T'as vu, il est arrivé tellement en retard. Tu sens la fatigue. Non, mais c'est pas un remake d'ailleurs du film original, c'est une nouvelle adaptation de la comédie musicale de base. Parce que c'était un film effectivement des années 60. J'imagine. C'est Spielberg? Ouais. C'est Spielberg qui fait le remake. Putain, ouais, mais j'étais pas au courant, moi j'ai vu les affiches, mais je savais pas que c'était lui. Il adore la péloche. Et donc c'est un super film qui donc réadapte la comédie musicale de base et qui vachement moderne en fait. On peut avoir peur. Tu te dis, oh là, la comédie musicale, c'est genre 2h40. Est-ce que. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que ça parle vraiment de l'Amérique d'aujourd'hui, sur les problèmes de racisme, de place dans la société, comment dire, d'une société qui est en train de s'écrouler peu à peu. Ouais. Enfin voilà, donc en fait, c'est dans des derrière de trucs de, où ça danse, où ça chante, ou machin, c'est extrêmement badant. Moi, je suis vraiment sorti en bad du film. Je vais me faire phaser et puis. Et ouais, bah, story, ouais, c'est story, ouais, éclaté. C'est badant parce que ça a l'air hyper coloré. Mais c'est ça qui est fou en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est que c'est méga coloré. Et alors, je vous passe tout le truc incroyable de Réal où tu te dis putain, mais comment. C'est comme Scorsese quoi. Comment à 70 ans, t'as encore cette énergie là où la caméra elle fait 14 saltos arrière, elle passe sous le gars qui danse et en même temps, d'un coup, enfin, c'est complètement incroyable. C'est extrêmement moderne. Et c'est le film qu'il a, le mec qui l'a écrit, c'est celui avec qui il a fait Munich, Lincoln, enfin ces films qui sont très intéressants et qui disent beaucoup de choses. Et il avait fait Fences aussi de Denzel Washington que j'avais adoré. Et là, il a voilà, West Side Story, et c'est vraiment un super film que je vous conseille. Et voilà, vous laissez pas avoir sur le côté. Moi, je suis pas du tout comédie musicale par exemple. Et là, j'ai vraiment adoré ce film-là. Et j'avais déjà vu l'original pourtant, et j'ai quand même pu voir le remake, même si c'est la même histoire. West Side Story, c'est Roméo et Juliette, hein, plus ou moins. Donc, et donc là, à c'est à notre période, quoi, c'est ça ? Non, c'est à l'époque aussi. Ah, d'accord. Ça se passe à l'époque, mais ce qui est fou, c'est que la résonance est très actuelle. Ouais, d'accord. Ça va être assez fou, c'est génial. Il y a tout le truc sur les États-Unis autour de l'arme à feu, autour des trucs raciaux, de comment des immigrés peuvent se vénérer contre des blancs parce que les blancs font des trucs sur le territoire. Enfin, c'est vachement intéressant. Donc voilà, West Side Story, c'est vachement bien. Profitez-en si vous avez l'occasion, même si là il y a 14 films par semaine et que c'est un peu galère de trouver du temps. Elle a tout pété. De l'eau. J'ai chié dans le vase. Il y a de l'eau partout. Il y a des saumons qui se mangent. J'ai ouvert le caca d'eau. C'est le caca d'eau. Il est tombé. Le caca de l'eau, il est tombé. C'est horrible. Écoutez, quittons-nous là-dessus. Elle a chié dans un vase. Elle a chié dans un vase. Dernier tour de table. Douli, donc ton spectacle. Oui, mais tu le joues jusqu'à fin décembre. Ouais, mais à Paris. A priori, ça reprend en janvier. Ouais. Les gens ne sont pas rassasiés. Faites-vous une overdose de Douli. Ouais, au point virgule, chérie, à 21h15, parce que je peux pas le jouer avant, sinon c'est trop agressif. Trop agressif. Ouais. C'est vrai que tu feras jamais un 19h. Non, bah, j'ai tenté, c'est compliqué. Même moi, j'ai pas envie de parler de ça à 19h. Quoi. Le spectacle de Douli est génial, voyez-le. Elle a un clown scénique. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Non, mais c'est vrai, quand tu vois, plein de gens disent c'est dur de créer des choses sur scène et tout. Faut avoir, c'est vachement important de trouver son clown. Jérôme, toi, tu l'as trouvé parce que tu fais un truc complètement what the fuck qui est génial et qui est vraiment toi dans les vidéos. Mais Doudou, elle a un truc vraiment à elle, quoi. De droguer, quoi. Non, mais pas de droguer, pas que ça. Mais t'as vraiment un truc à toi, t'as ton empreinte à toi et c'est tellement agréable de t'écouter parler. Une empreinte carbone, disons-le. Non, mais c'est vrai. Merci, chérie. Baptiste, toi aussi, tu as un spectacle que tu joues en ce moment. Il paraît. Tu joues au Café de la Danse, mais je crois que c'est complet le Café de la Danse. Là. Il reste que des places le 31, je crois. Oui, c'est ça, le 31 décembre. Ouais, le 31, il en reste genre un tout petit peu. Attends, alors ouais, parce que. Non, mais calme-toi. Non, parce que je me suis. Non, parce que toi, tu joues le 24. Ouais, et toi, tu joues le 31, alors c'est pas possible. Aussi. Le 24 et le 25, je ne joue pas. Moi, j'ai eu relâche. Ouais, je joue 24, et pourquoi 25, c'est vous qui avez choisi de jouer ces soirs-là ? Vous aviez... On m'a demandé. Tant, t'as demandé de jouer ? Non, on m'a demandé si je voulais. J'ai dit, bah, mais en fait, comme je suis jeudi, vendredi, samedi, ça tombait sur des jeudi, vendredi, samedi. On m'a dit, est-ce que tu veux les conserver ? J'ai dit, bah oui. 31, c'est pas non plus. Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même. La tu vois, soirée de l'année. C'est sûr. Ça va être encore de la chiasse, comme depuis au moins 12 ans dans ma vie. Mais. Je vais reprendre de l'oseille, hein, quitte à choisir. Et puis au pire, bon, tu sors à 23h. Quoi, en oui, vrai. C'est ça, en plus. Tu vois. Les gens commencent par ça. Moi, je vais peut-être jouer alors. Je vais peut-être jouer 31 dans la rue. C'est un mercredi? Hein non, mercredi, non, ça doit être un vendredi. Non, c'était moi, je joue pas. Je... Ah, mais d'accord. Non, mais j'étais étonné. Enfin, j'ai quand même. Non, si, j'en ai fait plein, mais tu fais pas le nouvel an sur scène. Ça m'est arrivé une fois de le faire sur scène, c'est rigolo, mais en vrai, t'es quand même en face de gens qui veulent se faire une soirée pépère. C'est pas des vénères. Non, mais c'est ça qui est. C'est le public, en fait, tu vois, qui vient. C'est... Non, bah j'ai très peur pour le 24. Ouais. Bon, en plus, je voulais faire un appel à tous les musulmans, les feuges et tout ça. Les feuges, je... pas parce que c'est Shabbat. Ouais. Ah, oui, allons. Je peux avoir les musulmans et les essais. Voilà les gens. Bien sûr. Et donc ça peut donner une ambiance, hein, mais je vais racoler. Donc ouais. Donc alors, attends, c'est encore le 31. C'est du 21 au 31 décembre au Café de la Danse. Sachant qu'avant ça, t'as quand même quelques dates, parce que le 14 et 15. Ah non, c'est passé, on est dans le futur. Donc t'as déjà fait Bordeaux et t'as déjà fait Lausanne. Ah putain, mais t'as déjà fait Lyon aussi. Donc ouais. En fait, t'es à Arras le 16 janvier. Ouais. T'es à Vals-les-Bains le 21. Voilà. C'est quoi la vraie ville autour? Parce que souvent, des fois, il y a des noms de villes. Je sais plus. Vals-les-Bains. Vals-les-Bains, j'ai vu ce que c'était à côté. Je crois que c'est parce que souvent, t'as des trucs genre Tinqueux, mais en fait, c'est Reims. Oui, c'est Reims. Ou t'as Chenov, en fait, bien c'est Dijon. Bien sûr, Tinqueux, il y a un très beau bowling à Tinqueux. Le bowling de Tinqueux. La presque tournée de Verino avait fait ça sur son précédent spectacle, c'était très drôle. Il disait la presque tournée des villes de France. Et en fait, il montrait les villes et c'est les villes à côté, quoi. Donc il y a ça. Et non, mais en fait, attends, ça passe. Ça passe le 20 décembre, là, ce qu'on dit. Ah d'accord. Donc je peux déjà annoncer. Ouais, Vals-les-Bains, c'est vers Valence et Montélimar. C'est ça. Ouais. Non, mais on sera de retour à Paris, je peux le dire. On sera de retour à Paris au Théâtre de la Renaissance en octobre et novembre 2022. Enfin, tu seras. Oui. Moi, j'ai aidé à écrire, mais, oui, c'est toi qui sais. C'est une team. Ouais. Team. Du mercredi au samedi. Tu me les oreilles avec ça depuis combien de temps? C'est une team. C'est de la promotion. Oui, bah voilà. Donc dis, soit. Du mercredi au samedi au Théâtre de la Renaissance, octobre-novembre 2022. Ah oui, bon, il y a le temps. Ouais. Le temps. Bah oui, il y a le temps, mais les créneaux sont pleins. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant ça, t'as quand même plein de dates. Oui, j'ai plein de dates de tournée en province. Évidemment. En province. Mais il faut les voir parce que là, je ne les ai plus en tête là. Allez sur baptiste-lecaplain.com. Voilà. .fr. Oh, .fr. Il aime son pays, celui-là. Moi, j'ai un hotmail.fr. Du coup, arrêtez qu'on n'est plus que deux dans le monde et tous les mails importants, ils partent dans les spams. C'est un désastre. Ils ont lâché l'affaire Hotmail. Allez, un petit Gmail pour 2022, Douli. C'est tout ce qu'on te souhaite. Jérôme. Eh bien moi, tous les mercredis à l'Européen, peut-être qu'il reste des places pour le 29, et sinon tous les mercredis janvier-février. Moi je viens en janvier. Trop bien. Ouais. Et tu fais un peu de tournée après, c'est prévu en tout cas, t'as peut-être pas les dates, mais... Inch'Allah, ouais. Octobre-novembre normalement. De 2022. 2022, ouais. Génial, sublime. Toi Adrien? Comme les semaines précédentes, la petite histoire de France et Hors de lui, toujours et disponible. Bah oui, dans lequel Jérôme est là. Bah oui, Jérôme. Oui, parce qu'on parle des spectacles, mais c'est vrai que toi Jérôme, tu es dans Hors de lui. Mmh. Douli, tu es dans la série de Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même. Et oui. Voilà, donc vous faites aussi, vous jouez la comédie. Voilà. La comédie. Et la petite histoire de France, c'est quand? C'est commencé là. C'est en ce moment. C'est quoi? C'est le samedi. En compagnie d'un public en folie. Ouais. Le Hit Machine. Charlie Lulu. Non mais ouais, je crois que c'est le samedi. Ouais, il me semble. Ouais. Et ça commence. Et puis si vous avez de la chance, vous tombez sur moi parce que je suis non pas dans énormément d'épisodes, mais. Mais à chaque fois, tu as une belle moustache. J'ai une sublime moustache. Oh la belle moustache. Et des beaux cheveux. Adrien la belle moustache. Adrien la belle moustache. Bon, merci beaucoup. On a été un peu long. Je suis désolé, mais c'était très cool. Oh là là, mais c'était Noël. Au revoir tout le monde. C'est la magie de Noël.